01 42 48 5 000. Allô, bonsoir, qui est là? Bonjour, comment tu t'appelles? Ami. Bonjour à toi, ami drogué. Tu nous appelles pourquoi? En fait, c'est pour avouer un truc à Lilou. Ah, nous t'écoutons. Il va prendre sa vraie voix. Alors, comme je sais qu'il faut être franc dans la vie, je vais lui avouer droit. J'ai des fantasmes pour Lilou. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ah, t'es pas le premier, c'est ça le problème. Tu te masturbes. Et moi, du coup, je la défends tous les soirs, Lilou. Je suis obligée de la raccompagner à sa voiture et tout. Mais Lilou n'aime pas qu'on dise cela. Non, et puis Lilou a surtout... Lilou veut même pas parler là. Elle est rouge, elle veut pas parler, elle se cache. Ça va faire plaisir au mec de Lilou, hein, oui. Surtout. Vas-y, Doc, énerve-toi, c'est le moment là de prendre la défense de Lilou. Oui, non, mais là, je pense qu'il est pas très dangereux là avec sa voix de. De prépubère. C'est une Tu n'es qu'un prépubère, mon ami. Non mais t'es mignon, il a t'as des sentiments, voix, mais bon. C'est gentil. Bon, c'est qu'est-ce gentil, que tu voulais dire d'autre? C'est pour passer une dédicace. Allez, vas-y. Alors, je voudrais passer une dédicace à Mélissa, qui est en 6ème 1. Ah oui, ouais. C'est ça, oui. Et à qui d'autre que Mélissa? À Ludo de Loving Fun. Pas de problème, c'est gentil. D'accord, c'est sa soirée, okay. Ce soir. Non, eh ben, écoute, pas de Loving Fun. Oui, oui, oui. Ça. Pendant et quelques années, oui. Là, pour ce soir. Alors, soit il c'était pour Lilou la soirée, il voulait vraiment que quelqu'un chope Lilou. Là, il a 9-10 ans, ou alors c'est une grosse connerie, il en a une. Je pense qu'on est Ludo, entre les deux. Hein, c'est pas Ludo, ouais. Le pauvre. Entre les deux, merci en tout cas pour cette soirée. Ouais. Les 50 000 fans ont été atteints sur la fanpage de l'émission, merci ah, encore. Ah putain, c'est génial. Ah, ça hey, c'est Mickaël. Toi, t'aurais pas fait ce que j'ai fait, hein, Mickaël. Qu'est-ce que. Ah oui, le sapin voleur. Oui. Hey, j'ai dû aller voir Zégut le calmer un peu parce qu'il était dans tous ses états. Ah, il était pas bien. Tu veux qu'on te le prête pour ton émission? Ça fera un petit peu dégueulasse. Non, malheureusement, non. Non. Merci, Polo. Je vois ce que t'en fais de mes cadeaux. Non, merci, on n'en veut pas. Non, mais il est pourri, ton sapin. Mais c'est pas le mien, c'est celui de Zégut. Bah, laisse-le à Zégut. Rends-toi à Zégut ce qui est à Zégut. Voilà, exactement, il faut, effectivement. Bon, bravo. Karel en mode gangsta hein, depuis tout à l'heure, là. C'est-à-dire qu'il sort au nom du studio, il passe avec la cagoule sur la tête, il regarde, hop, gauche, droite. Mais tu sais qu'il part comme ça de la radio. Voilà. Il se met sous sa cagoule, là. Mais oui, il fait froid. Et il part en courant comme ça. On se couvre. Eminem, frère. Il fait 14 degrés dehors, il y a plein soleil la journée, là, l'autre il a froid. Attends, tu plaisantes ou quoi? Non, en Normandie, il fait pas ce temps-là. Mais attends, on perd 10 degrés quand j'arrive chez moi en Normandie. Ah il oui, mais ça 10. Après, mais quelle idée d'habiter dans un endroit où il y a personne. C'est ça aussi. C'est le bonheur d'habiter en province, Mickaël. Ah oui, c'est vrai. Pour pouvoir élever sa propre vache. Absolument, effectivement. Et de traire sa vache pour avoir un bon lait frais le matin. Tout à fait, ça c'est le réveil de Karel. On embrasse Mirabelle qui nous écoute ce soir, ma vache, c'est ma voisine. Ah, on est bon. Merci Mickaël de me rappeler ma Bretagne natale. Avec plaisir, c'est si on peut rendre service. Allez, pas de bonne soucis, émission, hein. Amusez-vous bien. Salut. Voilà, allez, bisous. Bonne soirée à vous. On est reparti là jusqu'à 2h sur Fun Radio. Salut. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en pleine forme comme nous ce soir, plutôt la patate, hein, on va dire ça comme ça. Si vous êtes là, eh ben c'est que vous savez enfin qu'il y a quelque chose de bien à la radio le soir, mais continuez à le faire savoir, opérez de vos amis, hein. Il y en a plein qui sont pas encore au courant. Vu le nombre de gens qui arrivent en disant « Ah putain, vous êtes à la radio ? Ah, je savais pas que vous étiez là ? Ah mais c'est bien, il y a un pote qui m'a dit que du coup j'ai écouté. » Bah continuez justement à le faire savoir, continuez à prévenir vos potes, bien entendu, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Moi c'est Mickaël, pour ceux qui viennent de débarquer, c'est la voix la plus suave. Ouais, parmi le plus équipe. Beau. Au niveau de la voix, ça s'entend pas comme ça premier abord, mais c'est la voix la plus grave. Ouais, voilà. C'est vrai. Dorénavant, je parlerai comme ça. C'est vrai, continue. Exactement. Bon, si vous voulez passer à l'antenne avec nous et pour délirer, pour jouer, pour faire toutes les conneries, eh bien vous appelez tout de suite 01 42 48 5000. C'est Sandro qui décroche. Il y a le numéro aussi pour la Belgique, bien sûr, le 02 851 4x0. Et si vous êtes dans un autre pays que la France ou la Belgique, eh bien vous faites le 00 33 1 42 48 5000 et on vous rappelle juste derrière, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs en Suisse et au Canada notamment qui écoutent. Donc on salue nos amis canadiens qui écoutent là ce soir l'émission. Enfin ce soir là, chez eux c'est pas le soir, mais bref. Ils écoutent quand même quoi. Bah quoi c'est que, déjà attends, ça. 6h de moins, il est 17h, vu qu'ils sont plus haut. Il fait déjà noir. Ouais, oui, fait déjà et noir. On est aussi écouté au Sénégal. Oui, au Sénégal, oui, il fait encore clair. Et puis on salue également la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, etc. Où il y en a beaucoup qui écoutent. Et dans les îles, bien entendu, hein, où, bah, notamment la Réunion. Hein, où on salue tous les Réunionnais. Mais oui, et, bon eh, oui, Réunionnais qui sont à l'écoute tous les soirs. Bon, et puis on a également Zidane avec nous là. Comment ça va, Zizou? Il est là, Zizou. Oh, il est là. Il y a eu le stress quand même avant-hier avec le Real là sur le banc. Hein. Je t'ai vu sauter dans tous les sens. Ah, mais ouais. Elle est tombée, tu vois. Bah ouais. Et c'est après, pas trop dur de s'appeler Zidane, sans déconner. Ouais, mais Benzema, en ce moment, il est pas trop en forme, mais... Mais hey, c'est pas trop dur de s'appeler Zidane en vrai. Non, tranquille, tu vois, écoute bien, les gens me respectent, plus on dirait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah bon, c'est pas trop mieux. Quand il appelle pour réserver des trucs et tout, on lui propose tout de suite la classe au-dessus, le top du top. Pour l'instant, j'étais pas encore contacté par Zidane. Bah écoute, peut-être qu'un jour. Bon Zidane, on va parler de quoi avec toi, dis-moi. Est-ce que déjà t'as passé une bonne journée? Bah en fait, j'ai quitté mon ex. D'accord, bravo, ouais. C'est bien. Alors, attends, qui est où? Qui est à côté de toi? Non, je l'ai quitté, mon ex, Attends, t'as un téléphone de merde, Zidane, attends, tu sais quoi, on va te rappeler, voir s'il y en a notre numéro, parce que je crois que tu nous entends mal, et nous aussi on t'entend mal, donc... Ça fait de la pub, ça gagne des millions, mais c'est un téléphone c'est de ça, merde. C'est ça, ça travaille au Real Madrid, sur le banc, là, et au final, pas de quoi s'acheter un téléphone. C'est quand même scandaleux. Bon, Sandro qui est là également, toujours à la recherche d'un prince charmant, bien entendu, hein, Sandro, toujours à la recherche, cette grande recherche. Non, ça y est, je cherche plus. Ça y est, t'as trouvé? J'ai pas dit. Non. Quel est le malheureux élu? J'ai pas dit que j'avais trouvé. Si, attends, c'est bon, tu cherches plus là comme par hasard. J'ai dit je cherche plus, j'ai pas dit que j'avais trouvé. Oh, arrête ton cinéma, bon, c'est bon, on a trouvé. Ouais, c'est bon. Est là. T'emmerde pas, on l'a trouvé. Bon, y a Tof qui cherche aussi toujours sa croix avec tous ses amis. Oui, je la d'ailleurs, cherche. Y a Maeva qui croyait en fait que c'était pas vrai. Elle me dit ouais, arrêtez de faire ça, le pauvre Tof, etc. Je rappelle que tout ce qu'on dit dans cette émission sur Tof est vrai à 100% vrai. Sauf la sodomie sur la croix. Arrête ton cinéma, tu l'as dit. T'es sérieux avec ces conneries? Tu l'as dit. Tout à l'heure dans le bureau, tu me l'as encore dit. Exactement. Je rappelle que Tof a avoué qu'il aimait se faire sodomiser sur une croix. Sucer. Enculer sur une croix dans une cave attachée, mais pas une croix catholique, mais une croix en forme de X. Voilà. Et donc il aimait se faire attacher dans des caves sodomiser. Et se faire sodomiser par des gosses ceinture. Sucer. Arrêtez d'en rajouter. C'est ça. Donc tout ça est vrai, bien entendu. Fantasme que vous essayez de transférer sur moi en permanence. Totalement vrai. Allons faire enculer, gros pédé. Voilà. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai un bon, très, très, très bon sujet de conversation que nous allons pouvoir utiliser tout à l'heure. Voilà, puis Tof qui est Polo qui cherche également, je sais pas dire l'âme sœur, mais en tout cas, il continue à passer son temps à jouer du pipeau. Hein, je passe mon en temps en cherchant à jouer du cet pipeau, amour qui va finir par arriver à un moment ou à l'autre. Qui sait ce que la vie nous réserve. Mais oui, bon, et pour réagir à l'émission, eh bien, vous pouvez le faire avec plusieurs possibilités. Déjà, le SMS, vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique. Vous pouvez également le faire sur le Facebook. On est plus de 302 000 depuis hier. Bravo et merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses à venir tous les soirs de plus en plus nombreux et nombreux sur le Facebook. Tapez Mickaël officiel ou encore via le Twitter. Vous tapez simplement hashtag Mickaël avec votre message et vous serez peut-être justement dans le top tweetos. Et vous le savez, comme tous les soirs, on offre un joli sextoy à la fin d'émission offert par passagedudésir.fr. Voilà, donc si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec ce hashtag Mickaël pendant l'émission. Et plus vous envoyez de messages, plus vous aurez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Et ce soir, on offrira le sextoy au numéro 2. Voilà, il faudrait être le numéro 2 pour repartir avec le sextoy. Ah, pas mal. C'est parfait. Offert par passagedudésir.fr. Voilà, et puis pour m'ajouter sur le Twitter, hein, vous tapez simplement Mickaël_officiel. Underscore, c'est le petit tir en bas. Voilà, donc vous tapez Mickaël_officiel sur Twitter. Et si vous m'ajoutez, eh bien, je vous suivrai également. Et ce avec grand plaisir. Je vous cale aussi le son de Drake avec Hold On We're Going On. Ça me donne envie de baiser. C'est vrai. Ouais. Il y en a plein qui aiment bien cette musique sur la couette. Voilà. Il y aura aussi Demi Lovato, Neon Lights. Et puis je vous calerai aussi Hardwell avec Dare You. Et si vous voulez écouter un son en particulier ce soir avant 2h du mat, n'hésitez pas à demander, il n'y a pas de problème. Vous envoyez simplement maintenant un message direction le Twitter ou le Facebook avec le hashtag Mickaël. C'est aussi simple que ça. Il y a Megumi qui dit bonsoir mes cochons que j'adore. Eh bien salut mes cochons. Daoud Douida aussi. Salut Ah. Eh ben salut Daoud Douida. Il y a Renaud qui dit la Bretagne ça pue. Hashtag Mickaël. Et puis il y a Maxime qui a envoyé un message depuis l'application. Car oui, il y a également une application Mickaël No Limit qui est sortie depuis la semaine dernière. Que vous pouvez télécharger sur iTunes gratuitement pour votre iPhone, iPod ou iPad. Et il suffit de la télécharger. Maximi qui a envoyé un message donc depuis l'application. Possible d'avoir un message de bienvenue. Ça fait 3 mois que je vous écoute. Pour Tof, mon père est ébéniste. Il peut lui faire une croix également. Sinon, l'appli est géniale. C'est Maxime. On va déjà avoir une croix d'un ébéniste. Tous les ébénistes de France veulent me faire des croix. C'est voilà. Bon, je pourrais en avoir dans toutes les villes. C'est ça. Il y a Sarah qui dit coucou mes amours. Oh, vous m'avez manqué. Hâte de passer une belle soirée avec vous. Mon petit chouchou Mika, je t'adore. Merci Sarah. Je te fais des bisous également. Et puis on va récupérer du coup Zidane. Zidane, t'es toujours là? Zidane. Ouais, là, ah, bon, on parle de quoi du coup dans un instant avec toi, Zidane? Bah déjà tu m'as dit Zidane il a le téléphone de merde. Non mais là ça va mieux là, à mon avis c'était la ligne qui était pourrie là. Non là, non mieux, il avait laissé son haut-parleur. Ah, ah, ah moi je balance direct. Voilà, hop, coup de pelle et gifle du coup. Et bah du coup Zidane tu vas attendre, on va d'abord prendre Julien qui est avec nous. Julien t'es là? Je suis là. Comment ça va? Oui bien et vous? Eh bah tant mieux, bah oui très bien, plutôt très très bien même. Bon, est-ce qu'il y a un son qui te ferait kiffer Julien ce soir là? Ouais, j'aimerais bien Creola avec Love for the Night. Love for the Night de Creola. Eh ben écoute, oui, on va essayer de te trouver ça. Oui, bouge pas de là. Attends, je vais essayer de le retrouver et je te le mets tout à l'heure sans problème. Bon, avant de parler son, on va parler cadeau puisque ce soir c'est une GoPro que je vous offre à l'occasion de la sortie de Kick-Ass 2 en DVD. Et pour ça, Julien, tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds, il gagne. Si c'est l'inverse, forcément, c'est toi qui gagne. On t'écoute, Julien. Alors, je peux être de pierre comme sur la main, qui suis-je? Je peux être de pierre comme sur la main, qui suis-je? Bon, facile, facile, facile. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer pour gagner la GoPro. Ça vaut quand même 300 boules. La bite? 300, 400, je sais plus combien. Ça dépend laquelle, mais bah, ouais, entre... Là, y a la bah, je sais pas, moi, je vois pas. Hero 3, ouais, c'est celle-là. Hero 3, mais black? Bah non, j'en sais rien, moi. Bah, ouais, le spécialiste de la GoPro black ou... C'est quoi? Ça se voit où? C'est écrit dessus, c'est écrit black, bah, silver ou white. Bah, Hero... Silver. Ah, silver, donc c'est 300 quel, quoi. 300, c'est moyen, ça? C'est moyenne gamme. C'est le milieu. Milieu, ouais. Donc c'est entre la white et la black. Voilà, la black, c'est la plus chère avec la télécommande wifi et tout, c'est un truc de ouf. On n'a pas eu les moyens. Ouais. Bon, bah... Mais celle-là, tu peux la commander avec ton smartphone, ça va aussi. Ah bah voilà, donc la silver qu'on vous offre. Bon, si vous avez la bonne réponse, à la colle de Julien, donc, je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je? Vous envoyez Mickaël, les 4 lettres, suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien entendu également jouer depuis le Facebook où vous pouvez voir d'ailleurs la GoPro, on l'a fait la photo avec tout à l'heure, là. facebook.com/Mickaël officiel. Allez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez également lire la colle et y répondre. On attend évidemment vos messages. Julien, tu restes avec nous et on donne la réponse avant minuit, ok? Ok. Donc avant minuit, on saura si tu repars avec la GoPro ou pas. Et puis, bah, je te souhaite bonne chance, en tout cas, Julien, d'accord? Bah merci. Allez, à tout à l'heure Julien, on fera également un petit chéri je peux te faire cocu ce soir comme tous les lundis. Va-t-il y avoir du lourd? Je rappelle que la semaine dernière c'était très lourd mais malheureusement ça a capoté parce que le mec nous a grillé. Donc on va voir cette fois-ci si ça va être lourd ou ça va pas être lourd. On verra bien. Zidane, le retour avant d'écouter Drake. Zidane, t'es toujours là? On est là. Bon, là, parfait. Bon alors, le téléphone s'est arrangé, tant mieux. Du coup, tu nous parlais de quoi? De ta meuf que t'avais plaquée. Et puis c'est là qu'on en était. Non, en fait, moi, j'ai plaqué mon ex il y a 6 mois. Ouais. Elle n'arrête pas, en fait, de me faire culpabiliser, quoi, toi. Pourquoi? Ah, mais t'es resté avec elle pendant combien de temps? Bah, pendant 3 ans. Ah oui, ça va, sympa. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas mal, 3 ans, là, hein, pas mal. Et voilà. Elle te fait culpabiliser, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je l'ai quitté, quoi, parce que j'ai plus confiance en elle et je l'ai quitté, tu vois. D'accord. Et elle n'arrête pas, comme quoi, voilà, je lui ai gâché, en fait, une belle histoire alors que c'est pas vrai, tu vois. Je n'ai rien compris, Zidane. Est-ce que tu peux me réexpliquer, s'il te plaît, correctement? Elle raconte qu'elle lui a gâché une belle histoire alors que c'est pas vrai. Voilà, donc en gros, si tu veux, elle râle, c'est que sérieux, elle râle que tu l'aies viré parce que pour elle, t'as gâché sa vie. Exactement. Ah bah voilà, tu vois, en 2 mots, j'ai réussi. Bravo. C'est plus simple. Qu'est-ce que tu es fort. Mais Michael. Oui, je sais. Non, mais bon. Bon. Et donc... En fait, tu parles tellement bien le français, en fait, que vous. Ah, mais non, mais tu parles. Mais non, mais tu parles bien le français. C'est juste que tu mets pas les mots à la bonne place. Ouais. Voilà. En fait, c'est parce que tu fais. Tu. L'histoire est trop longue. Tu vois. Alors que en quelques mots, c'est plus facile. Parce que je m'appelle Zidane du Maroc. Tu sais, je suis Zidane du Maroc. Oui. Et alors, je m'en branle. Tu pourrais être d'Asie, ça revient au même. Tu vois. Je m'en fous, Zidane. Bon, donc concrètement, ton problème, c'est simplement que t'es avec une meuf. Enfin, t'es plus avec la meuf, mais que la meuf te reproche de l'avoir virée. Carrément. Carrément. Très bien. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? T'es encore en contact avec elle? Ben non, en fait, je vous ai appelé pour comprendre avec vous, parce que vous êtes des experts, tu vois. Oh oui, donc grands experts. Ah bah, nous sommes spécialistes en relation amoureuse, surtout moi. C'est vrai. À fait, de grands experts. Tu veux pas qu'on l'appelle? On va lui demander pourquoi. Bah attends, on va d'abord savoir. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux t'en débarrasser? Tu veux retourner avec elle? Tu veux faire quoi, toi? Mais non, je m'en fous, moi je m'en fous complètement. C'est qu'en fait, l'histoire, c'est que j'ai plus de confiance, tu vois, j'avais plus de confiance en elle. Ouais. J'ai arrêté, j'ai dit stop, tu vois. Ouais. En fait, quand t'en as plus confiance en personne, pourquoi continuer? Pourquoi? Ah non, mais t'as raison. Bah attends, Zidane, et on va demander aux auditeurs, tiens, est-ce que vous avez déjà vécu ça? En gros, vous avez quitté votre copain, votre copine, puis après, alors soit vous êtes devenu amis, hein, l'amitié homme-femme, tout ça, est-ce que ça existe ou pas? Bah justement, on en parle. Soit justement, ça a été la guerre. Comment ça s'est terminé avec vos ex ou avec ouais, avec vos ex, homme ou femme? Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, c'est le numéro du standard de Fun. Donc allez-y, profitez-en et on va s'écouter. Je vous l'avais promis, le son de Drake. On va se mettre bien avec le son de Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, 23h14, on est en direct tous les soirs jusqu'à 2h du mat et le dimanche bien sûr de 20h à minuit. Bonne nuit tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France, tous les soirs, 23h15. Là, attention, toujours la colle de Julien. Julien, t'es encore là, Julien? Toujours. Très bien, est-ce que tu peux faire péter la colle s'il te plaît afin de donner peut-être un petit coup de main aux auditeurs qui viennent de débarquer là pour savoir, bah, pour choper la GoPro Silver Edition qu'on vous offre. Vas-y, vas-y, Julien. Donc je peux être de pied. C'est pas facile, hein, Julien, c'est pas facile. Vas-y, répète. Je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je? Voilà, tout ça pour une colle aussi courte. Je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je? Voilà, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 ou rencard directement sur le Facebook de l'émission où il y a la colle d'ailleurs qui est écrite dessus. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, comme ça vous verrez même la GoPro qu'on vous offre. On l'a là ici, là, dans la boîte. Elle est toute neuve, elle est magnifique. Elle est belle, elle est magnifique. Elle est tellement belle. Elle est exactement l'inverse de Toff. Ouais, on dirait un diamant. Voilà, complètement. Elle est magnifique. Voilà, on vous l'offre, elle est toute neuve. C'est la Hero 3 qu'on vous offre, Silver Edition. Wow, maintenant on sait, un hein, peu comme ça. Les cartes bancaires. Exactement, la Silver. Ouais. Allez, 23h17 sur Fun. Bonne chance pour la colle et pour la GoPro. Et puis Drake maintenant, Hold On, We're Going On sur Fun Radio. Bonne soirée. I got my eyes on you. Le son de Drake sur Fun Radio, Hold On, We're Going On. Bienvenue si vous venez de débarquer, hein. C'est Mickaël No Limit, il est 23h20. Il y a Demi Lovato qui va débarquer dans quelques minutes. Voilà, puis je vous ai promis aussi le son d'Ardwell. Ça va arriver, there you. Ça, c'est le son d'Enflore qui va débarquer avant minuit sur Fun. Et donc, si vous voulez écouter un son en particulier, bah, vous demandez. Hein. Vous allez tout simplement maintenant Twitter, vous tapez hashtag Mickaël. Ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel également. Il y a Cédric du 5-9 qui dit moi, quand j'ai quitté ma copine, on est resté amis. Ah, Cédric, par pitié, on est NEZ. Le nez est resté ami. C'est pas possible, Cédric. C'est être, le verbe être. C'est dingue. Il y a Benoît qui dit j'ai terminé avec les ex, ça dépend comment les relations s'est passé. Oui, ça, c'est sûr. Et Alexis qui dit vous êtes au top, je vous adore. Merci Alexis, tous vos messages qui arrivent encore là, comme Susanna qui a envoyé un message qui le son de Drake a dû donner des envies de baiser sur une croix à Toff. Oui, très probablement. Non, il ne baisse pas, il se fait sodomiser. Il se fait sodomiser, exactement, enculé. Sodomiser, c'est ça, bravo, merci Toff. Voilà, il y a Sorpion également qui dit ce matin j'arrive et je commence à dormir, le prof me demande pourquoi je suis crevé, je lui réponds bah il y a enfin quelque chose de bien à la radio. Il a dû apprécier. C'est bon ça. Ça, c'est bon, effectivement. Bon, allez, tous vos messages qui arrivent, évidemment, en direct. On va récupérer Zidane. Il y aura Mickaël, il y aura Jordi qui voulait réagir aussi. Racontez-nous vos histoires avec vos ex. Comment ça s'est terminé? Bien, mal? Comment ça s'est passé? Si ça s'est mal passé, justement. Bon, avec Toff, on l'a déjà raconté 100 000 fois, toutes ces histoires dramatiques. Est-ce qu'on pourra raconter ce vide, je tombe? Encore? C'est quand même la vanne. J'adore quand il souffre, parce qu'il va pleurer. Bah, si, oui, non, mais je peux le faire. Attends, parce qu'il faut que je mette la musique. Tu m'as pris à sec, là, 20 secondes. Voilà. Alors attends, donc effectivement, donc Toff sortait avec une meuf, fut un temps. Ouais, et puis c'était sa première meuf, vraie histoire. À l'époque, c'était un mec bien. Aujourd'hui, c'est c'est la merde que vous connaissez. Mais à l'époque, c'était un mec bien. Il avait des petits costumes en tweed. Bon, abusons pas, mais oui, donc tout allait bien. Et puis en fait, elle s'est foutue de sa gueule, elle l'a trompé. Et puis après, pour le quitter, elle lui a offert l'album de merde. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et pour le même prix, il se suicidait. Arrête, pas loin, pas loin. Putain, mais c'est un truc de ouf. Il a la lame. Mais oui, mec. Mais arrête, Toff. C'est passé, mon pote. Non, c'est pas passé. C'est la blessure à mon cœur. Ouais, c'est ça. Merde, et depuis, parce que oui, pour le coup, c'est une connasse. Puisque depuis, en fait, c'est devenu le connard qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est à cause d'elle. Parce qu'à l'époque, j'ai connu Toff en 96. T'es un mec bien. Ah, ouais, oui, ça fait longtemps. Tu l'as connu bien, toi? Ah, ouais, non, franchement, ouais, il fut un temps. Il était honnête, Amoureux, fidèle. il se prévoyait avec des meufs sur le long terme. Voilà. Aujourd'hui, c'est la raclure qu'on connaît qui se fait sodomiser sur des croix dans des caves. À cause de cette salope. Voilà, mais ça n'a pas toujours été comme ça, que ce soit clair. Non, vraiment, ouais, ça n'a pas toujours été comme ça. Je serais bon père de famille aujourd'hui. Ah bah, il serait père de famille. De là, être bon, c'est un autre problème. Mais en tout cas, il serait père de famille, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc l'histoire dramatique de Toff au niveau des ruptures. Ouais. Et voilà, c'est dur, mais c'est elle comme ça. Elle est partie avec un autre. Ah ouais. Mais le CD, tu l'as écouté plusieurs fois ou... Je le connais par cœur. Je peux te faire toutes les chansons qu'il y a sur l'album par cœur. Est-ce que tu te rends lui faire un blind test un jour. Karaoké, ouais, karaoké. Ah ouais. Oh, ça peut être bien ça. Bon, puisqu'on reste dans la dégueulassitude avec Toff, eh bien continuons à y rester puisque j'ai une petite question pour vous les filles. Est-ce qu'il y a des filles dans le standard pour l'instant? Non. Eh ben j'espère qu'il y en a une qui vont arriver dans quelques minutes là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 puisque je voulais savoir si vous aviez est-ce que vous avez envie d'avoir la peau du visage douce et sans rides, sans gros. La peau du visage douce et sans rides. T'aimerais bien voir ça? Ouais. Mais évidemment. C'est un autre problème que les rides, Sandro. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est ça, on verra. Mais. T'as une saloperie, sale. Mais non, comme mais d'habitude. Non, mais pas du tout, pas du tout. Eh bien, j'ai peut-être une solution. Ah non, j'ai pas peut-être. J'ai la solution. Eh oui. Oh là là. C'est beau. Et Michael descendit sur terre. Exactement. Oh, oh, oh, pas de blasphème. Voilà, j'ai l'éjaculation face à une éjaculation faciale par jour. Je vais enlever la musique parce que sinon ça fait un peu mauvais genre. Donc ouais, éjaculation faciale par jour, c'est une seule. Alors c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une étude sur les propriétés du sperme qui l'affirme qu'une des protéines, aide à réduire les rides si elle est étalée sur la peau. C'est incroyable, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Sandro, viens ici. Voilà. Donc Toff, tu vas prévenir des gens que cette découverte est exceptionnelle, ah bah oui. Géniale, magnifique. Il faut prévenir le monde, la terre entière doit le savoir. Exactement. Donc du coup, bon, on va appeler des gens pour savoir si si ça les intéresse ce nouveau système plutôt que d'acheter des crèmes chères. Mais oui, prenons une crème gratuite. Et crème gratuite, exactement. Ouais. Donc à vous de jouer. Vous envoyez maintenant des numéros de téléphone que Toff pourrait appeler encore ce soir. Des gens qui sont debout un peu tard, par exemple, ou qui sont un peu nerveux, par exemple également. Donc si vous voulez tenter d'envoyer des numéros, si vous voulez vous venger de gens qui vous ont fait chier éventuellement, eh bien vous envoyez tous les numéros de téléphone à Toff. On les appellera avant 2h sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On en fait un petit là comme ça? Ensuite, t'es chaud, on y va. Bah, on y va, avant de continuer à parler avec Zidane, là, de l'amitié homme-femme, avec Mickaël et avec Jordi également. C'est parti, premier appel, c'est maintenant que ça se passe, on y va. Voilà. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous acceptiez l'éjaculation faciale. Ah bon bah non, elle a pas voulu répondre malheureusement, non. C'est dommage, on va donc... c'est dommage. Mais on va donc rappeler, c'est parti. Et nous sommes en Corse. Ah, ah. Allez. On aime bien aller en Corse. Tout off à chaque fois il se fait insulter. Oui, la Corse. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme mais on a été coupé. Oui. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si elle acceptait que vous lui éjaculiez au visage. Vous avez que ça à dire, oh, bâtard. Ben, c'est parce que j'avais une bonne nouvelle, monsieur. Ouais, une bonne nouvelle, je te la donné, moi, la bonne nouvelle, oh, connard. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, qui tu es, toi, connard? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Toff, et alors, qu'est-ce que tu appelles, alors? Ben, je vous appelais parce qu'en fait, il paraît que si vous lui éjaculez au visage, c'est bon pour sa peau, monsieur. Ouais. Mais t'es un bâtard, toi, non? Mais non, pas du tout. Et du coup, ça aide à limiter les rides aussi. Dis-moi où tu habites, toi. Moi, j'habite Paris, monsieur. En Paris, ben reste à Paris, au bâtard, tu as compris? Reste à Paris, parce que si je t'attrape, tu vas voir. Mais c'est pas gentil tout ça, monsieur. C'est pas gentil tout ça. Je vais t'apprendre le respect ou quoi, connard? Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Va te faire enculer, oublie mon téléphone, hein. Mais monsieur, c'est t'as pas... compris, au PD. C'est pas gentil, je vous appelle pour vous annoncer. C'est pas gentil, ferme-la, tu as compris? Mais attendez, monsieur, moi... Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Où tu te crois, là, toi? Mais moi, je vous appelle... Reste à Paris, au bâtard. Va avec déjà le cul et toi, ta femme, au bâtard. Tu as compris? Oui, je comprends, mais je vois pas oui, le rapport. Oui, ferme-la, alors, si tu comprends. Ferme-la et raccroche. Ferme-la. Mais oui, mais attendez, monsieur, moi, je... Ferme-la, ferme-la. Y a pas où est, monsieur. Ferme-la. Ferme-la. Mais... Ferme. Aux Parisiens de merde. On mange merde. Tu as compris? C'est ce que tu es, un gros mange-merde, tu es. Mais d'accord. Alors ferme-la, ne réponds pas en plus. D'accord. Ferme-la, ta gueule. Mais ferme. Mais monsieur... Allez, ta gueule, ferme-la, ferme-la. Mais ferme. Pour votre femme. Si c'est bon, tu fermes ta gueule, PD. Tu as compris, aux Parisiens de merde, on mange merde. On mange. T'as de la chance que t'es à Paris. Sinon, je venais moi te chercher, t'allais voir. Je vais t'éjaculer à ta face de PD, de gay. Comme ça, t'as pas de ride, au PD que tu es. T'as compris? T'as compris bien ou pas? Mais oui, je comprends, monsieur. Oui, alors ferme-la. Et en plus, tu rigoles. T'as même pas honte, bâtard. Je vais t'éjaculer moi au visage, tu vas voir. Et ferme-la. Et oublie le numéro. Tu rappelles encore une seconde, tu vas voir, je viens moi à Paris te voir. Toi, autant que tu es, tu vas voir, je vais te donner le compte. Oh, bâtard. Et rigole, va, oh, petit connard. Ah. Il est parti. J'ai peur là. Oh, ah, moi je dis que Toff pourrait le rappeler, effectivement, ouais, encore une fois. Vas-y, vas-y. Oh, là, ils vont te dessouder un peu. Ah bah attends, encore une fois. Attends, il y a Jordi et Mickaël qui sont là tous les deux. Ça va les gars? Ça roule, merci. Bon, est-ce qu'on le rappelle le notre ami notre ami Corse? Ah bah ouais, bien sûr. Encore attends, une fois. Il avait l'air tellement sympathique. Mais oui, trop bon en plus. Mais oui, voilà, c'est ça. Bon, on va le rappeler alors. Mais oui, alors bouge pas, Mickaël et Jordi, vous allez réagir par rapport à Zidane sur l'amitié, donc homme-femme et surtout. Mais surtout... Materazzi, il va bien ou quoi? De quoi? Materazzi, il va bien ou quoi? Eh ben Materazzi, il va certainement très bien. Oui. Et donc surtout aussi sur les ex, comment ça s'est terminé, évidemment, avec vos ex, bien ou mal. Venez nous appeler, enfin venez nous expliquer en appelant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Allez hop, c'est parti, on rappelle encore. Quoi? On rappelle en Corse. Ouais. Je pensais que ça avait décroché, mais non. Allez. Allez, la Corse. Allô? Oui, excusez-moi, monsieur, mais c'est vraiment pas gentil ce que vous me dites. Oh putain, je vais me le faire. Oh, tu redis encore ce mot-là, je te jure. Oh. Ferme ta gueule, je t'ai dit. Tu n'as pas encore compris, tu n'as pas. Qu'est-ce que tu rappelles encore, au bâtard? Bah non, mais je voulais pas qu'on parte sur une... qu'on parte fâché, monsieur. Parce que moi, je vous appelais gentiment et vous, vous êtes énervé. Tu fermes ta gueule, putain de merde, à m'appeler encore. Tu te fermes ta gueule. Bah oui, qu'est-ce mais... Qu'est-ce que tu m'appelles encore? Qu'est-ce que tu appelles encore? Tu en veux encore ou quoi? Non. T'es insatisfait ou quoi? Mais non, moi, je veux juste qu'on parte pas fâché, monsieur, parce que moi, je vous... Non, on part pas fâché de quoi? Tu sais ce que tu dis ou quoi? Bah oui, moi c'était... Tu sais ce que tu dis ou quoi? Tu bah, sais. Moi je pensais que ça vous ferait plaisir de le savoir, monsieur, que vous pouviez avoir une crème pour pas cher. Putain, il a fait peur à la fin. Le grognement là, j'ai l'impression que c'était un ours. Tu vas te faire tuer, Toff, un jour. Et là on rira. Ouais. Là, on va tous se marrer quand on aura une balle en pleine tête. Surtout que je vais faire le nécessaire pour qu'on, pour qu'on fasse une émission en direct de la Corse. Ouais, et nous, on est du côté des Corses. Voilà, et là, on sera moins le malin quand ils vont arriver là. Hein. Tu vas te faire tirer jusqu'à Pourgani. Voilà, c'est ça. Hein. J'appellerai tous tes amis en disant, écoutez, le mec qui vous a fait chier, on sera à tel endroit à telle heure. On vous attend. Ils vont tous débarquer avec leurs flingues et tout, ça va être la folie totale. Ce qui s'est passé, c'est que je note tous les numéros de téléphone. Ah oui, très bien. Voilà, c'est parfait. Il vaut mieux les garder. À Paris ce jour-là. Mais ouais, il vaut mieux les garder. Bon, retour avec Julien en speed là pour la colle. Toujours là, Julien? Toujours. Parfait. Bon, tu as bien retenu ta colle par cœur? Par cœur. Très bien. Allez, vas-y, fais péter la colle, Julien, là, pour repartir avec la GoPro qu'on vous offre la Hero 3 à l'occasion de la sortie du DVD de Kick-Ass 2. Vas-y, vas-y, Julien. Donc, je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je? Je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Il y a Maëva qui proposait un caillou. Non. Alexis qui proposait la pomme. Non plus. Un diamant pour Mickaël. Non plus. Francesco qui proposait pierre, papier, ciseaux. Non plus. Non. Pourquoi? Je sais pas. Il y a Johan qui dit ah oui non pardon, celui-là c'est rien à voir avec la colle. Bon bah très bien, bah voilà, c'est tout pour l'instant. Donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je peux être de pierre comme sur la main, qui suis-je? C'est bien ça, Julien? C'est bien ça. Très bien, c'est noté, c'est envoyé. On donne la réponse avant minuit. Allez-y, maniez-vous les autres. Hein. Il reste 30 minutes pour gagner la GoPro. Ça vaut quand même 350 euros, je pense. C'est ça, un gros modo. Oui, c'est ça, à peu près. La Silver Edition qu'on a et la photo est sur le Facebook. Vous pouvez aller la voir. Elle est magnifique, elle est toute belle. Facebook.com/MIKL officiel. Venez, ajoutez-nous. Et puis sur le Twitter également, vous tapez MIKL underscore officiel. C'est le petit tiré en bas. Si vous m'ajoutez, je vous suivrai également à mon tour. Julien, tu ne bouges pas de là. Et puis on va surtout récupérer Zidane maintenant. Là. Toujours là, Zidane? Ouais, il est là, mais il m'a tué, le gars, là. Ah, le Corse? Un truc de ouf. Ouais. Il était un peu nerveux, hein. Ouais, j'ai pas compris. Ah ouais. Moi, j'appelais gentiment. Mais ouais, il y a Johan qui dit je suis tellement plié de rire, j'ai dû garer le camion là, il est énorme le Corse. Daoud Ouida qui dit faites attention qu'il ne mette pas une bombe à Fun Radio, c'est un Corse quand même. Il y a Denis aussi qui dit il est bon celui-là Toff, il a gagné le jackpot de la soirée. Bah on en appellera d'autres, apparemment il y a quelqu'un qui a dit qu'on avait encore mieux. Alors oula, on verra, on verra. Il y a Charles-Henri qui dit oh PD bâtard, mort de rire, trop fort celui-là. Inès qui dit il y a pourtant des gens qui se tartinent le visage de sperme, c'est naturel et ça rend la peau douce, Burke. Ouais, il y en a qui le font effectivement. Et Elliot également, merde, j'ai perdu ma page. Bon, ben voilà, j'ai perdu ma page. Parfait. Ah bah oui. Bah, je n'ai plus aucun message, c'est magnifique. Ah, c'est ballot, bon, bah, je lirai dans un instant. Bon, alors Zidane, donc toi tu nous avais appelé par rapport à l'amitié homme-femme, et puis parce que ta copine, enfin la meuf que t'as virée il y a 6 mois, te reproche aujourd'hui d'avoir niqué sa vie parce que tu l'as virée, que c'est une honte. Et il y a Jordi avec nous du 03. Salut Jordi. Salut, salut toute l'équipe. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va bien, merci, ouais. Bon, bah tant mieux, alors Jordi, sois le bienvenu. Bon, merci. Alors Jordi, tu voulais réagir toi, comment ça s'est fini avec une ex? Bah ça s'est fini tout simplement, bah c'est moi qui ai cassé parce qu'elle me cassait les couilles tout simplement. Ouais. Elle me cassait les couilles et du coup bah elle a voulu me récupérer, moi je lui ai dit non, on peut être amis. Elle me fait mais moi je veux pas être ami, je veux juste être avec toi. Je fais bah écoute, si tu ça te plaît pas, tu te casses. Oui, c'est une. Oui, c'est une idée. C'est, et qu'est-ce qu'il a dit après? Bah après ça s'est fini comme ça et puis. Ah ça s'est fini comme ça. On s'est plus jamais parlé. C'est pas mal. Ah moi en termes de en termes de cassure entre guillemets, j'ai la meilleure histoire, c'est la meilleure qui puisse arriver dans une séparation. C'était j'étais avec ma meuf, c'est la première meuf que j'avais. Et tranquille, donc elle part en vacances, je pars en vacances, on était ensemble depuis un mois, je crois, un truc comme ça. Et bon, j'étais pas plus amoureux que ça, et c'était la première fois que je sortais avec une meuf, voilà, bon bref. Donc elle part en vacances avec ses vieux, je pars en vacances avec les miens, et puis donc elle partait je sais plus où, moi je partais au Portugal, on revient tous les deux. Grosso modo aux mêmes dates. Donc elle revient ou je reviens, je sais plus. On s'appelle, ouais ça va, ça a été, ouais c'était cool. T'as fait quoi? J'ai fait ça, blablabla, ok génial. Ça a duré une heure au téléphone. Et puis ouais bon écoute, bah faut qu'on se revoie. Ah ouais, avec plaisir et tout. Bah écoute on se rappelle. Voilà, c'est jamais rappelé. C'est dingue. J'avais 16 ans, bon bah voilà, enfin pas si longtemps hein. J'en ai 22 et demi aujourd'hui, je le rappelle, ouais. Et donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais et voilà, depuis j'attends toujours. Et elle aussi certainement hein. C'est dingue, Marie ça. Si tu m'écoutes. Ça fait 16 ans que j'attends ton appel. Rappelle. Qu'est-ce que tu racontes? J'avais 16 ans, c'est pas il y a 16 ans. Ah oui, j'avais 16 ans. Ça a 22 ans. Parce que je rappelle que Polo a 22 ans et demi et moi 22. Je suis plus vieux. Exactement, oui. Ah non, Polo est un peu plus vieux. Bah oui, il est bientôt mort, lui, à 33. Ouais. 33 ans, non. Ce vieux. Oh là là, qu'il est vieux. Et à 33 ans, il aime se faire attacher et se faire sodomiser sur les croix. Oh, mais quand vous serez plus vieux, vous comprendrez ce que c'est la sexualité. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Bon, et donc, du coup, Jordi, toi, c'est ta pire rupture, ça? Oh là oui, c'est la pire que j'ai pu. Oui, c'est la pire qu'il y a pu avoir. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Pire rupture, Polo une... Je ne rupture jamais, moi. Une rupture non. Jamais, non. Bah non, je il sort jamais. De... Ouais, je sors jamais. Voilà, Sandro, la pire rupture. J'ai pas de pire rupture. Ouais, le Sandro, si, on a bien une pire rupture. Le DJ ou l'autre, là, il n'y a pas eu, là. Il n'y a pas une pire rupture. Attends, c'était quoi la question? Bah, c'est quoi la rupture la plus chiante quand t'as cassé avec quelqu'un ou quand tu t'es fait casser le couple? Ah non, si tu l'as mal vécu, si le mec il était en chien. Non, pas du tout, moi je suis toujours resté en contact avec tous mes ex. Au cas où, c'est fuck friend. Aussi, on sait jamais, ça peut te servir. Toujours. Oui, bien sûr. Ouais, non, j'ai pas eu de rupture où on se parle plus, on s'est fâché, machin, on est toujours en contact. Bon, les filles, appelez-moi, je veux avoir vos avis aussi, parce qu'on a Mickaël là, qui est avec nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, pour nous donner vos avis. Donc, alors Mickaël d'Orléans, c'est ça? Ouais, oui, c'est on dirait que t'appelles d'Espagne là, Sandro, il a marqué Orlenas. Ah non. Ah oui, t'appelles Orlenas. Orlenas, c'est très bien. C'est à côté de Madrid. Voilà. Exactement. Bon, Mickaël, la pire rupture, c'est quoi toi? La pire, ma rupture avec mon ex, en gros, je vais rester ami avec elle, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire? Bah, en gros, ma mère s'est aperçue qu'elle était là que pour les intérêts, puis moi. Je n'ai rien compris. Ta mère s'est aperçue que quoi? Elle est que venue pour les intérêts. Ah, elle est venue que pour les intérêts, d'accord, ouais. L'argent, la thune, tout ça. Ben pourquoi t'es blindé? Parce que Sandro est intéressé du coup aussi, hein, tout d'un coup. Non, ouais. Et puis, puis moi, de mon côté, bah, j'incite sa mère et tout, puis voilà. Je n'ai rien compris, Mickaël. Je n'ai rien compris à ton histoire, mec. J'ai insulté sa mère. T'as insulté sa mère? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle me criait dessus. Bien sûr. Attends, on va revenir sur les intérêts. Quels sont les intérêts en fait? Ouais, mais attends, c'est l'argent, parce que. L'argent, vous voyez, mais c'est elle qui était blindée et donc sa mère avait peur non, que moi, toi. Moi j'ai de l'argent moi. Ok. Bon, on est amis, mec. Combien, quand combien est-ce qu'on se voit, là? Combien tu peux mettre? Non, mais attends. Parce que Otof cherche des investisseurs pour acheter une nouvelle croix. Dans son association. Là, hein, croix, encule croix toujours. Non, mais sérieusement, donc donc toi, t'as de l'argent, bah tant mieux, t'as rien. Et donc, en fait, t'étais avec une meuf et c'est sa mère qui a dit. Non, enfin, ma mère, ouais, elle s'est aperçue qu'elle était là pour les intérêts. D'accord, et donc toi, du coup, t'as insulté sa mère, gratos, alors qu'elle a rien à voir là-dedans, la pauvre. Non, mais elle m'a crié dessus une soirée, je voulais sortir en boîte avec elle. Et elle a pas voulu. Non, elle disait, ouais, je sais pas quoi, elle était moi aussi bipolaire et tout. D'accord, ok. Elle est bien, elle est pas bien. D'accord, donc elle a dit ça, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est un peu confus, ouais. Mickaël, mais reste avec nous. On va essayer d'avoir des filles. Hein, Zidane, reste avec nous également. On va essayer d'avoir des filles dans quelques minutes. Là, bougez pas de là. Il y a Dina qui dit, mais t'as vraiment 22 ans? Bah oui, pourquoi? Bah oui. Je les fais pas. Non, mais sérieux, c'est vrai que parfois on vieillit un peu. Voix. Parfois on me donne 28. C'est mais la voix. Comme la voix est grave. Bah ouais, c'est vrai. Maxime qui dit, il y a de la mère de pigeon aussi qui est bon pour le visage. Oui, mais bon, c'est moins sympa. Elliot qui dit, crème gratuite pour le visage. Mon dieu, c'est horrible quand même. Et Ariel qui dit, rien de mieux que les soins naturels. Mais c'est naturel, hein, c'est ça. Hein. Maxime sur l'application iPhone qui est disponible d'ailleurs. Vous pouvez la télécharger sur iTunes. Vous appelez Mickaël No Limit pour la télécharger gratuitement. Vous pouvez réagir à l'émission en direct, suivre tous les jeux, écouter en direct. Et même également réécouter tous les podcasts. Maxime aussi qui dit, vous avez lu mon message. Mais sans mettre un message de bienvenue, ça mérite un coup de pelle à Tof en plus. Oui, alors à Tof, d'accord, pas de problème. Voilà, comme ça il l'a eu, c'est très bien comme ça. C'est bon, pas juste, c'est toujours moi qui prends. Et toujours. Et appelez-moi les filles également, hein, facebook.com 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous l'avais promis, ça va arriver dans quelques minutes. Il y aura 2000 Vato Neon Lights et je vous calerai aussi le son d'Hardwell avec Dario. C'est ce qui va débarquer dans le prochain quart d'heure sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h du mat et tous les dimanches de 20h à minuit. Faites passer le message. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France. Bienvenue si vous voulez débarquer là. Il est minuit moins quart, on est là jusqu'à 2h, tranquille, pépère, avec du son encore qui arrivera tout à l'heure. Hardwell, Demi Lovato, je vous l'avais promis, ce sera Neon Lights. Et puis il y a des messages aussi, il y a Ariel qui dit croix de bois, croix de fer, peu importe, Tov va prendre cher. C'est ça. Et Fredes qui dit une de mes pires ruptures, je l'ai appris sur Facebook. Bah appelez-nous là, on en parle ce soir là, 01 42 48 5000. Et Théapoli aussi qui dit eh bien je préfère être ridé, Mickaël. Bah, oui, mais c'est après, c'est parce que tu chacun imagines son que, choix. C'est parce que tu imagines après que tu prends le sperme de Tov, c'est pour ça que ça te perturbe, ce qui est normal. Mais oui. Ce qui est normal, exactement, et c'est normal que ça te perturbe. Alors qu'il est plein de propriétés, le mien. De merde, il est plein de merde. Bon, il y aura Zidane, il y aura Pauline, ah, ça y est, des filles qui débarquent. T'es là, Pauline? Oui. Parfait, Pauline, reste avec nous, tu vas nous. Oula, on va couper ta radio déjà, Pauline, dans quelques minutes là. On va prendre Jordi, il y aura Stéphanie également, Mathieu et toujours la colle également de Julien. On donne la réponse dans un quart d'heure. Si vous avez envie de jouer, il y a Julien et sa colle. Je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort dans moins d'un quart d'heure, eh bien vous repartirez peut-être avec votre GoPro Hero 3, la Silver Edition. Je vous souhaite évidemment bonne chance. On va écouter du son aussi avec le son de Hardwell qu'on va mettre. Le son d'Hardwell avec Dare You, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio comme promis. Et il y aura aussi le son de Demi Lovato, hein, je vous en parle depuis tout à l'heure, Neon Lights. C'est Fun Radio toujours en direct avec un message de Calvin également qui dit Mickaël, vous déchirez, l'application est de folie, tout ça mérite un bon message de bienvenue suivi d'un coup de pelle pour Tof. C'est vrai, c'est vrai. Allez, message de bienvenue, on va faire encore des appels avec Tof là dans quelques minutes. Mais avant ça, petit message de bienvenue. Un bien sale. Oui, un bien. Bah attends, j'ai. Bon là, ils ont l'air. Je vais t'éjaculer à ta face de PD, de gay. Comme ça, t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? C'était l'appel, sympathique. C'était l'appel qu'on vient de faire en Corse, il était tellement sympathique. Ouais, culé, Denis, connard. Eh ben voilà. Il va même pas te faire encadrer, là, connard. Voilà, tous ces gens quand même, tout ça pour Tof, hein. Je vais prendre un avion, je vais venir te plastiquer au gros PD quand tu veux. Voilà, et Let's Be Freak, je sais qu'il dit pauvre Tofinou, viens faire un câlin à Let's Be Freak, mon cher amour. Mais Tof, épouse-la, t'adores. Mais oui, c'est ça, elle t'adore. Vous aimez, il me l'a dit encore tout à l'heure dans le bureau. Mais il oui. Il sait pas comment avouer son amour à Let's Be Freak. D'ailleurs, mais il préférait lui échanger tous ses gosses. note contre sa bite à lui. Voilà. Et il y a Maxime aussi qui dit Mickaël, je peux avoir la peau douce. Bah oui, si tu veux, ouais. Laura qui dit vous êtes les meilleurs, trop bien le soir avec vous. Je vous écoute tout le temps, continuez. Merci Laura et gros bisous. Et Charlotte qui dit je suis nouvelle, je pourrais avoir un message de bienvenue également. Alors avec plaisir, c'est un peu violent les messages de bienvenue pour l'instant, mais comme t'es nouvelle Charlotte, je vais t'en mettre un pas trop dégueulasse non plus quand même. Ouais, un plutôt sympa. Par contre, arrêtez de me casser les couilles parce que sincèrement, le jour où je vais m'énerver, si jamais j'arrive à vous retrouver, je vais vous mettre une grande pelle dans la gueule. Voilà, tu vois, il est encore sympathique hein, celui-là. J'ai pas été trop violent. Va voir ta grosse mère. Elle est en train de se faire niquer dans un champ de bites, espèce de con. J'avais oublié celui-là. Tu sors de queue. Voilà, il y a celui-là aussi. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah bah, gros bâtard, il est de retour. Hein. Je l'avais complètement zappé celui-là. Dis donc, c'est quand même incroyable. Et celui-là aussi, tiens, inquiète. Toi, espèce de gros temps que tu es, ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà, je vais te péter tes côtes. Exactement. Bon, il y aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes également. Faut pas le retrouver mort dans un caniveau. C'est clair. Il va se retrouver devant la radio, là, il restera un morceau de tête, c'est tout ce qui va rester. Ah et ça va être bien, franchement il sera mieux comme ça. Hein, ouais, pas mort. Il sera... ouais. Non, il sera vachement mieux mort. Va te faire enculer, gros bâtard. Voilà, vraiment. Il sera mieux. Julien le retour avec la colle dans quelques minutes. On a également toujours Zidane par rapport à l'amitié homme-femme et surtout comment se sont finies vos histoires, hein, puisque Zidane nous avait appelé. Il a quitté sa meuf il y a 6 mois et lui reproche de lui avoir pourri sa vie, etc. etc. Enfin bref, un cinéma. Moi aussi j'ai vécu ça, hein, c'est-à-dire que pour le coup j'ai eu très facile avec ma première meuf, ouais. Avec qui bah on devait se rappeler, finalement on s'est jamais rappelé. Cool. Voilà, la cool. Ça s'est bien terminé finalement. Ouais, en revanche j'ai pris cher à la seconde. Ah, parce que la deuxième meuf, c'était ouais non, je peux pas vivre sans toi. Ce que je conçois. Non, ce que c'est je vrai. Conçois qu'on ne puisse pas vivre sans moi. Une fois qu'on m'a connu, c'est vrai qu'après c'est compliqué. Mais non, c'est surtout que elle voulait suicider, tout ça. J'ai arrêté. Ah si, j'ai fait ça moi aussi. Hein. Là, j'avais oublié, putain. Et aujourd'hui, elle a des gosses, et heureuse, tu vois. Oui, donc oui. J'ai envie de la rappeler. Tu vois, tu m'as saoulé là. Alors qu'aujourd'hui, putain. T'es plus heureuse, tant elle mieux. Elle doit rigoler en plus. De l'émission peut-être, ouais. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Je sais pas après. Mais j'ai pris cher aussi. Ah ouais, j'avais oublié que j'avais fait ça moi aussi. Quelle horreur. T'as vu que t'as des pires ruptures. Ouais, tu ouais, veux ouais, rien ouais, balancer. Mais non, j'ai oublié. Pas de pire rupture. Mais non, mais parce j'ai que aucun maintenant, problème. C'est mon frère quasiment, le mec. J'avais oublié qu'il y avait c'est eu ton ça. Frère maintenant. Mais c'est vrai, je voulais me foutre en l'air. Enfin, je le disais, mais j'allais. C'était juste pour lui faire un chantage. J'ai dû mettre un an à m'en remettre, quoi. Bon, attends, il y a Pauline également avec nous d'Avignon, là. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Comment ça va, d'Avignon? Mais ça va, il fait très est-ce froid, mais ça va. On d'Avignon, très froid. On y danse. Tu peux fermer ta gueule, avec plaisir. Voilà, c'est ça. Tu sors de queue. Voilà. Bon, alors, dis-nous tout, comment ça se passe, Pauline, avec ta pire rupture? Eh ben, moi, en fait, je suis restée 6 ans avec mon précédent copain. Ouais. Et bon, ça s'est mal terminé, voilà, il m'a trompé, enfin, avec X et Y personne. Ah, t'es sortie avec Toff? Non. Ben, je pensais comme tu avais trompé. On serait pas resté 6 ans. Ah oui, c'est vrai. Quoique, hein, tu peux très bien faire les enfumes. Hein, oh là là, t'inquiète pas. Bon, et puis alors, vas-y, continue donc. Et du coup, ça s'est mal terminé. On s'est en fait largués tous les deux mutuellement. D'accord, ça c'est bien. Sauf que, voilà, on a continué à se fréquenter. Bon, au bout de 9 mois, on s'était pas vus en fait. Ouais. Au bout de 9 mois, on s'est revus. Enfin, on a recouché ensemble et tout, quoi. Enfin, bref. D'accord. Après, on est resté en bon terme. Ouais. Et puis, voilà, j'ai décidé de lui foutre la haine. Et puis, à chaque fois, je passais devant chez lui avec mon copain et tout. Enfin, c'est pour dire que... rageuse, toi. Elle s'arrêtait, elle klaxonnait, tu sais. Regarde, je suis avec mon nouveau mec. Non, mais mon nouveau mec, c'était le fils de ma patronne, en fait. Et on s'est séparés, puis maintenant je le vois tous les jours au travail, puis on s'entend très très bien, donc on peut rester en bon terme avec son ex. Et de temps en temps, quand t'es un peu seul et que lui aussi, une petite cartouche dans la réserve. Voilà, mais il n'y a pas de mal, hein, franchement, il n'y a pas de mal à se faire du bien, voilà, non. C'est ça. Mais je suis totalement d'accord, c'est ce qu'on fait de temps en temps. Je savais. Et on continue alors, Pauline, parce que Toff, lui, est également bon ami, hein. Bien sûr, nous on peut être amis, Pauline, à combien mesures-tu? 1m75. Combien pèses-tu? Ah oui, grande alors. 59 kilos. Ah oui, parfait. Quel est ton tour de poitrine? Il est déjà en train de se masturber là, faut savoir. Oh, putain. Dégueulasse. 95 C. Ah oui, d'accord. Bah, je commence aussi alors. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 40. Oh là là. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Je passe quand tu veux te faire un masque anti-ride. Mais oui, vas-y, super. Descends sur Avignon, là. Ah bah, grande classe, le masque anti-ride, hein, c'est ouais. Ça. Bon, qui c'est qui gueule derrière, là, qui chante, là, qu'est-ce qu'elle est bonne, là? T'as des supporters? C'est parce qu'en fait, je suis dehors, tu vois, et il y a mon collègue dans la voiture. Moi, je me gêne, et lui, il écoute la radio dans la voiture. Mais il a bien raison. Mais il a vraiment bien raison. Bon, bah, Pauline, bah, merci d'avoir appelé, hein. Ben de rien, et merci à vous. Hein. Avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux, Pauline. Ça marche, allez, je te fais des bisous. Salut Pauline, on aura Mickaël et Jordi, vous avez encore un truc à ajouter par rapport aux histoires avant de prendre Mathieu et Stéphanie ? J'ai pas eu mon chef de bienvenue. Non, c'est scandaleux. Eh bah tu sais quoi ? Je te enculé. Voilà. Tu l'as eu là, Mickaël. Non, je l'ai pas eu non plus, je suis en train de penser. Ah, tu l'as pas eu non plus. Bah attends. Tu vas un petit peu te faire enculer. Eh ben voilà, Jordi, puis après tu le redemanderas un autre jour. Eh ben écoute, je vais répondre tout de suite. Non, merci. L'émission la plus sympathique de la bande FM. On est comme ça, nous. On est comme ça, nous, on est gentils, tu vois. Nous, on fait pas les enculés, nous, on est francs, tu vois. Hein, on fait pas du cinéma, etc. On vous ment pas comme sur d'autres radios où on fait croire Monts et Merveilles, où on fait croire n'importe quoi. On est comme ça. Qu'on est les plus gentils alors qu'on est des enculés. Non, non, on est des enculés. On est des enculés, on le dit, tu vois. Ouais. Tu sors de queue. Complètement, ouais. Bon, allez, merci vous deux, Mickaël et Jordi. Vous revenez quand vous voulez, hein. Ok, bah je peux faire une dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne, Mickaël. Bah, je fais une grosse dédicace à mon père, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bah oui. Très bien. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà. Eh bah, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut Mickaël, salut Jordi. Merci beaucoup et continuez comme ça. Merci, c'est gentil, merci beaucoup, Mickaël et Jordi. Il y a Mathieu et Stéphanie dans un instant qui vont réagir à Zidane. Mathieu, Stéphanie, vous êtes là ? Oui. Ouais, présent, présent. Comment ça va ? Ça va. Tranquillement. Bon, tant mieux, tant mieux. Bon, Stéphanie, il y a un son que tu kiffes en particulier là, Demi Lovato, Hardwell. Demi Lovato. Ben, on va le mettre maintenant, tiens, avec Neon Lights. On va revenir juste après. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu. Il y aura aussi le. Ben, on va faire un point sur le top Twitter. Si on aura également les teubés de la télé. Et bien entendu, la réponse à la colle de Julien, ben, qui va en profiter pour la répéter encore une fois, là, la colle. Hein. Alors, Julien, une dernière fois la colle. Donc, je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je ? Je peux être de pierre comme sur la main. Qui suis-je ? Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien profitez-en. Vous envoyez Mickaël, suivi de la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On proposait un os. Non plus. Non, on proposait une fente. Non plus. Ce n'est pas ça non plus. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, c'est à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique par SMS également, ou alors sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel. L'avantage, c'est que vous pourrez lire la colle. Il y en a qui ont peut-être plus facile en la lisant. Hein. Donc, bah voilà, bonne chance tout le monde. Julien, dans 5 minutes, on te reprend juste après le son d'Demi Lovato, Neon Lights, et on donnera la réponse et on offrira donc cette magnifique GoPro Hero 3 Silver Edition. A tout de suite, Julien. Allez, ça vaut quand même 350 boules. On vous l'offre ce soir sur Fun Radio. Allez, bonne chance tout le monde. Et c'est Demi Lovato qu'on écoute maintenant. Be still my heart, cause it's free. Be still my heart, cause it's freaking out. Demi Lovato sur Fun Radio, c'était Neon Lights. Allez, bienvenue si vous venez d'arriver, c'est Mickaël No Limit. Avant de récupérer notre ami Mathieu, Stéphanie, on aura Nathalie, Mélania également de Perpignan, Zidane pour parler des pires ruptures. Et on va donner la réponse également à la colle. Mais d'abord, on se fait... on va donner d'abord la réponse à la colle maintenant, sinon on va être en retard. Julien, t'es là ? Bonjour. Oui, comment ça va Julien ? Toujours bien, et vous ? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, Julien. Bon, alors, je peux être de pierre comme sur la main, qui suis-je ? C'était la colle. On va donc appeler maintenant quelqu'un qui s'est inscrit, hein, tout simplement par SMS ou Facebook de l'émission. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, eh bien, il gagne et tu perds, ou elle gagne. Et si jamais il ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne. Allez, c'est parti. On y va, on appelle. Allô ? Allô, bonsoir. Comment tu t'appelles ? Oui. Eric. Eric, salut Eric, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun. Pierrick. Ah, c'est Pierrick ? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah Pierrick, c'est pas grave. Il y a Julien qui a une colle à te poser, Pierrick. Julien ? Oui. Il y a Julien qui a une colle à poser à Pierrick. Donc, je peux être de pierre comme sur la main, qui suis-je ? Je peux être de pierre comme sur la main, qui suis-je, Pierrick ? Je dirais le cœur. Le cœur ? Bah c'est bien ça. Eh ben voilà. Ouais. Eh ben voilà. Il suffisait de demander. Pierrick, bravo. La GoPro Hero 3. Je vais dire 3 en même temps. Ça fait un peu un mélange un peu bizarre. Soit, quoi qu'il en soit, c'est pour toi à l'occasion de la sortie du film de Kick-Ass 2 en DVD. Bravo Pierrick. Bah merci. Eh ben tu peux remercier également Julien qui ça fait une heure qu'il se fait chier en standard pour rien. Ouais, merci à lui. Enculé va. Félicitations à lui quand même. Eh ben voilà, le message est passé, y a pas de problème. Y a pas de souci. Bah Julien, on va quand même te filer un pack fun et Pierrick, tu vas rester là, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer la GoPro, ok ? Ok. Salut. Allez, vas-y, profite. Bon bah un dédicace à l'équipe avec qui je bosse. D'accord, eh ben le message est passé, y a pas de problème. Salut, à bientôt hein. bientôt. Et il est content. Salut à vous, ciao. On va récupérer Zidane comme promis dans quelques minutes. Tu auras le chéri, je peux te faire cocu. Et puis on va refaire un petit appel maintenant avec Toff. Hein. Mais allons-y avec plaisir. Bah oui, puisque je rappelle qu'on est tombé sur cette information comme quoi l'éjaculation faciale et surtout le sperme sur le visage. C'est une étude, hein. C'est pas nous qui sommes des pervers. Enfin, si, mais je veux dire, c'est aussi une étude qui disait que apparemment le fait de s'étaler du sperme sur le visage, ce serait bon pour enlever les rides et adoucir la peau. Exactement. Voilà. Et donc moi, je pense qu'il est important que les gens le sachent. Voilà. Donc on l'avait appelé encore tout à l'heure. On s'était relativement mal fait recevoir, enfin toi surtout. Oui. Et donc là on a un numéro et donc on l'appelle, bah, je sais pas où on y va, je crois que c'est à Charleroi a priori qu'on va. Donc, ça mes amis Carolo. Allez c'est parti, on y va, je crois que c'est à Charleroi mais je suis pas sûr, on va voir. Bon. Allez hop, on y va, on appelle et on récupère tout le monde juste après en direct. Allô. Oui bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui bonsoir, voilà en fait je vous appelle parce que je vais savoir si vous acceptiez l'éjaculation faciale. Les quoi dites Est-ce que vous acceptez qu'on vous éjacule sur le visage? Écoutez, vous avez vu l'heure qu'il est? Oui, mais je vois pas le rapport avec ma question, madame. Ah, bon, non, je crois qu'on est à Bruxelles, pas à Charleroi. Enfin, bon, on n'est pas dans le détail, de toute façon. Hein. Bon, on rappelle. Avec un peu de bol, on tombera sur monsieur, parce qu'elle avait l'air un petit peu trop gentille, madame. Si on pouvait tomber sur monsieur, ce serait cool. Ça sonne bizarre, hein. Allez. Bah alors, on est où, là? Allô? Ah, oui, parfait. Excusez-moi, on a été coupé. C'est qui, là? Oui, je m'appelle Toff, monsieur. S'il vous plaît? Non, je dis, je m'appelle Toff, monsieur. Attendez, je vous passe ma femme parce que je ne vous comprends absolument. Non, tu raccroches, moi, je viens déjà t'entendre. Attendez, criez un peu plus fort, là. Oui! Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais savoir, en fait, si votre femme acceptait que vous lui éjaculiez sur le visage. Ma femme pour le visage? Oui. Ah, je sais pas, mon monsieur. Ah bah demandez-lui. Enfin, allez, au revoir, monsieur. Bah attendez, vous avez pas répondu à la question. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je veux savoir si votre femme accepte que vous lui éjaculiez sur le visage. Je ne vous comprends pas. Bah vous savez, monsieur, quand vous allez avoir un orgasme, il y a du liquide blanc qui sort. Attendez, une seconde, hein. Oui, oui, oui. Annie. Oh là là. Ah bah en plus, elle s'appelle Annie, monsieur. Hein, donc elle doit aimer ça. Attendez, parce que moi, je suis un petit peu sourd, je ne comprends rien. Non, du bah tout. Non. Ah bah oui, on sait d'où ça vient. Hein, Annie, les sucettes, elle a tout ça, enfin bon, bref. N'importe quoi. C'est pourquoi, monsieur? Bah, je voulais savoir si vous acceptiez que votre mari vous éjacule sur le visage. Mais je ne vous comprends pas, monsieur. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, madame, dans ma question? Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous me parlez de mon mari et de mon visage. Oui. Vous avez vu l'heure qu'il est? Moi, je travaille depuis 7 heures au matin. J'ai le droit quand même d'être un petit peu, de pouvoir faire ma toilette tranquillement. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que je vous appelle. C'est pour vous demander si vous acceptez que votre mari vous en mette plein le visage quand il jouit. Mais pour qui vous me prenez, vous, monsieur? Bah, je ne sais pas, madame, pour qui voulez-vous que je vous prenne? Mais vous êtes vraiment culotté, vous. Enfin, pourquoi vous dites ça, madame? Je comprends pas. C'est bien malheureux que je ne sais pas qui vous êtes. Hein. Je m'appelle Toff, madame. Et je vous connais, moi. Ah non, je pense pas. Moi, je vous ai appelé au hasard. Eh bien, si vous m'appelez au hasard, hein, eh bien, choisissez une femme beaucoup plus jeune que moi. Oui, mais d'accord? Non, mais justement, madame, c'est parce que c'est bon pour enlever les rides. Eh ben on l'emmerde derrière. On rappelle encore un coup, une dernière. Ouais, une dernière pour avec un peu de banc, on tombera sur monsieur qui n'entend plus très bien là. Oui. Allô? Oui, excusez-moi monsieur, nous avons... C'est vous monsieur, je vous préviens, si vous êtes un homme, hein, oui. Venez jusqu'ici, moi je vais vous arranger votre portrait. Mais pourquoi vous voulez m'arranger le portrait, monsieur? Vous avez compris? Bah oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Vous allez vous faire casser la gueule. Mais pourquoi vous voulez me casser la gueule, monsieur? Allez à la merde. Et ne sonnez plus parce que je téléphone à la police tout de suite. Il faut pas s'énerver, monsieur. Enfin, pourquoi vous êtes comme ça? Non, mais là, il s'énerve. Il est parti. Il est parti. Bon, bah tant pis, hein, on n'aura pas de réponse. Nous, on voulait rendre service. Mais oui, comme d'habitude. Je peux rien, moi, s'il comprend rien. On essaie de rendre service, on se fait toujours, enfin, surtout off, se fait toujours insulter. C'est quand même dommage. Scandaleux. Mais oui, le pauvre. Alors que ça part toujours d'une bonne intention. Bah, toujours, bah, évidemment, toujours cette magnifique attention, bien entendu. Bon, allez, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. On va d'abord reprendre, notre amie Mélania avec nous de Perpignan. Salut Mélania ou Mélanie? C'est Sandro qui a encore fait de la merde au standard ou? Ah c'est Mélanie, donc c'est Sandro qui a fait de la merde au standard. Hein. Hop, voilà, c'est tout ce qu'elle mérite. C'est pour le stagiaire, c'est lui, il m'a dit elle s'appelle Mélania. Mais oui, c'est ça. Non. Bon, Mélanie de Perpignan. Comment ouais, ça va Perpignan? Ça va nickel. Eh ben tant mieux, Mélanie, sois la bienvenue. Tu voulais réagir à Zidane, qui est toujours avec nous d'ailleurs, nous avait appelé parce que il a viré sa meuf il y a 6 mois. Depuis elle lui dit ouais, t'as niqué ma vie, etc. etc. Du coup je voulais savoir vos pires ruptures, Mélanie, c'était quoi la tienne? Eh ben moi la mienne, ça date je crois de un peu plus de 2 ans. Ouais. J'étais restée avec mon ex pendant 4 ans. D'accord. Et en fait, il était parti à Béziers pendant un petit moment. Il était parti baiser? Non, à Béziers. Oui, mais j'avais compris, c'était mal. Tu comprends pas ou quoi? Oh, c'était pour rire. Oh là là, si on peut plus rigoler 5 minutes maintenant. Hein. Allez, vas-y. Vas-y, Mélanie. Je rigole aussi. Non, Mélanie. Ouais, donc il était parti à Béziers pendant un petit moment. Et il est parti baiser? Non. Mais tu vois, c'est elle qui parle mal, on comprend rien. C'est ça. Oh putain. Et donc alors? Bon, il était parti à baiser pendant un petit moment. Ah, il était parti baiser, c'est ça? Mais laissez Mélanie parler. Si tu veux, il était parti baiser. Ah bah si voilà, tu vois. Bah, voilà. Hein, tu nous mets en retard depuis tout à l'heure, alors que si finalement on voulait dire pareil. Donc il était parti à baiser, voilà. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de lui, donc je l'ai téléphoné, j'ai dit que tous les deux c'était fini, etc., etc. Ah, tu t'es rendu compte à ce moment-là que t'avais pas besoin de lui, c'est marrant. Ouais, ça, voilà. Le mec, je vais faire une course. Bah, finalement, j'ai pas besoin de lui, allez, casse-toi, en fait, hein, et ne reviens plus. Et donc, de là, en fait, il m'a insulté, il m'a dit de tout, mais quand je dis de tout, c'est vraiment de tout. Et de là, il m'a raccroché au nez, et 5-10 minutes après, il me rappelle, il me dit t'es sûr, nanana, bon, il me réinsulte. Et de là, je dis, ouais, je suis sûre de moi et tout, toi et moi, c'est fini, ciao. Je dis, mais si tu veux, on peut rester en bon terme. Et de là, il m'a dit, si je te retrouve, je te tue. Oh putain, sympa. Il est violent, lui. Wow. Il est corse, non? Il est un peu corse, non, ou pas? Bah ouais, c'est un réunionnais. Un réunionnais? Ah bon? Un réunionnais, ouais. Plutôt, c'est à la cool, normalement, non? Hop, une petite bouteille de rhum, et puis c'est ça, un petit rhum, et puis pépère. Hein. Bah ouais, mais bon, apparemment pas lui. D'accord. Et il m'a dit ça et depuis écoutez, j'ai appris qu'il était avec une meuf, qu'il allait devenir papa, donc si tu m'écoutais, je te fais des gros bisous. Ah tu lui fais quand même des gros bisous. Oh c'est mignon. Bah ouais, ma foi, il est jamais venu me tuer, donc il m'a jamais cherché. Donc en même temps, moi je l'attends toujours depuis. Oui, c'est vrai, vu comme ça, effectivement, c'est bien dit. Hein. Bon, très bien. Et c'est vrai, par contre, parfois relativiser, hein, pas la peine de dire hey, je vais tuer tout le monde, etc. Tu vois, ça sert à rien, rester normaux, quoi. Très bien, merci en tout cas, Mélanie, dis donc pour la petite histoire. Il y a Nathalie également avec nous de Chartres. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, et vous? Très bien, Nathalie. Alors, c'est quoi, toi, ta pire histoire? En fait. T'en as pas une petite histoire? Non, parce que je sais que t'appelles pas pour ça, mais ta pire histoire. T'en as pas une pire rupture, non? Enfin, T'en as pas. Comme quoi, ça arrive. Mais c'est parce que t'es pas sorti avec Toff encore. Mais c'est pour ça. Mais ouais, c'est pour mais ça. Mais on peut s'arranger, Nathalie. Non, on va pas s'arranger du tout, Nathalie. Tu m'as l'air d'être une fille bien, tu n'as rien à faire avec Toff. Ne bouge pas, Nathalie. Il y avait également Mathieu, là, et du coup, Stéphanie aussi, pour terminer. Donc, reste avec nous, Anat. Mathieu avec nous, de Villeparisis. Salut, Matt. Salut, ça va et toi? Tranquillement, hein, rentre du boulot. Ah bah c'est ça, hein. Bon, Matt, ta pire histoire, ta pire rupture, c'est quoi toi? Ah, ma pire histoire, ça a été horrible, quoi. J'étais avec une petite gonzesse là, tranquillement, là, depuis 7-8 mois, c'était bien, c'était tranquille et tout, jusqu'à ce que j'en avais marre, quoi. Enfin, j'avais 17-18 ans, tu vois. D'accord. Et là, après, à partir de là, dès que je l'ai quitté, pourtant je l'ai quitté clean, hein, j'ai pas fait le mec par texto, j'ai pas ni par Facebook, t'as été gentleman. Ouais, gentleman, je sais pas, parce que quand on largue une fille, je sais pas si on est vraiment gentleman. Ah, si tu peux, non, si tu peux. Ouais, enfin, vraiment dans les règles de l'art, quoi, tranquillement et tout. Et à partir de là, elle s'est mise à me suivre tous les jours et tout. À m'appeler, à marceler, machin et tout. Ouais, pareil, t'es l'homme de ma vie, t'es machin et tout. Oh là là là. Et au final, après on s'est expliqué une bonne fois, quoi. Et au final, on est vraiment resté en très bon terme. Et ce qui me voit des problèmes aujourd'hui avec ma nouvelle femme, on va dire. C'est que justement, je suis resté trop proche d'elle à faire des sorties, machin, et du coup aujourd'hui ça me pose beaucoup de problèmes. À lui mettre une petite cartouche de temps en temps. Mais c'est ça, parce que Vraiment en bon terme. Ouais, en bon terme, c'est ça. Mais c'est ça, en bon terme, non? Ouais, enfin ça dépend du bon terme. Non, franchement pas du tout, ouais. pas pour celle-là. Ah d'accord, pas ok. Tout, moi je pensais que c'était ça le bon terme. Bonne amie, sortie, machin, qu'on fait, enfin, confident quoi, tu vois. Ouais. Limite meilleure amie et tout, et puis ah, maintenant ça me vaut beaucoup de problèmes. Donc est-ce que l'amitié homme-femme, ouais c'est possible, mais... Après, sur la relation... Bah, c'est compliqué, l'amitié homme-femme, c'est sûr. Non, mais c'est compliqué. C'est trop compliqué. Bien sûr, mais ça peut exister, je pense. Mais c'est clair, c'est pas facile, ouais. Ouais, faut doser, faut savoir doser. Et depuis, ça va, t'as réussi à gérer avec la meuf, avec ta meuf? Ouais, voilà, ouais, les choses... Elles sont... Bah, depuis, oui, ça va, parce qu'avec avec ma femme, maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, tu vois, mais... Bah ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Zidane, là, justement, là, par rapport à la meuf, qui lui prend la tête pendant 6 mois? Ouais, je sais. Vraiment poser les choses de... Vraiment poser les choses, quoi. Si c'est vraiment un non définitif, ok, on se calcule plus, terminé. Après, si l'autre, elle s'accroche, c'est compliqué. Ouais, tu fermes pas la boutique, vraiment, quoi. Vraiment conseiller, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Moi, je veux dire, j'ai eu de la chance que ça s'est goupillé relativement vite, quoi. Mais, ouais. Bah, non, lui, ça fait 6 mois qu'il traîne le boulet. Attends, franchement, je suis chaud. Bah ouais, attends, il y a Stéphanie aussi qui est avec nous, 19 ans de Paris, là. Salut, Steph. Salut. Comment ça va? Ça va, et vous? Bon, tranquille, très bien, Stéphanie. Alors, tu voulais aussi donner ton avis, toi, par rapport à la pire rupture, c'était quoi, toi? Oui, voilà. En fait, moi, je suis sortie avec mon premier amour pendant 2 ans et demi. Oh, c'est mignon. Et, et en fait, du jour au lendemain, je n'y attendais vraiment pas. C'était un 1er avril, en plus. Il m'appelle, il me dit, écoute... Toi, espèce de gros enculé de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Il a dit ça, non? Non. Ah, il a pas dit ça, d'accord, je pensais. Non, il a dit, il m'a appelé, il m'a dit, faut que je parle à toi. Est-ce qu'il a dit ça? Je vais te faire enculer. Non, il a pas dit ça non plus? Non plus. Non, ou peut-être ça? Tu vas commencer à recasser les couilles longtemps, c'est l'enculé, là? Non, il a pas dit ça non plus. Non. Ah, peut-être qu'il a dit ça. Oh, grand chef, putain, qu'est-ce que c'est, ce truc? Non plus. Non plus. Alors, décidément, putain, j'ai de l'oufou ce soir. Bon, tant pis, alors vas-y, qu'est-ce qu'il a dit alors? Et donc en fait il m'a dit oui bon bah écoute entre nous c'est fini je pars en Italie je sais pas enfin on va jamais se revoir tout ça nanana. Et il s'est barré. Et après quand il était là-bas il m'a demandé plein de cadeaux qu'il m'avait offert, des consoles, des machins comme ça. Il m'a dit ouais est-ce que tu pourrais me les redonner parce que je me fais chier en Italie là donc est-ce que tu peux me renvoyer des consoles s'il te plaît? Voilà, pour que je puisse les revendre et m'acheter la Xbox One quand elle sortira. Mais il est pas sérieux, mais c'est un idiot celui-là, c'est quoi ce trou du cul là? Comment il s'appelait? C'est quoi son prénom? Il s'appelait Kim. Kim? Oh. Oui. C'est improbable. L'autre il redemande des cadeaux. Moi je lui aurais dit, tu sais quoi, moi je lui aurais renvoyé des faux. C'est des factices. Tiens con, putain. Prends ça, mais non mais sérieux. Et t'as fait quoi, tu lui as renvoyé ou pas? Non. Mais t'as bien fait Stéphanie. Bah du coup on va passer faire une petite partie ce soir Steph, hein. On passe à la maison hein. Bah oui, comme t'as les consoles, tant qu'à faire on se fait un petit jeu là. Hein, un petit jeu réseau là. Bah voilà, non mais c'est ça, bon plan. Bon bah Stéphanie et Mathieu, bah merci en tout cas d'être passés. Ouais, oui. Pas de problème. Et vous revenez quand vous voulez tous les deux. Ouais, à bientôt, gros bisous à Mélanie également. Ce serait possible d'avoir un Saxon? Mais bien sûr, Stéphanie, avec plaisir. D'accord. On va t'en alors si vous voulez. Et même 3 pour Mélanie. Voilà, hop là, c'est fait. Bah, et Mélanie et Stéphanie, là, vous êtes célibataire en ce moment ou pas? Oui. Non. Alors, qui a dit non? Mélanie. Ah, Mélanie n'est pas célibataire. Et Stéphanie, toi, tu l'es, toi? Moi, je suis célibataire, moi. Bon, très bien. On va t'envoyer un petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, oh, Stéphanie. Merci. Mais écoute, avec plaisir. On peut rendre service. Tu sais, nous, voilà, c'est ça. Nous, on prend soin de nos auditeurs et auditrices, surtout les auditrices. Et donc, voilà, ton plaisir est notre plaisir, Stéphanie. Fais des photos et envoyez à fanradio.fr. Merde. Bon, bah, Stéphanie, Mathieu et Mélanie, merci d'être passés. Je vous embrasse. Et vous revenez quand vous voulez sur Fun. À bientôt. Hein. Oui. Oui. Salut. Allez, à vous. Ciao. Et bah, Zidane, il y a un moment, soit honnête avec la. Enfin, bon, honnête, tu l'es, hein, mais dis-lui à un moment ou à l'autre, c'est bon, casse-toi, je t'ai niqué ta vie, bah tant pis. Hein. Tu vois, il y a un moment, t'es pas son daron, quoi, tu vas pas lui tenir la main jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Ouais, mais je veux pas la blesser non plus. Voilà, je dis, j'ai plus confiance en toi, fais ta vie, tout simplement. Ouais, mais voilà, c'est ouais. Ça. Mais à un moment, tu vois, elle va lâcher l'affaire. Hein. Si tu lui réponds plus, elle lâchera l'affaire, et puis après, peut-être que vous deviendrez potes, tout simplement. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, après, la meuf, elle revient, finalement, on est devenus potes, et puis voilà, c'est cool. Donc, mais il faut laisser un petit peu pisser le mouton, parce que si tant que c'est encore trop frais dans sa tête, et qu'elle pense qu'elle a une possibilité de dégainer, ça risque d'être compliqué, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais bon, bah, tiens-nous au courant, en tout cas, Zidane, et merci d'avoir appelé. Hein. D'accord, y a pas de souci. Et tu reviens quand tu veux. En tout cas, on rit bien avec vous. Oh, bah, passez une bonne soirée. Oh, bah, c'est surtout grâce au Corse. Hein. Nous, on n'y est pour pas grand-chose. Hein, mais... ah, non, le talent. Mais vous aussi. Bah, c'est gentil. Aussi, et le groupe La Bande, quoi. Ça marche. Salut Zidane et passe une bonne soirée. Bonne nuit à l'écoute de Fun. Allez, restez sur Fun Radio. On va revenir dans quelques minutes. On va se mettre Hardwell avec Dario. Et juste après, promis, ce sera Sabrina qui va débarquer pour le chéri. Je peux te faire cocu. On va également récupérer Nathalie, 22 ans de Chartres, qui va nous parler également de je ne sais pas quoi, mais elle va nous en parler, ça c'est sûr. Restez sur Fun Radio. On est là en direct. Ça se passe jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est de retour sur Fun Radio en direct, la minuit 16. C'est Fun Radio, il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer dans quelques minutes. On va se faire également les teubés aussi, hein, les teubés de la télé. Et bien entendu, un petit tour du côté du Top Twitos. Ce sera dans quelques minutes, juste après le son de Hardwell maintenant. C'est Dario sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec Hardwell. À l'instant, c'était Dare You sur Fun Radio. Il y a le chéri, je peux te faire cocu là qui va débarquer dans quelques minutes. Et avant de faire le chéri, je peux te faire cocu avec Sabrina, eh bien, nous allons faire le top. Pas le top vidéo, enfin, si, on peut le faire aussi, mais les teubés de la télé. Les teubés de la télé, cette fois-ci, c'est sur France 2. Il y a deux filles qui ont bien compris le principe de la grève. Hein, j'ai l'impression que les SSF, ils sont tout le temps en grève. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas. Soit grève, s'ils voient que ça marche pas, ils peuvent faire autre chose, ouais, enfin, je sais pas, essayer autre chose. Grève sur grève, ça sert à rien. Oui. En plus, ça embête les gens plus qu'autre chose. Ah voilà, eh ben voilà, ça emmerde les gens la grève, effectivement. Bah, elles merci. Ont bien compris, dis donc. Ah bah oui, merci le service public. Alors la semaine dernière, on parlait également de noms improbables dans l'émission et au petit journal, ils ont trouvé le plus long nom, justement. Bonjour, donc vous appelez Zola. C'est quoi votre vrai nom? Ma real name is Bongi Nkosi Thuthukani Dlamini Chamaka Sithathu Sibalukhulu Sigunya Mkhonto Notlasa Umfazi Amabele Matwa Incela Singane Ngaphesheya Komfula Zala Somqhuba Zoluka Nolapha Bubharaka Njengaselele Mvula. C'est-à-dire que le mec il doit respirer même pour donner son nom en entier quoi. Non, attends, quoi, on va le remettre, on va le remettre. Bonjour, donc vous appelez Zola. C'est quoi votre vrai nom? Ma real name is Bongi Nkosi Thuthukani Dlamini Chamaka Sithathu Sibalukhulu Sigunya Mkhonto Notlasa Umfazi Amabele Matwa Incela Singane Ngaphesheya Komfula Zala Somqhuba Zoluka Nolapha Bubharaka Njengaselele Mvula. Il y a quand même 10 secondes de nom, hein. Mais son passeport est de mesurer 2 mètres. Ah, c'est clair. Quelle violence quand même. Assez exceptionnel. Et puis dans les ch'tis, il y a Tressia qui est super violente avec Julie. Mais bon, il y a rien de méchant. Hein. Tu vois, je te dis, ça m'intéresse pas forcément en fait de savoir quitter. Oh, je la taille un peu quoi. Mais je me rends pas compte en fait. Pour moi, c'est pas méchant. Ah bah, non. Bah c'est pas méchant évidemment, non, surtout pas. Bon, et avant de faire chéri, je peux te faire cocu. Petit top tweetos, numéro je rappelle qu'on offre un cadeau au numéro 2 ce soir. C'est le sextoy offert par passagedudésir.fr. Et alors le numéro 5 actuellement, si on terminait à minuit 22 là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien le prince Nadia. Le prince Nadia qui a perdu des plumes hein, depuis quelques jours hein, voilà, numéro 4. C'est vrai. DJ Roms. Numéro 3. Magda. Numéro 2. Cédric. C'est Cédric qui repart avec le sextoy numéro 1. Let's be free. Comme d'habitude. Ouais. Voilà. Bon, si vous voulez encore faire bouger ça, là, vous mettez avec le hashtag Mickaël tous vos messages sur le Twitter de l'émission. Hashtag Mickaël. Vous pouvez venir nous rejoindre également sur Twitter. Hein, si vous ne m'avez pas encore ajouté dans vos amis, bah, je vous ajouterai également moi-même dans mes amis. Vous tapez Mickaël _. C'est le petit tir en bas. Mickaël _ officiel. Et puis, bah, on va se faire maintenant le chéri. Je peux te faire cocu sur Fun Radio. Et on va accueillir Sabrina qui est avec nous là. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Comment ça va Sabrina? Va bien? Mais très très bien. Bon, tant mieux. Très bien, parfait. Alors, Sabrina qui appelle de Waterloo, donc tout près de Bruxelles, et qui voulait faire un petit chéri, je peux te faire cocu. En voilà une bonne idée. Mais en voilà une très très bonne idée même, j'ai envie de dire. Chéri, je peux te faire cocu, donc t'es avec ton mec depuis combien de temps? Bientôt un an et demi, d'accord. C'est long, okay, c'est bien. Long, il faut changer. Ouais, non, on va peut-être pas tout de suite, hein, mais... Et est-ce que... On te sucerait le sang et tout, tu verras. Est-ce qu'il aime bien? Ouais, bah écoute, tant mieux, hein. Et non, mais c'est bien. Oh, arrête de me faire manger. Bah oui, non, mais j'ai loué toujours au taquet, évidemment. Bon, alors, on va l'appeler maintenant, il s'appelle comment, lui? Antonino. Ouh là là, un italien. Sicilien. Oh putain. Oh c'est bon ça. Antonino, parfait. Ah, je l'entends déjà crier. Bon, on va l'appeler. Alors je suis censé, donc le principe est simple, hein, donc on va l'appeler. Mm-hmm. Tu vas lui dire que t'as rencontré un mec, en l'occurrence moi, que bah on a un peu discuté, on a fait connaissance, et qu'en gros je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir, et que bah toi tu lui demandes simplement l'autorisation. Voilà. Ok. Donc on est censé s'être rencontré où, dis-moi? Chez ma copine, hein. Chez ma copine, t'es le voisin. Ah, qui est la voisine? De ma copine. D'accord, donc, c'est ta voisine, ouais, ok. Ok, très bien. Donc on est voisins, enfin on est voisins avec la copine. Elle s'appelle comment la copine? Elle s'appelle Coraline. Allez, c'est parti. On y va, on appelle Antonino. Allez, c'est parti. Allô? Oui, allô, chouchou? Chouchou. Ça va? Ouais, pourquoi tu m'appelles ouais, en privé? Ça va? Ça va? Ouais, c'est quoi ce numéro? Non, mais c'est un problème avec mon téléphone, t'inquiète. Dis, mon chouchou, j'ai un petit truc à te dire, tranquille, hein, mais tu sais que je suis allée chez Cora, tu vois, et tout, et donc, en fait, je suis encore, hein. Mais j'espère que ouais. Ça va. Ouais, ça va, c'est cool. Et donc, en fait, elle a invité son voisin, voilà, un mec sympa et tout, on a discuté, machin et tout, bon, ben, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? C'est le nouveau voisin de Cora, en fait, et tu vois, elle a invité, il est passé et tout, tu vois, et je te le dis, tu vois, on a dit pas de secret entre nous, donc si quelqu'un, voilà, si on a des vues sur quelqu'un, machin et tout, faut se le dire. Ça se fait jamais, donc, hein, pas de secret entre nous. Et donc, il me propose juste un petit one shot, tu vois, tranquille, faut que je te le demande. Pardon. Voilà. Bonjour. Bon, quoi? Je vais où? Qu'est-ce qu'il dit? Un petit one shot, mais rien, que du cul, quoi. Vraiment que ça, il n'y a pas de sentiment, rien, je n'aime que toi, tu le sais, je suis honnête avec toi tout le temps, ça fait un an et demi, donc c'est mais bien. Mais t'es pas bien, toi. Il faut que je sache. C'est une blague. Voilà. Alors, ah, qu'est-ce qu'il dit? C'est une blague. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il est d'accord ou pas? T'es où, là? T'es où, là? Tu veux bien? Je suis... T'es où, là? Réponds. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Mais il habite où, ce connard? Ouais, mais même. C'est le voisin de Cora. C'est qui, toi? C'est une blague? Vous me faites une blague, là? Qui est à l'appareil? Moi, je suis le copain de Sabrina. Et toi, t'es qui? Ah, moi, je m'appelle Michel. Ah, ben, Michel... Mais quel est le problème? C'est le voisin de Cora? Ouais, le nouveau voisin, ouais. Pourquoi? Ah, ça va. Bah, attends-toi que j'arrive... Ah, bah, on est pas... Oui, bah, tu peux passer si tu veux, hein, mais tu t'arrives quand? Parce que là, on n'est pas chez moi, mais on peut... Tu me dis, à ce moment-là, ah, on arrive. T'inquiète. Mais, t'inquiète. Mais quel est le problème? Je comprends pas. Le problème? Bah oui. Mais tu me prends pour un con, quoi. Ah, pas du tout, mais je comprends pas. C'est-à-dire que là, on t'appelle, on te demande et tu t'énerves. Tu me prends pour un imbécile, là. Mais pas du tout, enfin, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'on t'appelle, on te demande un truc et tu restes là, hop, tu fermes et hop, je sais pas. Mais quelle race de crevard que tu es, toi? Bah, enfin, mais quel rapport avec le crevard? Écoute, bon, alors là, c'est-à-dire, je vais t'expliquer les choses, comment ça s'est passé. Là, quand elle m'invite, tes voisins, machin, me dit, ah, bah tiens, j'ai une copine et tout, machin, regarde. Donc, moi, tu sais bien, il y a un truc avec deux meufs, j'y vais, normal. Non. Bon, il y a deux meufs, t'y vas. Passe-moi Sabrina avant que j'éclate. Bon, attends, elle est aux toilettes. J'essaie de passe-moi elle est aux Sabrina. Toilettes. Elle est aux toilettes, elle est aux toilettes. Bon, donc du coup, j'y vais. Même si elle s'y passe la moi. Bah non, je peux pas, une seconde, elle est aux toilettes. Et donc putain, tu me la passes ou pas? Bah une seconde, mais tu me poses des questions, je sais. Bah enfin, tu me poses des questions. Tu comprends pas, tu me la repasses. Non mais elle est aux toilettes. C'est un vrai crétin déjà. Mais enfin, écoute, attends, mais j'y peux rien. J'y peux rien. Mais si t'es mal formé, tu me la passes. J'y peux rien si t'es mal formé. T'as deux meufs, toi, tu me gueules pas dessus. Bah toi non plus. Tu me gueules pas dessus, ça va? Quoi? Moi, je fais ce que je veux, ça va? Ah bon? Et pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que tu t'appelles comment, toi? Ah ben, t'en fais pas. Je vais arriver d'ici peu. Comment il s'appelle? Ah, Antonino? Ça fait petit, non? Par rapport à Antonio, non? Je viens pas de faire heureuse, déjà, je... De quoi? Je m'appelle pas Antonio. D'accord. Bon, tu me la repasses? Bon. Elle a fini de faire caca? Je sais pas ce qu'elle faisait, hein. Tu me poses des questions. J'en ai rien à foutre, tu me la passes. Bon, et reste calme. Oh là là. Oh, moi je suis calme. Toi, ta gueule, maintenant tu me la passes. Sabrina? C'est Michel? Dis-moi, il y a le petit Antonio qui veut te parler. Putain. Une seconde, enfin, je vais quand même pas rentrer comme un boucher. Bon, elle répond pas. Sabrina? Bon, il est d'accord, hein. Je l'ai eu, c'est bon, on a discuté. Et ça va. Donc tout va bien. D'accord de quoi? Voilà. Donc, déjà d'accord il m'a de dit quoi? D'accord et tout, mais par contre, il veut plus entendre parler de nous, enfin, de moi en l'occurrence, demain. Donc ça, je me dis qu'il n'y avait pas de problème. De toute façon, c'était prévu pour un seul. Ouais, grande de filio du bouton, d'accord de quoi? Donc voilà, donc je vais te le remplacer. Ça y est, t'as fini ton monologue? Ah, mais je parlais avec elle. Tu as pas entendu? Parce que là, c'était à travers la porte, hein, elle a pas ouvert. Hey, coming, je suis d'accord de quoi? Ah ben, c'est tout ce que tu sais dire ou quoi? Mais non, mais pensais qu'on était d'accord, non? Putain, même un chien, il articule mieux. Ah, ça y est, elle est de retour, attends une seconde. Ah, ben Sabrina, donc tout est ok, hein, voilà, je te le repasse. sérieux? Bah oui, oui, oui, mais il a fallu un peu avec lui, ça s'est bien passé, quoi. Tranquillement, tranquillement. Chouchou. Il n'y a pas de chouchou, là. Bah, pour un soir. Tu te fous de ma gueule, là? Attends, allez. Bon, en plus, il tient 3 secondes. C'est pas grave. Non, demande-lui si ça te dérange. C'est une blague. Demande-lui si ça te dérange pas que je commence à... Tu plaisantes, parce que moi, là... Oh! Il ferme sa gueule. Oh! C'est quoi ce truc, Domi? Oh! C'est quoi ça? Dis-moi que c'est une bug, parce que là je... Non, allez, sérieux. Tu le ferais pas honnêtement, toi. Allez, dame. Honnêtement, je suis avec toi. Putain, il arrête de broyer, il m'énerve. Bon, c'est bon, on peut y aller ou... Parce que là, je suis en train de débander. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Je suis en train de débander, là. Ce serait dommage que tout recommencer. Il s'enfonce un dos dans le cul et il bandera plus vite. Oh, qu'est-ce qu'il est relou, là. Il va pas nous passer, nous casser les couilles. Oh, toi, t'es relou. Il va nous tuer la soirée, là. C'est chou. C'est quoi ça? C'est une expérience, c'est pas... Ouais, c'est un soir, je vais pas le revoir, on va pas faire notre vie ensemble. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ben non, je te demande. Tu demandes de voilà, quoi? Voilà, je suis honnête. T'allais baiser avec un autre. Je t'aime et voilà, et je te demande. Ah, te demande, et maintenant, si moi je te dis, voilà, je vais aller à une orgie, tu serais d'accord? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, une orgie, je te parle pas d'orgie. Mais t'es aussi crétine que lui ou quoi? La même chose, chouchou. Allô? Eh hey, mon Golito, tu vas te calmer déjà. Dis donc, Toto, il va se calmer aussi lui avant que je m'énerve. Toto. Bah Antonio, Antonino là. Toto. Il le prend mal, non. Monsieur à ses aises, hein. Monsieur se la ramène. Écoute, d'ici une heure, je suis devant chez toi. Oh là là, mais attends, t'inquiète pas, d'ici une heure, j'aurais déjà mis. D'ici une heure, j'aurais déjà mis deux cartouches, hein. Ouais, parce que. Alors attends, ne lui dis pas, mais j'ai tendance à être un peu précoce. Faut pas lui dire, parce que sinon après ça risque d'être un peu... Tu vois ce que je veux dire? Non, non, tout va bien, tout va bien. Donc... oses me dire ça, mais t'es... Ah bah je comprends pas, je croyais qu'on était amis. Tu sais, comme on l'a dit, quand on a partagé les trucs, moi je pensais que le feeling passait bien. Quel feeling? Il y a aucun feeling, déjà. Que bon, écoute, c'est pas très grave. C'est Michel comment? C'est Michel. Michel, en plus tu te fous de ma gueule. Mais je me fous pas ta gueule, j'y peux rien. Fut un temps, mon grand. Alors l'histoire en fait était. C'était passé que. À l'époque, mon grand-père. J'en ai rien à foutre de ton histoire. Mais non, mais tu me demandes pourquoi J'en ai rien à foutre de ton histoire. Je m'appelle Michel avec un S à la fin sur le nom de famille. Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, il y avait mon arrière-grand-père à l'époque qui s'appelait Michel également. Rien à foutre de ton histoire, je t'ai dit. Mais c'est la famille, moi j'essaie de. Entre amis, on se parle. Quel ami? Donc mon arrière-grand-père s'appelait Michel. Ensuite il est parti avec une autre meuf. Donc il a trompé mon arrière-grand-mère. Et donc à ce moment-là il y en a un autre qui est arrivé. Enfin bon le vrai. C'est une famille de cocu quoi. C'est une famille de cocu. Oui si tu veux ouais. Si tu veux. D'où et comme mon père si tu veux voulait rendre hommage à son arrière-grand-père. Cours-nous autant. Mais du calme. Et donc il voulait rendre hommage à son grand-père lui puisque c'était mon arrière-grand-père. Donc oui il l'appelait Michel aussi. Mais c'est con parce que comment on s'appelle Michel dans notre famille. Ouais tu me saoules. Dis-moi juste avant de la prendre. Est-ce que c'est un peu délicat. Non, mais je te la passe. Mais juste, c'est un peu délicat, mais. Putain, mais t'es relou. Est-ce que sexuellement, il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas? Mais tu te fous de ma gueule. Ah, pas du tout. Ce que je comprends. Je comprends pas. Vraiment de ma gueule. Là. Non, mais. Déjà d'un. Donc, tu veux pas m'aider alors? Pour me dire ça, et toi, tu dis. Non, j'ai pas dit gna. J'ai voulu t'expliquer mon histoire, pourquoi je m'appelle Michel. C'est parce qu'en fait, mon arrière-grand-père. Mais putain, j'en ai rien à foutre de ton histoire. Bon Toto. Quoi Toto? Quoi Toto? Bon ça brille, hein. Ça brille là. Franchement je vais t'arracher ta gueule. Mais non. Écoute tu vas pas le faire. Et je Mais non tu vas pas le faire. Mais non tu vas pas le faire. Pourquoi? Mais non tu vas pas le faire. Tu vas pas Pourquoi? Le faire. Pourquoi? Hey, Sabrina. Ouais. Je te sucerai le sang et tout tu verras. Dis ça. Ouais. Oh arrête de me faire manger. Hein? Oh, ouais. Tu aimes le sperme? Ouais. Oh écoute son. Et vous vous foutez de ma gueule là? Vous êtes à combien là? Bah là on est deux, il y a mon père qui est là aussi. Ton père? Ouais, bah parce qu'il est venu attacher les lampes en fait tout à l'heure. Il y a une voix encore plus mongole que la tienne. Oui bah désolé hein. En tant qu'historien on va jouer tous les deux la marelle. Hé, hey, repasse-moi Sabrina là. Ah ouais, après tu prends le manche en main et puis tu guides hein. Hé hey, papy, ta gueule. On va faire l'amour voyons. Hé hey, papy... Y'a pas de verre au cul non? Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Dans quel monde on est? Papy, passe-moi Sabrina. On va faire l'amour, voyons. Mais ta gueule, toi. Je te sucerai le sang et tout. Hé, hey, fils de pute. Hé, hey, fils de pute. Ah oui, après passe-moi tu prends le manche en main et puis tu guides. Déjà, je comprends. La moitié de tout ce que tu dis. Oh putain, ta gueule. Oh, arrête de me faire manger. Passe-moi Sabrina. Oh, arrête de me faire manger. Bon, Sabrina. Ouais. Où est-ce qu'elle est? Allez, dis-lui le pauvre. Chouchou. Quoi? Quoi? Ça se fait pas. Je t'aime. Tu passes sur Fun Radio, c'est une blague. Oh eh oui, oh là là. Ça va, Toto? Chouchou. Hey. Toto, attends. Ah, il redescend, il y a une blague. Mais oui, c'est une blague. Je m'appelle Mickaël, je m'appelle pas Michel. Je vais m'asseoir parce que là, je suis avec les larmes aux yeux. Oh, il faut pas, minou, alors. Tellement que je m'énerve. Ah oui, d'accord, oui, non, mais t'inquiète pas. Bon, cela dit, t'offres bien une cartouche éventuellement à Sabrina. Sabrina, oui, c'est vrai d'ailleurs. Combien mesures-tu, Sabrina? Sabrina, combien mesures-tu? Je mesure 1,67. Combien pèses-tu? 54 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Ah ouais? Bonne, oh putain! Bonne, on est vraiment sur fun, quoi! Oh putain! Ah oui, qu'est-ce qu'elle est bonne! Ah, je comprends que t'aies été un peu énervé que quelqu'un d'autre profite, hein. Ouais. Effectivement, c'est normal, c'est normal. Bon, ça va, Antonio? Antonino, pardon. J'ai les larmes aux yeux. Oh, mais ça va bien. Mais au moins, tu seras content de la retrouver tout à l'heure. Mais oui. Mais voilà. Hein? Oh, putain. Ça va. C'est passé, là? Quasi. J'ai toujours mal au ventre, mais ça va. Bon, allez, tranquille, pépère, mec. Tranquille. Allez, on respire. Je crois que je vais accoucher là. très bien. Bon, allez, Sabrina et Antonino, bah, vous allez repartir avec les cadeaux. Vous allez gérer ça avec Sandro au standard. Il y a 2-3 trucs, vous allez choisir parmi ce que vous voulez. Il y a notamment une... Alors, soit tu peux... T'es plutôt sportif ou pas, Antonino? Ou Sabrina, c'est pour qui le cadeau? Sabrina, je l'ai choisi. Moi, je suis pas très sportif. Et toi, Antonino? Je l'étais, mais... Bon, alors, vous mais il a arrêté. Non, vous verrez bien. De toute façon, cette semaine, il y a des GoPro, il y a les casques aussi qu'on vous offre, les focales. Vous voyez ça avec Sandro au standard, je vous la repasse maintenant, d'accord? Ok, ça salut, va. Salut, merci beaucoup en tout cas d'être passé. À bientôt. Ciao. C'est pas mal, merci. Écoute, je t'en prie avec plaisir, Antonino. Ciao à toi. Ciao. Voilà. Bon, si vous voulez, vous aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas, hein, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Oh, c'était lourd celui-là. Ah, avec, c'était énorme. Du très lourd. Ah oui, avec le père de Michel donc. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Voilà, c'est ça. Il y a Hugo Rio qui dit Antonino, les larmes aux yeux, petit sensible de la vie. Le prince Nadia qui dit chéri, je peux te faire cocu, parfaitement réussi. Ouais, comme on l'avait un peu foiré la semaine dernière. Il y a Monté Danou aussi qui dit les larmes aux yeux quand même. Le prince Nadia aussi, révélation, Gilou est le père de Michel. Eh ben oui. Paul PC28 qui dit c'est Gilou Michel en fait. Il y a Serge aussi qui dit le papy qui chauffe Toto, trop bon. Il y a Ness aussi, mort de rire. Il y a mon père qui est là aussi. Non mais c'est n'importe quoi. Et Benoît aussi. Alors c'est Toto qui s'appelle Michel car son grand-père s'appelle Michel qui voulait faire hommage à son grand-père Michel. Mort de rire. Oui, ça m'est venu comme ça tout seul. Hein. J'ai pas réfléchi. Pogoy aussi, ou Pogoy, je sais pas comment on dit, depuis l'application iPhone sur Mickaël No Limite là, qui dit c'est énorme Mickaël. Et Franck qui dit salut, tu me fais rêver. Le coup du grand-père, excellent, je me tape des rires dans mon camion, c'est énorme, vous déchirez tout. Denis qui est tombé dans le panneau également, et puis Daoud Douida qui dit trop fort le monologue de Michel avec Gilou. Il y a encore des messages qui sont arrivés depuis l'application iPhone également, que vous pouvez télécharger gratos hein, en tapant Mickaël No Limite sur iTunes. Il y a Lydie qui dit mort de rire, j'en peux plus, je suis plié, il y croit trop, vous êtes trop marrants, les meilleurs. C'est Denis et DJ Gizmo qui dit waouh, il était chaud le mec. Ah bah je confirme qu'il était très très chaud. Bon, Nathalie. Oui. Tu te ferais pas avoir toi, hein, Nathalie, hein? Non, toi t'es meilleur que les autres, toi tu te ferais pas avoir. Tout à fait, c'est mais ça. Évidemment. Bon, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, Nathalie, dis-moi. Bah en fait, le truc c'est que je suis amoureuse de mon meilleur pote en fait. Ah bah bravo, c'est bon ça. Comme ça on reste dans les amours ce soir, c'est très bien. Ah oui. Eh ben écoute, on va en parler dans quelques minutes. Tout. Écoute, Gilou, chaque chose en son temps. On connaît à peine Nathalie. Bon Nathalie, tu restes avec nous. Il y a un message qui est arrivé aussi. C'est de Pac la menace qui dit salut Mickaël, je suis ton sosie non encore officiel. Ouais bah je te confirme, mais ça risque pas d'être officiel un jour. Pour cette raison, je trouve qu'il serait mérité que je remporte cette GoPro. Ne te fie pas à ma photo de profil et elle date d'il y a 8 ans. Je n'étais pas encore ton sosie. Oui, mais oui, c'est vrai. Est-ce que tu as une nouvelle photo récente? Parce que comment te dire que tu ne ressembles pas du tout en fait hein, parce que les lunettes c'est pas du tout la même chose, la coupe de cheveux pas du tout la même chose, t'as pas de poil au menton, rien. Ça te rappelle pas Nicolas Sirkis d'Indochine? Ouais, éventuellement. Bah, en même temps, il a dit il y a un non officiel hein. Oui, ah bah je te confirme. Bon bah les autres, si t'as une photo plus récente, tu nous envoies ça maintenant, n'hésite pas surtout. Allez, on revient dans quelques minutes sur Fun Radio, on va se mettre le son de qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah bah Martin Garrix, tiens. Avec Wizard, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là, on est en direct sur Fun comme tous les soirs, de 23h à 2h du mat. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous voulez d'arriver à minuit 40. C'est parti. 30 minutes sans pub maintenant. Avec Mickaël qui a envoyé son message. Là, demain, c'est l'anniversaire de ma soeur. Elle souhaiterait un message de bienvenue VIP. Alors attends, t'en veux un VIP? Toi, tu vas voir. Attends, et on va faire d'autres appels encore aussi avec Tof d'ici quelques minutes. Puisque vous avez été nombreux à envoyer vos messages sur le mail de Tof. toph@funradio.fr. Voici un VIP. J'ai déjà culé à ta face de PD. De gay. Comme ça, t'as pas de rides. Au PD que tu es. T'as compris? Voilà, c'est quand on a appelé nos amis Corse en début d'émission. Et bon anniversaire. Et bon anniversaire. Bref, quand on entend ça, il y a vraiment quelque chose de bien à la radio. Merci Benoît qui vient d'envoyer son message. Et Charles-Henri aussi qui dit en tout cas, vous me faites bien rire. Merci pour votre émission. Je bosse jusqu'à 7h. Et c'est un vrai plaisir de vous écouter. Bah, en parlant de prénoms composés, j'ai oublié de saluer ceux qui étaient passés nous voir ce soir. Alors, il y a PH hein, qui a honte de son prénom. Parce que tu veux pas qu'on l'appelle Pierre-Henri, mais qui est avec nous quand même. Attends, pousse le bouton là. Voilà, pousse sur le bouton. Partagez-vous le message, le micro, pardon. Ça va, PH? Ouais, nickel. Merci, okay. En tout cas. Papier hygiénique aussi. Hein, PH, ça fait papier hygiénique. Papier hygiénique, effectivement, ouais. Effectivement. Ouais, et puis Steve aussi qui est passé, ça va? Salut. Ça va. Très bien. Bon, éloigne-toi de Tof. On sait jamais que tu t'envoies sur une croix avec lui dans une cave, là. On sait jamais, ça peut faire. Mais tu vas voir, tu vas kiffer la croix. Ça peut être dans. Oui, bien sûr. Et quel kiff. Quel kiff. Je rappelle que Tof nous a avoué, nous a admis qu'il se faisait attacher sur une croix dans des caves et il se faisait sodomiser par des. Battre. Sucer. Et sodomiser également. C'est ça, et voilà. Sodomiser. Et Olivier qui dit salut la team, quand je vous écoute, je suis heureux comme un cochon dans la merde. C'est génial, je change rien. Et au passage, je beaucoup de pelle dans la gueule de Tof. Écoute avec plaisir. Je la retiendrai celle-là, tiens. Je suis heureux comme un cochon dans la merde. C'est bizarre. Bah oui, c'est trop mignon. Mais bah oui, c'est super mignon, tiens. Mignon, bah, c'est parfait. Non, moi je trouve ça drôle. C'est pas mal. Allez, on écoute Martin Garrix maintenant sur Fun Radio. C'est Wizard. Il est minuit 42. On est en direct jusqu'à 2h. Soyez les bienvenus. Il se passe enfin quelque chose à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Martin Garrix sur Fun. C'était Wizard. Il y aura aussi le son de World Sound à suivre. Ce sera The Flute sur Fun Radio. Et je vous cale aussi tout à l'heure Asie avec Born Again. Et puis on se mettra aussi un son un peu plus calme. Eminem, Rihanna. Ah ça va débarquer tout à l'heure. Ce sera The Monster sur Fun Radio. Bon, et puis le plus proche de nous avant de récupérer notre amie Nathalie qui est toujours avec nous, qui appelle toujours de Chartres. On va faire un petit appel avec Tof là maintenant. Il est mais temps, allons-y, là, je pense, mais hein. Allons-y. Voilà, petit appel que nous faisons comme chaque soir. Et donc là c'est simplement pour prévenir les gens que eh bien il est bon. T'aimerais bien toi Nathalie, toi, avoir le visage doux? Oui. Et sans rides. Voilà, sans rides et le visage tout lisse, tout doux. Bah j'ai déjà le visage tout doux donc. Après... Oui mais encore plus doux. Encore plus doux ça serait mieux. Ah bah voilà. Donc il faut prendre des bains sperme. Non. Des bains, des éjections faciales, des faciales, des masques. Il faut bien étaler afin d'étaler la protéine. Attention, c'est une étude qui dit ça, c'est pas nous, hein, bien sûr. On n'a rien inventé, on n'est pas totalement, comme ça. Totalement. Voilà, ah, et donc du coup. Non, sérieux, véridique, Nathalie, hein, véridique. Bon, ça nous arrange bien, mais véridique. Donc du coup, on appelle des gens pour les prévenir depuis tout à l'heure. Hein, donc on y va, on en appelle encore un. Allons-y. Je rappelle que nous sommes toujours amoureux de notre Corse que nous avons rencontré tout à l'heure. Tomberons-nous sur quelqu'un d'aussi chaud, bouillant? Nous verrons. C'est parti, on y va, on appelle. Nathalie, reste avec nous. On te reprend d'ici 2-3 minutes. Enfin, d'accord. Peut-être moins d'ailleurs, je ne sais pas, on verra. Allez, c'est parti. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Roland. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme acceptait la faciale. Absolument, ouais. Absolument. Bah, c'est très bien. Il faut continuer, monsieur. Hein. C'est très bon pour sa peau. Tu sais que j'ai mal à la gorge, là. Oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Non, ça fonce dessus celle qui est au de ta mère, en fait. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Bon, comme ça? Bah, c'est pas gentil, ça, monsieur, enfin. Eh, tu sais que tu me déranges, là, quand même. Bah, peut-être, monsieur. Mais enfin, moi, je vous appelais pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ah ouais, vas-y, fais péter. Ben voilà, en fait, si votre femme, elle s'étale votre semence sur le visage, elle aura beaucoup moins de rides. Et elle aura une peau plus douce. Et ma bite dans ton cul, ça fait des verrues? Je vois pas le rapport, monsieur. Enfin, je comprends. Il y a pas de rapport, mais dans ta question ici, il y a pas de rapport. Moi, c'est pas une question, monsieur. Moi, je vous demande si votre femme accepte de se faire éjaculer au visage, parce que comme ça, ça lui fera une meilleure peau. Ah ouais. Voilà, c'est tout. T'es un spécialiste toi, dans les produits de beauté, apparemment. Ben oui, complètement, monsieur. T'es coquin, toi. Mais non, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Ben, je sais pas. Je suis pas coquin, monsieur. Je vous appelle juste pour vous prévenir, vous annoncer la bonne nouvelle. Ben oui. Ben oui. Bah, tu sais quoi, va enculer ta mère, espèce de petit enculé, d'enculé, va. Petite pute, va. T'es une pute, une petite pute. Pourquoi vous me dites tout ça, monsieur? C'est pas gentil. Mais je rigole, Bon, j'ai eu peur. Bah oui, attends. Franchement. Oui. Tu crois que je vais t'insulter comme ça alors que tu m'appelles? Bah voilà, ça se fait pas. Bah quand ouais, même. Bah attends, bah non, t'es mon ami, toi, t'es mon ami. Mais voilà. Hein, bah oui. En plus pour annoncer une si bonne nouvelle, monsieur. Oh, bah oui, oh là là. Voilà. Ah ouais. Et sinon, tu fais quoi ton petit nom? Moi, je m'appelle Toff. Toff? Oui. C'est sérieux, là? Bah oui, c'est sérieux. Moi, je t'ai cramé, Toff. Ah bon? Bah, tu diras à Mickaël que je le kiffe. D'accord, bah je lui dirai, je lui transmets. D'accord. Ça marche. Je lui fais un gros bisou sur la fesse droite, d'accord? Ok, bah je lui dirai tout ça, je suis sûr que ça lui fera plaisir. D'accord, y'a pas de soucis. Allez, un gros bisou à tout le monde. Hein. D'accord. Bonne soirée. Gros sur la fesse droite. Ouais, moi aussi. Bien sur la fesse droite. Hein. Poutou. Ouais, bien Mickaël et à toi. Hein. D'accord. Toi aussi. Ça va. Je m'aime bien aussi. Ok. Allez. Une bonne soirée, ciao. Il y a des moments, il vaut mieux faire le mort. Oui. Il est... J'ai préféré faire le mort, t'as il est très gentil, mais j'ai préféré faire le mort. Il y avait Goumi qui envoyait un message qui est des bains de sperme, et oui, Mickaël remplit une baignoire. Oui, je n'ai pas non plus une lance incendie, Megumi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Megumi encore qui dit un petit je te sourirai les cheveux et tout, et de Polo en version Gilou, je te sucerai les seins et tout. Alors pourquoi pas, il y a Johan depuis l'appli, l'application Mickaël No Limit sur iTunes, qui dit aussi je me sens comme un gitan au salon de la caravane. Jean-Philippe, toujours sur l'application, qui envoie son message qui dit demain je passe les examens pour l'armée et je suis pas prêt à dormir grâce à vous. Toff, t'es responsable de plusieurs pires ruptures. Non, c'est Alexandra qui avait envoyé son message. Pas du tout. Bah oui, et Harmony qui dit mon ex me fait la guerre parce qu'il croit que je sors avec son meilleur ami, avec mon meilleur ami, pardon. Bah dis-lui les choses un moment, tout simplement. Et puis David qui dit déconne pas, Mickaël, Jean-Pierre Sauzère veut annuler le concert qui a lieu apparemment vendredi en Picardie. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive encore à celui-là là? Pourquoi il veut annuler encore son concert là? Bon, qu'il appelle. Qui appelle le standard, Gilou, si tu m'appelles. Pas, si tu m'entends, voilà. 01-42-48-5000, t'appelles Dexter le stagiaire. Voilà. Parce que moi, je veux le prendre à l'antenne. C'est lui qui veut pas le passer. C'est vrai, c'est Jean-Pierre Sauzère qui ne veut. Je vais finir par croire qu'il ne veut plus passer à l'antenne. Ça raconte un peu. Bah, je sais pas. Bon, Nathalie, ma belle, est-ce que tu es toujours là? Oui, toujours. Bon, très bien. Bon, alors, explique-nous ton problème. Explique-nous tout. Bah, en fait, mon problème, c'est que je suis en kiff, en fait, pour mon meilleur pote. Ouais. Et je sais pas vraiment comment lui dire en fait. Mais c'est ton meilleur pote depuis combien de temps? Ça va faire un an. Donc ça fait un an que vous êtes meilleur pote et ouais parce que depuis le début toi, t'as envie de le pécho depuis le début toi. Ouais depuis le début j'ai envie mais de le pécho. Mais pourquoi tu t'es mis en meilleur ami alors? Ça sert à rien. Ouais. Mais c'était pour se rapprocher. Mais oui mais regarde au final il faut alors, non mais c'est bien de se mettre ami avec quelqu'un mais il faut pas que si vous avez envie de plus il faut pas franchir le cap du ah ben non on est devenus trop bons amis. Bah ouais après. Bah c'est après foutu. Je sais pas si lui il compte bah je sais pas s'il veut plus c'est par rapport à moi donc. Bah après l'amitié homme-femme. Pas vraiment sûr que ça existe. Ou alors t'as déjà couché avec elle, c'est déjà une ancienne histoire et là t'es devenu pote. Mais, non, pas du tout. Non, je dis l'amitié homme-femme, moi j'y crois pas trop, sauf si t'es déjà sorti avec la meuf, que ça s'est pas fait et qu'au final vous êtes devenu pote. Et là, pourquoi pas. Ouais. Mais ça n'empêchera pas un moment ou un autre une petite cartouche quoi. Ah bah oui. Éventuellement. Non mais c'est vrai, éventuellement. Regarde Toff, j'ai jamais eu d'amis femmes. Non jamais. Que des plans cul. Mais il a même pas d'amis hommes, hein, il a pas d'amis. Mais parce qu'en fait il a envie de se faire enculer également sur une croix par des mecs, donc forcément après. Non mais c'est vrai, véridique. Non c'est faux, c'est vrai. Espèce de gros enculé de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Bah oui, non mais c'est vrai en plus. Bon, et donc Nathalie, donc toi t'es perdu avec ça toi? Bah oui, parce que j'aimerais bien l'avoir pour moi. Bah j'imagine. Mais là il a une autre meuf ou pas là? Bah je sais pas du tout, donc je pense pas, donc je sais pas comment faire en fait. Bon sinon je te présente quelqu'un. Je te sucerai le sang et tout, tu verras. Ah oui. Gilou, tellement gentil. Oh arrête de me faire manger. Non, en plus c'est un mec plein de place. Le sperme. Arrêtez, je rougis. Il n'y a pas de verre au cul, non? Oh mais tu pourrais pas me sucer un peu de... Quand on quitte Tori, on va jouer tous les deux la marelle. Il est énorme. Le clitoris. Bon, si vous avez déjà justement eu l'occasion de sortir avec votre meilleur ami ou d'être en kiff sur votre meilleur ami ou meilleure amie, appelez-nous, tiens, ça donnera peut-être des conseils à Nathalie. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Dis-moi Nathalie, est-ce que tu connais cette grande star? Une grande star, s'il n'y en a qu'une sur Terre, tu donnerais quel nom? Une grande star? Ouais, je te mets un extrait. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Jean-Pierre Sauzère. Allez, Jean-Pierre Sauzère qui est avec nous, comment ça va JP? Jean-Pierre? Oui, bonjour. Ah, comment ça va Jean-Pierre? Le sifflement. Ah, très bien. Bon, dis donc, j'ai eu peur, j'ai un moment, j'ai cru que tu voulais plus passer à l'antenne. Non, monsieur, bah, je suis passé avec Max, mais il m'a dégagé, mais j'en veux pas, je prouve mon talent. Il est libre de penser ce qu'il veut de moi. Quoi, c'est la guerre? C'est la guerre. Il est pas content que je passe sur ta radio, mais bon. Ah. Et il me dit, est-ce que tu serais content si je passais sur notre radio? Tu t'en fous, je suppose? Oh non, moi je m'en fous, moi, tu sais, bon, je suis pas jaloux, mais je sais qu'il y a une histoire d'amour entre vous. C'est ça les artistes, hein, je peux passer sur plusieurs radios. Bah, hein. Évidemment, évidemment, évidemment. Au moment qu'on me respecte et bah, tout, évidemment. Non, bah alors, c'est quoi l'histoire là? Parce que moi, il y a Dexter là, que t'as le mec au standard, là, le stagiaire. Oui. Apparemment, il me dit que t'as plus envie de passer, donc moi je comprends pas. Pas. Et puis après, si, il me dit, mais il appelle plus, il appelle plus, c'est un connard. Et quand tu l'appelles, quand t'appelles apparemment, non, quand il t'appelle, tu lui raccroches au nez. Voilà, alors est-ce que c'est vrai ou c'est lui qui fait de la merde? Non, non, mais ça va, mais des fois, bon, si tu veux que j'appelle, évidemment, c'est dur à te joindre parce que toi, tu fais l'antenne. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, quand moi, je lui dis au stagiaire, je lui dis, écoute, où est Jean-Pierre Sauzère, j'aimerais bien l'avoir à l'antenne, il dit, ah ben, il appelle pas, ouais. Et quand je l'appelle, il veut pas passer, il a le boulard. Il ment parce que j'appelle. Hein. Ah, il va falloir que tu me files ta ligne directe. Oui, oui, ah bah bien sûr. Ou ton téléphone. Ouais, ouais, mais tu l'as déjà, t'appelles souvent déjà, mais parce que là, ouais. Là, ils m'ont coupé Orange. Ils m'ont coupé, j'ai pas payé. Au fait, je viens d'un téléco là, mercredi, t'es ok? Ah bah bien sûr. Ah bah tu vas gérer ça avec avec le stagiaire. Bah oui bien sûr, bah, hein? C'est le stagiaire qui gère ça de toute façon, y a pas de problème. Ouais. Hein. Et je dirais de toute façon, je vais faire mon concert là. Où ça? Ah, en Picardie. Bah oui. Mais alors, apparemment j'ai vu, mais c'est le buzz sur Twitter, apparemment tu annules. Ouais, bah oui, David C. Ouais, il y a David C sur qui a lancé un buzz sur Twitter, apparemment tu annules le concert en Picardie ce week-end. Ouais, parce que non, non. Tu fais un caprice de star, il paraît. Oui, je viens pas. Et c'est très comique. Hein. D'accord, mais alors c'est quand le concert? Le concert c'est vendredi. Vendredi, oui, c'est vendredi. Et d'ailleurs, avant, c'est après jeudi et avant samedi. Et c'est où le concert alors exactement? À Compiègne. Ah non, à Compiègne. Ouais. C'est à côté de Compiègne ou c'est dans c'est où Compiègne? Non, mais c'est à Compiègne, ouais, El Paso. À Compiègne. Moi, je connais pas l'endroit, mais bon. Ah bah ça va être bien, si je connais pas l'endroit. As-tu dans ta boîte Echo de Rock là? Comment? Echo de Rock, tu peux me le passer? De quoi? La chanson Echo de Rock qu'on t'envoyait, tu peux me la passer? Ah bah tu sais quoi, le stagiaire il l'a pas mise. Moi j'ai juste une Wonderland, j'ai Super Disco et je cherche un producteur. Bah, c'est con parce que Echo de Rock c'est le tube hein. Ah bah ouais, mais un stagiaire. Alors? Mais il est où Echo de Rock là? Tu devais l'encoder, il est pas dedans là. Bah on t'entend mal, tu parles pas dans le micro. Je ne l'ai pas reçu encore. Ah, Jean-Pierre me dit que tu l'as reçu. Bah oui. Si, Jean-Pierre il l'a reçu ou pas? Bah Geoffrey m'a dit qu'il l'avait eu. Ah, il a dit que tu l'as reçu. Eh, j'ai pas regardé. Je crois qu'il est jaloux de Jean-Pierre Sauzère. Bon, est-ce qu'il est là ou il est pas là? Ah bah voilà. Par hasard. Eh ben il vient d'arriver Jean-Pierre. On m'a pas prévenu. C'est le tube Echo de Rock, tu vas me dire des nouvelles. Oh là là. Tube. Bon, alors écoute, j'ai hâte de l'entendre. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va encoder la chanson dans la machine de Fun Radio, hein. Oui. Et puis comme ça il sera disponible en digital partout. Oui. Tu vois, et on pourra le diffuser le broadcaster partout sur internet dans le monde, sur le satellite et partout quoi. En Chine. Ouais, il faut que tu le passes uniquement sur ta radio, voilà. Oui, mais bah justement, mais quand on le passe sur la radio, ça passe. Je sais, on l'écoute partout, bien sûr. Voilà, bah ça passe par le satellite et tout, on est connecté partout, hein. Le son il ira jusque dans l'espace à 36 000 km de haut, c'est ouf. En fait, iTunes, tu m'y mets quand là? Mais alors, iTunes, la demande est faite. Après, tu sais, c'est les Américains, hein. C'est les Américains, c'est chiant, les bouffeurs de burgers là. Et on va gérer ça ensemble, donc on va se voir. Oui, bah oui, oui, bah. Bah bien sûr, évidemment. Mais tu sais que c'est Toff qui gère iTunes, hein. Ouais. Pas du tout. Moi je sais même pas comment ça va. Si, c'est Toff qui gère iTunes, hein. Il gère iTunes très très bien d'ailleurs. Vraiment, il y a pas de souci, hein. Il le gère totalement iTunes. Donc voilà, pas de problème, hein. Donc quand tu viens mercredi, oui. À ce moment-là, bon, pendant que moi je suis à l'antenne, tu gères avec Toff pour iTunes. Ouais. Ouais. Et puis tranquille, hein, on va mettre ça sur iTunes. C'est spécialiste, il sait tout faire sur iTunes. C'est bien, voilà. Bien sûr. Il voilà. a créé. Moi, je suis sur Samsung S. Ben voilà, oui, dans Partiphone. Tout à fait. Mais bon, on va gérer ça aussi avec Miko. On va essayer de voir si Miko peut être là pour gérer ta chanson dans Partiphone. D'accord. On fait comme ça. Ouais. Bon, on va très et bien. Et tu l'as pas vu, Zébut? Zébut, mais non. Alors, tu sais qu'on a volé son sapin de Noël. Il était dans ton affaire tout à l'heure. Donc, je l'ai pas encore revu. Je l'ai pas vu depuis. Et sérieusement, je te mens pas, hein, Jean-Pierre. Je l'ai pas revu depuis la semaine dernière. Mais bon, au pire, j'irai dans le studio directement chez lui. Ouais, on ira le voir. Oui, bah voilà. Alors, Jean-Pierre. Oui. Bon, alors, ne bouge pas. On va prendre la chanson là. Il y a le stagiaire qui est en train de l'encoder. Et puis, est-ce que tu peux faire une petite dédicace à Nathalie qui est avec nous de Chartres? Elle t'aime beaucoup. Elle est là, oui, Nathalie. Oui, bah, je fais une dédicace à tous mes fans. Je les embrasse. Voilà. Et merci d'être derrière moi, puis j'embrasse mon producteur, Monsieur Marchand. Ah, il s'appelle Monsieur Marchand ? Ouais, c'est comme Guy. Est-ce que c'est Guy Marchand ? Je dirais pas le nom. Est-ce que c'est Guy Marchand ou pas ? Ouais, Guy Marchand, c'était. Non ! C'est Guy Marchand ? Non, non, non. Si, c'est Guy Marchand ! Ouais, peut-être, ouais. Bon, alors oui ou non ? Je sais pas. Non, je dis pas mais alors. On a dit un nom comme ça, voilà. Non, non, t'as pas dit un nom comme ça, tu t'es fait avoir, c'est Guy Marchand. Non, non, non. Bah si, si, si, si, si. Ouais, non, mais non. Bah si, c'est Guy Marchand, c'est pas Guy Marchand. Guy Marchand, hein. C'est Guy Marchand. Mais non, mais non, tu fous pas de moi, fais pas ça. Mais je me fous pas de toi, j'essaye de savoir. Non, non, mais moi, ton nom, je le dirai pas, on a dit un nom. Mais tu viens de le dire. Voilà. Les producteurs, je te fais pas connaître, il va me produire, puis voilà. Et il veut rester discret, c'est ça? Il va me mettre dans les bacs. Ah, il t'amène dans la poubelle. En tout cas, c'est vous qui avez l'honneur de passer mes chansons, voilà. Ah bah bien sûr, mais on est fiers. Attends, c'est vous qui avez l'exclusivité. L'exclusivité, mais bien sûr. Mais rigolez pas avec moi, parce que vous pouvez être des soucis. Hein. Mais on rigole pas, Jean-Pierre, on est très sérieux, là. On est très sérieux. Non, faut bien rire un peu, quand même. Bah, non, évidemment un peu. Non. Bon, alors Jean-Pierre, reste avec nous, le temps que la chanson s'encode. Ouais. On va prendre Nathalie, d'accord? Ok. Tu la passes dans combien de temps, la chanson? Bah, dès que je l'ai dans la machine, ça dépend du stagiaire, mais il est très lent. Il y a Charles-Henri qui dit... Jean-Pierre a-t-il un clip? Ouais, t'inquiète pas, le clip, on verra plus tard. Ah bah oui, ah, donc y a pas, parce qu'il y a MTV qui voudrait, ce serait bien de le passer MTV. Ouais, peut-être, ou sur MCM, j'aimerais bien passer. Bah c'est mieux sur MTV Base. Ouais. Tu serais bien là. Ouais, mais il faut faire un clip. Tu sais, moi dans les bacs ça va marcher, hein, tu sais. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais tu sais, bacs aujourd'hui, tu devrais éventuellement, là, c'est sur MTV Base, ça peut être en plein. Hein. Ouais, mais moi j'ai des idées, moi. Parce que tu sais, t'as combien d'idées dans les bacs, logiquement, les gens ne les achètent pas, mais moi j'ai des idées, ça va marcher. Ah, t'as une idée pour relancer l'industrie du disque? Mais moi, ça va marcher, quoi. Bah, j'espère pour toi, je te le souhaite. Ah bah, non, mais bien sûr, alors on verra. Bon, bah, très bien. Bon, alors, Jean-Pierre, on te reprend dès que le titre est encodé, je te rappelle. Enfin, tu restes au standard, on te reprend, d'accord? Ok. Ouais. Bon, alors, bouge pas, on aura aussi un fan de Jean-Pierre Sauzet dans quelques minutes. Retour avec Nathalie, toujours là, Nat? Oui, toujours. Ah, et t'as même pas parlé, t'étais un peu timide avec Jean-Pierre, c'est ça? Bah oui. Bah oui, je sais bien. Ah, écoute, c'est pas grave, Nathalie. Ah, t'inquiète pas, là. T'inquiète pas, on va te détimidiser, tu vas voir. Bon, alors, Pierre est avec nous également de Clermont-Ferrand, là. Bonsoir, Pierre. Ouais, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à toi, comment ça va? Pardon, je t'ai mal entendu, excuse-moi. Je disais oui, bonsoir à toi, comment ça va? Eh bien écoute, ça va. Eh bien écoute, tant mieux, tout à fait. Bon, alors Pierre. Ouais. Tu voulais réagir à Nat? Oui, voilà, parce que moi, bah écoute, je suis dans le même cas que Nathalie. Enfin, moi, ça s'est passé, ça fait 2 ans et demi. Je suis tombé fou amoureux de ma meilleure amie. Ouais. Donc, et puis ben moi, je lui ai dit directement. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah c'est fini, elle m'a mis une claque dans la gueule. Non, même pas, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, on est hyper attachés l'un à l'autre, c'est super bien passé. Alors c'est vrai qu'au départ ça l'a un peu surprise. Oui bah oui. Mais bah, oui. Bon, j'y suis allé directement, mais en essayant d'y mettre un peu les formes, j'ai dit que si elle voulait pas, j'aimerais quand même qu'on reste amis, tout ça. Oh. Et finalement, voilà, c'est devenu réciproque et ça s'est super bien passé, donc bon, à sa place, tu foncerais. Je sais pas, j'essaierai de faire pareil quoi. Ouais, bah dans l'idée, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, moi je dis on l'appelle, on lui dit la vérité direct. Mais évidemment. Mais est-ce que t'as un numéro de téléphone là qu'on pourrait éventuellement... Est-ce que t'es d'accord qu'on l'appelle? Bah oui. Ah bah très bien, est-ce que le numéro est au standard? Oui, le numéro est déjà au standard, magnifique. Oh là comment, là. Comment il s'appelle le mec? Benjamin. Benji, très bien. Bon, tu lui parles ou je lui parle, Nathalie? Bah tu lui parles. Ah, c'est moi qui lui parle. T'es sûr, hein? Oui. Bon, d'accord, ok, très bien. Mais alors, vraiment. Bon, on fait ça. Tu lui parles après, je lui parlerai à la fin. Tu lui dis d'abord parce que. Oui, bah à la fin. D'accord, ok, très bien. Et puis en exclu total, on aura aussi le nouveau Jean-Pierre Sauzet avec Écho de Rock. Waouh. Voilà. Donc, là, attention. Ça c'est de l'exclu. Ah bah ouais, ça, c'est du... ça va arriver ça. Écho bon, de Rock. Alors Nathalie, on l'appelle donc Benjamin. Donc toi, t'aimerais bien. Donc tu le connais depuis un an, c'est ça hein? T'es pote avec lui depuis un an, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, très bien. Mais je te démonte le truc ou pas? Bah oui. Donc je te démonte. Non mais attends, t'as pas compris ce que... Est-ce que tu as bien compris la question? Voilà, donc en gros, est-ce que je lui dis les choses telles quelles ou on s'amuse un peu? Non, on s'amuse un peu, allez. Ah, on s'amuse un peu. Ouais, bah, oui, elle est folle, elle est joueuse. Si en plus j'ai ton autorisation, alors tout va bien. Tu vas un petit peu te faire enculer. Voilà, c'est ça. Allez, hop, c'est parti, on y va, on l'appelle Benjamin là maintenant. J'espère qu'il va décrocher à ce tour-ci à 1h02. Là. Allez, c'est parti. J'espère. Bah moi aussi, hein. Sinon on appellera demain. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Ouais. Qu'est-ce qu'il est gentil ce Benjamin. Ne quittez pas, il va... Ouais, allô. Ouais, allô. Oui. Ouais, c'est, voilà. C'est Benjamin. Ouais, c'est ça, ouais. Je te dérange pas à ce tour-ci, là, désolé de t'appeler si tard. Hein. Non, tranquille, j'ai devant un film, là, pépère. Ah bon, d'accord. Pourquoi, okay. C'est qui? Moi, je m'appelle Michel. Salut, enchanté, Michel. Dis-moi, je t'appelle parce que on a une copine commune. Ah. Voilà, oui. Nathalie. Bah, Nathalie. Nathalie, ma meilleure pote. Oui, c'est ça, oui, on a une copine-copine. Une copine commune. Ah. Voilà. Et donc, en fait, je t'appelle parce que, je voulais savoir si c'était déjà arrivé avec toi. De comment? J'ai pas compris. Non, je voulais savoir si c'était déjà arrivé avec toi. Arrivé quoi, avec moi? Bah, en fait, elle me kiffe, moi je suis pas intéressé, quoi. Ah bon? Et donc on a parlé de toi et j'ai piqué ton numéro parce que je voulais savoir s'il avait déjà fait le coup avec toi. C'est comme apparemment elle aime bien aller voir à gauche, à droite, moi ça me gêne. Hein. Non, elle est pas comme ça, je la connais bien. Mais tu la connais depuis combien de temps? Quoi, ça fait un an environ, par là. Et jamais elle t'a fait des avances? Quoi? Bah, elle et moi, c'est ma petite, quoi, c'est ma princesse, comme on dit. Ouais, mais elle t'a fait des avances ou pas? Non, elle m'a jamais fait d'avance. Parce que moi, j'ai peur que si jamais, tu vois, je dis oui, par exemple, c'est qu'après, elle aille voir ailleurs, quoi. Mais si... Mais toi, t'es intéressé par elle? Bah, elle, c'est ma princesse, hein, j'ai toujours été sous son charme, hein. Ouais, non, mais d'accord, mais en gros, si jamais elle est avec moi et qu'après elle veut aller avec toi, tu vas dire oui, toi? Bah, même si je te connais pas, je pense pas, non, je respecte les gens, normal. Non, et alors, et si je vais pas avec elle et qu'elle te demande, toi tu vas avec elle? Bah, à voir, pourquoi pas. Mais t'as enculé? Pourquoi? Bah, ça se fait pas, je viens de te dire qu'elle m'avait demandé, tu me dis que tu vas me couper l'air sous le pied. Non, tu m'as pas dit ça, tu m'as dit, si elle me dit qu'elle me kiffe, t'as dit ça. Ouais, non, elle me l'a dit, moi, ouais, c'est pour moi, et donc du coup, toi, après, tu passes derrière, et hop, là, parce que tu la connais depuis plus longtemps, c'est dégueulasse, enculé, va. Bon, bah voilà, Nathalie, l'affaire est pliée. C'est fait. Il parle, oui. Non, je l'ai raccroché au nez, attends, le mec, il veut me pécho ma meuf, il ça est con, se fait quoi. Pas, ouais. Ça se fait pas, la meuf. Désolé, de Mickaël, quoi. Foiré. Je t'ai enculé. Voilà. Je pense qu'elle s'en fout, Nathalie, elle va bien dormir ce soir. Voilà. Il a raccroché. Non, c'est moi qui lui raccroche le nez. Attends, mais c'est ce que je dis. Je suis en train de lui dire que tu kiffes, que tu me kiffes, et il est prêt à tout foutre par terre. Quelle colère, c'est un trou du cul, l'appelle bah plus. Ouais, grave. Ah oui. C'est vrai. Bah, t'es quand même d'accord avec moi. Moi, je parlerai plus avec lui, quoi. Et toi, d'ailleurs. Ouais, grave. Bah oui, c'est ça. Ouais, bon, écoute, rappelle-le, Nathalie, hein. Ouais, dis-lui que c'est un enculé, que ça se fait pas ce qu'il fait. Hein. Voilà, dis-lui, écoute, je comprends pas. Non, ça se fait pas, vous avez tout gâché. Ah bah ouais, mais on a pas tout gâché, Nathalie. Il t'a dit qu'il va te démonter le truc, tu as dit oui. Bah on a démonté le truc. Voilà, tu m'as dit, vas-y, tu peux tout gâcher. Alors moi, j'ai tout gâché, hein. Bah oui, moi, je voulais être avec lui. Mais tu t'en fous, Nathalie, il a dit qu'il te kiffait. t'es pas en train de kiffer, là? Non, mais t'es pas marrant, Mickaël. Oh, qu'elle est relou, Nathalie, tu m'as dit qu'on pouvait s'amuser, nous, on s'est marré. Oui, mais ça se fait pas. Bah, je vais le rappeler, mais il faut que tu lui parles toi maintenant. Hein. Ok. Et tu lui dis je t'aime. Voilà. T'as l'air ravie, Nathalie. Ah ouais. Moi, je propose que Mickaël vous fasse une petite chanson. J'apprécie beaucoup, et si vous faites ça. Non, mais regarde, Mickaël va vous faire une petite chanson d'amour. La merde aussi. Bon, attends, tu sais quoi, je vais faire une musique. Voilà. Attends, j'ai accordé la guitare en ré majeur là. Bah, tant mieux, parfait. Voilà, donc comme ça, dès qu'il décroche, hop, je commencerai à chanter, d'accord? Vas-y. T'as déjà entendu ma chanson ou pas? Oui. Parce que là je joue en direct avec la guitare. Attention, regardez, je vais même chanter. Bois aigu. Oh, c'est trop. Portez les briquets à la maison. Ah, c'est pas mal, hein? Oui. Attends, c'est pas mal. Mais je te remets, je vais jusqu'au refrain. Briquet. Allez, attention, refrain, c'est parti. Tous ensemble chez vous, 3, 4. Non, c'est bon. Voilà, donc ça va, là, je peux rattraper le problème. Il faut le rappeler. Ben oui, on va le rappeler, on va le rappeler. Oh là là, sois pas gnognante, Nathalie. Oh là là, là, là, là, là. Ah, il a dit qu'il te l'a fait, t'es pas contente. Ben, Nathalie, en même temps, je t'ai demandé si on pouvait tout gâcher, tu m'as dit oui. Alors après, il faut t'en prendre qu'à toi-même. Oui, mais là maintenant, elle a mouillé sa culotte. Ah bah là, oui, maintenant, oui. Mais maintenant, plus qu'il a dit oui. Là, ça y est, c'est parti. Ah bah. Ah là là. Pense à éponger quand même. Oh, c'est fini, oui. C'est fini. Non. Avec ta dégueulasse Ritoff. Mais attends, moi j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est sec ou pas, Nathalie là? Non, c'est pas sec, c'est toujours mouillé. Ah, complètement là. Oh là là, oh là là, on nage dedans là, on nage dans le bonheur. Ah ouais, là on est pas mal là. Hein. Un coup de lance-flamme pour sécher tout ça, non? Ah bah non, ça marche pas là. Non, non, ça va. Bon, ah, ça coule à flot, hein. Ah ouais, oh là là. Oui. Bon, on l'appelle. Vous avez tout gâché là. Oh, mais non, Nathalie, oh. Oh. Michael, je pensais pas ça de toi. Je suis professionnel, enculé, moi. Y a pas de problème. Oh là là. Y a Félicia qui dit mais con, il vient de dire qu'il est intéressé par elle. Mais c'est ça en fait. T'as rien écouté, Nathalie, en fait. Bah si, mais à la fin vous avez gâché. Donc mais après, il voudra pas. Mais bon, non. Là, avec moi. Oh, dis donc, la confiance en soi, Nathalie, zéro. Hein. Ah oui, zéro. Ouais. Ah bah, ça je coule. Vois ça, hein. Mais pendant ce temps, ça coule. Oh putain, là, ça coule, ça coule. Ah bah là, ça coule, ça coule, ça coule. Je vais lui dire. Et on peut même alimenter le studio, tu vois, si on avait un petit. Une petite turbine. Une petite turbine. On va peut-être appeler les pompiers, non? Ah bah, ça serait idée. Je suis en train de me noyer là. Ouais, bah, moi aussi, ouais. Bon, allez, on l'appelle, Nathalie. Merci. Et pendant ce temps-là, dites-nous si vous avez déjà eu. Si vous êtes déjà tombé en kiff sur votre copain ou votre copine, enfin, votre meilleur ami ou votre meilleure amie. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Ça faisait longtemps. Ne quittez. Ouais, allô. Oui, allô, Benjamin. Ouais. Pourquoi tu m'appelles en privé? Bah, comme ça. Ah, la mec bizarre qui vient de m'appeler là, Michel. Tu connais? Michel. Et ouais, il vient de m'appeler, il me dit ça s'appelait Michel, que c'était un pote à toi, qui kiffait. Ah bon? C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Bah, tu connais pas? Non. C'est lui, non? Ouais, grave, c'est trop. Pourquoi on déprime, quoi? Tu as voulu voir quoi, là? Bon, en fait, je t'ai appelé parce que je voulais te faire quelque chose. Alléluia. D'accord. Chérie Cocu. Alors, qu'est-ce que tu dis? Genre, en fait, pour moi, t'es pas ton meilleur pote, en fait. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que. Exactement. Tu me plais, ouais. Et voilà, j'ai envie d'être avec toi. Je te considère pas vraiment comme un pote. Tu me fais une déclaration d'amour. Oh, c'est trop mignon. Bah oui. Oh, c'est mignon. Allô, opération Chili, gros pédé. Oh non. C'est qui ça? C'est qui ça? Je te rends culé. Il est fou, lui. Il est fou, lui. C'est qui? Ferme ta gueule. C'est bizarre. Non, mais c'est bizarre, je comprends pas. Qu'est-ce qui gâche tout? Bah, non, mais rien. Donc, bah, je t'ai appelé pour te dire ça. Donc après, je sais pas. Vas-y, bah, on va demain, si on en parle tranquillement. T'es père. On va au restaurant. Mettra une bonne cartouche. Voilà. Tranquille. Ouais, ah, qu'est-ce qu'il dit? Tu traînes comme ça. Comment? Ça me fait plaisir que tu traînes comme ça. Bah, tu sais que t'es toujours été mon rayon de soleil, ma petite princesse, quoi, normal. Oh. Voilà, t'as fait beaucoup de délire ensemble. Il est d'accord pour le plan 3? Voilà. Ah, il veut faire le plan 3? Bah. Est-ce qu'il va avoir le niveau? Est-ce qu'il va avoir le niveau pour faire un plan 3? Est-ce qu'il va avoir le niveau pour faire un plan 3? Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Bah, ça me fait trop plaisir que tu traînes comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Bah écoute. Ça me fait trop plaisir parce que tu me fais vraiment et j'ai envie. Comment? Bah franchement tu me fais vraiment et j'ai envie d'être avec toi. Oh là là, gnagnon FM. L'action, non? Bah non, on se connaît. Peut-être qu'on se connaîtra encore dans 20 ans, 30 ans. Oh putain, okay. Oh 20 ans, 30 ans. Bah et si vous voulez, je peux avoir un crédit pour une Renault Espace. Vas-y, on se voit quand? Bah demain si tu veux, je sais rien. Vas-y, on fait comme ça. Ah bah génial. Okay, okay. Oh putain, on est au top. Je te fais des gros bisous. Vas-y, ok, ça marche. Voilà. Oh, c'est mignon. Oh, déjà, oui. Déjà, tu veux déjà la bague au doigt? Tu veux déjà un enfant? Attendez, si vous voulez, j'ai le labrador. Ouais, t'es une folle. Ok. Vas-y, je te dis bonne soirée. Ok, okay, merci, toi aussi. Vas-y, allez, bisous. Je t'embrasse. Ah, j'ai un collègue qui va se faire ramener demain. Hein. Oh là là. Oh là là. Je suis trop contente. Eh, bonheur. Eh, merci qui? Eh, merci qui? Merci Mickaël. Eh ben voilà, t'as vu? Ah ben voilà. Eh ben voilà. T'as trop assuré. Soi-disant, j'avais tout fait à foirer là, hein. Non, je suis désolé. Les cheveux et tout. Mais oui, les cheveux et tout. Oh là, en tout cas, ça coule, hein. Oh là là. Ah oui. Ah, et ça coule, et ça coule, et ça coule. Ah oui, ça coule, ça coule. Ça va finir sur Jacques et Michel, tout ça. Ah bah ouais. J'aime le sperme. Je te fais une dédicace, s'il vous plaît. Eh bah écoute, vas-y. Donc dédicace à ma petite Tiffany, ma copine. Oh là, tu t'emballes, c'est une seule personne. Hein. Ouais. Faut choisir. Et Adrien, non, c'est une seule personne, elle n'a pas compris le concept du jeu, c'est dommage. Oh là là là, t'as tout gâché, Nathalie. T'as tout gâché, là. Il y avait le Labrador, la bagnole. Mais oui. Vive Chartres. Voilà, ben on embrasse Chartres, il n'y a pas de problème. Bon, allez, salut hein. Salut, à la prochaine. Ciao Nathalie. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes déjà sorti avec vos meilleurs amis ou meilleures amies, comment ça s'est passé, tiens. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous m'appelez et on en parle avec plaisir. Et puis on va parler également, je ne sais pas si vous vous souvenez de Richard Virenque, hein, c'est le coureur cycliste là qui s'était dopé sans le savoir. Et donc je viens de voir qu'il a dit dans une interview que s'il n'avait pas fait de vélo, il aurait voulu être danseur de Michael Jackson. Ah oui, c'est rien à voir quoi. Ouais, complètement. Donc j'imagine que vous aussi vous aviez peut-être éventuellement un rêve et que bah, vous avez peut-être dû choisir entre un vrai métier comme disaient mes profs et quand je leur disais que je voulais faire de la radio par exemple. Qu'est-ce que vous avez eu comme rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme, comme taf par exemple? Alors si vous, donc pour ceux qui travaillent déjà, si vous ne faisiez pas le métier que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous feriez? Et bah si vous êtes encore aux études là, qu'est-ce que vous feriez comme taf plus tard? Moi c'est pilote d'avion, sans hésitation évidemment, hein, si je faisais pas radio. Bah c'est-à-dire qu'en fait il y avait, je me suis un peu renseigné, hein, il y avait radio où il fallait rien foutre, et il y avait pilote d'avion où il y avait des années d'études. Alors moi j'ai pris radio. T'as raison. Voilà. Donc du coup voilà, les autres, qu'est-ce que vous auriez fait comme métier, Tof, si t'avais pas fait. Moi je voulais faire ingénieur du son, mais en fait j'ai commencé par enregistrer des groupes de metal hardcore punk machin qui ne se vendent pas, donc ils ne me payaient pas. Et puis je me suis dit, bah, je vais faire les rappeurs, ça marche bien, mais c'est pareil, en fait, ils payent pas. Voilà. Donc j'ai dû arrêter, j'ai tu voulais fait être rappeur hein. Non, je voulais enregistrer les rappeurs, mais en fait, ils payent pas les mecs qui les enregistrent, donc du coup, j'ai arrêté. Voilà, et puis un ingé son qui n'arrive pas à répéter une note, fais un peu. Oh, il y a du travail. Eh, attends, attention. Hein. Fais la la la la la. La la la la la. Quel est laid quand il fait ça. C'est clair. C'est clair. Moi, je suis pas laid d'habitude. Ah, non, mais moi, fut un temps, c'est vrai, quand on lui demandait de faire Et pour lui, c'était la même chose, tu vois, c'était pareil. Ah ouais, pareil, ça change rien, moi. Sandro, sans faire de radio, t'aurais fait quoi? Peut-être un truc dans la danse, je pense que j'aime bien ça. Non, la danse vient de m'appeler, hein, c'était hors de question. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai fait la radio. D'accord, ok. Et Polo? Moi j'ai jamais rien, je voulais rien faire. Oui, donc ouais, je fais de la radio. C'est quoi. Ça, ouais. On voulait rien foutre. Il est tombé sur une meuf plein d'as et donc est tranquille. Ouais, non, il a raison. Allez, restez sur Fun Radio, on va revenir. Dites-nous ce que vous feriez comme métier là. C'est quoi votre kiff? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez possibilité, tout simplement. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous l'avais promis, le son de New World Sound, c'est The Flute, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, No Limit. No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, plus de pub. Maintenant, c'est parti pendant 30 minutes à la paix, à la cool, pépère, on va dire ça comme ça. Avec Francis qui a envoyé un message qui dit: moi, mon rêve serait d'être chef cuistot. Continuez comme ça, les amis, vous êtes géniaux. Merci, Francis. Le Prince Nadia qui dit: moi, je suis serveuse en restauration et j'adorerais faire de la radio. Bah, passe un de ces soirs, le Prince Nadia. Enfin, repasse plutôt. Benoît aussi qui dit: j'adore quand tu fais de la guitare. Merci, Benoît. Et Andrew aussi. Qui envoie un message depuis l'application iPhone qui est disponible gratuitement d'ailleurs, hein, sur iTunes. Vous tapez Mickaël No Limit qui dit: moi je voulais être gangster quand j'étais gosse, en grandissant rugbyman pro et maintenant je suis agent de sécu. C'est bien, tu mets des gens par terre aussi, c'est bien. Il y avait quoi aussi, Pogwai sur l'appli qui dit: tout à fait d'accord avec toi Mickaël, l'amitié homme-femme n'est pas possible que si tu as déjà couché avec la nana ou le gars, ou alors ton ami est très très moche. Et là c'est possible, ouais. Et Megumi qui dit aussi: moi si j'avais pu, je serais devenu femme de footballeur pour bouffer l'argent de mon mec comme Beckham. Ah, c'est une idée aussi, tiens. Bon, appelez-nous, n'hésitez pas à balancer vos messages, hashtag et Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook et sur le standard. Vous m'appelez maintenant pour passer en direct à l'antenne. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous l'avais promis, on se l'écoute maintenant. Le son de New World Sound sur Fun Radio, c'est The Flute maintenant. Bienvenue sur Fun Radio, il est 1h17. New World Sound sur Fun Radio. Je vous cale aussi le son d'Eminem à suivre. Et puis je vous calerai également le son d'Asie avec Born Again. On va continuer encore à parler de l'amitié homme-femme. Là. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de choses? Et puis surtout, est-ce que vous avez déjà été en kiff sur votre ami ou amie? Comment vous lui avez dit? Comment ça s'est fini? Bien, mal? Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et puis aussi, on va parler des métiers que vous feriez si vous avez pu choisir. Si vous pouvez choisir ou si vous auriez pu choisir, vous auriez fait quoi? Vous envoyez vos messages maintenant hein, sur le Twitter, tapez hashtag Mickaël, sur le Facebook, Mickaël officiel, et sur le standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a DJ Roms qui dit plus tard, je veux être DJ résident chez Fun Radio. Bah pourquoi pas. Hugo Réo qui dit, mon rêve ce serait quand même de venir visiter les studios de Fun en compagnie de l'équipe de Mickaël. Bah écoute, quand tu veux mec, hein, la porte est ouverte. Soum Soum qui dit, moi je kifferais être organisateur dans les grandes compétitions sportives. Il y a Magda qui dit, moi j'aurais bien voulu être infirmière. Alors t'aurais peut-être pu soigner Toff comme ça. C'est vrai, ça aurait pu être bien. C'est un psychiatre s'il lui faut. Oui, c'est plus un psychiatre. Plus. Et Andreas qui dit, plus jeune, je voulais devenir psy, maintenant j'aide des personnes qui en ont besoin. Bah c'est bien aussi. Et Benoît qui dit, moi je suis étudiante en sciences, mais je kifferais faire DJ. Ah oui, c'est pas pareil. Hein. Jean-Luc qui dit, mon rêve c'est d'être pute. C'est sympa comme métier. Ouais, et Olivier qui dit sur le Facebook, moi j'aurais bien aimé être pilote de rallye en WRC, mais bon là je suis conducteur d'engin, ça me plaît bien aussi. Bah pourquoi pas, le principal. C'est juste ça va un peu moins vite quoi. Ça va un peu moins vite, ouais, ça va un peu moins vite, effectivement. Et alors Dany qui dit, vous êtes trop fort, j'espère que vous continuerez à nous faire rire. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, bise. Merci beaucoup pour le message. Bon, plein de messages qui sont arrivés. Il y a Ariel qui dit, il arrive quand les échos de rock? Il va arriver dans quelques minutes avec Jean-Pierre Sauzère qu'on va récupérer. Mais avant ça, eh ben on va encore faire un petit appel. Allons-y, soyons fous. Petit appel, je rappelle donc qu'il est bon apparemment de mettre du sperme sur le visage puisque c'est, ça enlève les rides et ça adoucit la peau, ça adoucit le visage. Ça rend beau. Ça rend beau, paraît-il. Ça rend belle. Bah, ça rend belle. Donc on y va, on appelle maintenant tous les numéros que vous nous avez envoyés tout au long de la soirée et même de la semaine dernière sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Vous envoyez des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci ou de gens qui sont plutôt du style un peu nerveux, quoi. Donc du coup, nous on les appelle et c'est parti, 1h22, on continue. Allez. Non. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous acceptiez l'éjaculation faciale. Mais quoi? Est-ce que vous acceptez que votre mari vous éjacule au visage? Oh, on va te faire foutre, enculé. Bébé. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Oh la violence. Je crois que nous étions de nouveau en Corse. Ils ont raison, les Corses. On rappelle. Je vous aime. Oh là là. Hey. Oui, allô? Allô? Oui, excusez-moi, madame, mais pourquoi vous êtes désagréable comme ça? Petit connard. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, madame? Non, mais attends. Allez, va te faire foutre. Mais enfin, madame, moi, je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Mais en fait, voilà, les propriétés du sperme aident à réduire les rides et à avoir la peau plus douce. Non, mais vous foutez de moi, là. Hein. Mais pas du tout, madame, c'est une étude très sérieuse faite par des Anglais. Les Anglais, allez vous faire foutre. Mais... Attendez, je vous passe mon mari, il va vous donner le compte, là. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, j'appelais votre femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Oui. Hein, il paraît que donc les propriétés de votre sperme, si vous lui mettez sur le visage, vont l'aider à avoir la peau plus douce. Oui. Vous êtes où exactement? À Paris, monsieur. Paris. Alors moi, je vous invite à faire un petit stage en Corse, si vous voulez, cet été. À Chantouri même. Bah, hein? Avec plaisir, monsieur, j'ai jamais vu la Corse. Voilà, venez. Dans un endroit désert, ce sera mieux. On n'aime pas trop les témoins. Mais pourquoi vous voulez des témoins, monsieur? Et en plus, je suis flic, et maintenant la conversation est enregistrée. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir, monsieur. Très gentil. Oh, hein, bah, je suis pas prêt d'aller en Corse, moi. Très gentil au demeurant. Ce qui est bien, c'est que viens ici, on va dans un endroit un peu discret, on n'aime pas les témoins. Je suis de la police. Comme quoi en Corse, on s'arrange avec tout. Hein. On s'arrange, ça, c'est toujours quand ça les arrange. Mais c'est bien. Pas ton cas, mais pour le coup, vraiment. J'ai été en Corse qu'une seule fois dans le Nord et j'ai trouvé ça super bien. C'est vrai. Vraiment. C'est, cool. Je dis pas ça parce que j'ai peur de me faire plastiquer loin de là. J'y suis allé, je trouvais ça vraiment cool. Par contre, si on vient un jour avec Toff, rassurez-vous, je vous appelle tous et je vous dis quand est-ce qu'il sera là et où il sera. Hein. Ce salopard. Ça, vous allez pouvoir lui plastiquer le fion. Exactement, tiens. Je te rends culé. Totalement. Je crois qu'ils ont des croix encore. Bah écoute, je sais pas. Ils vont t'accrocher dessus, t'inquiète. Je ne sais pas. Bon, il y en a beaucoup qui demandaient le retour de Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre! Oui, ce sifflement. Alors ça y est, oui, toujours le sifflement du téléphone sans fil. Hein. Oui, tu m'entends? Oui, on t'entend que toi. Bon, alors Jean-Pierre, donc on a le nouveau single, Écho de Rock. Oui. On va mettre un petit bout là pour voir, hein, parce que évidemment le stagiaire m'a pas mis un extrait. Il m'a directement mis le morceau Brut de Porc. Je suis un Walking One Man. J'aimerais dédier ce tube à tous ceux qui portent le rock'n'roll en eux. Oh yeah, tout le monde à croire. Oh yeah. Ah c'est bon, ça c'est pour Zégut, ça c'est pour Zégut. Ah oh, ouais, il y en a qui va adhérer. Sur les scènes du monde entier, on attend mes cris résonner. Mais sans diable, oh, la cadence. Et le monde rentre dans la danse. La nuit commence, réponds présent. Premier rôle et jamais figurant. Oh c'est bon. J'ai les ailes plein la peau. On se croit dans ce vieux karaoké. Attention, attention, refrain. Je suis un écho de rock. Et pas oh merde. Eh hey, c'est énorme Jean-Pierre. Eh hey, c'est énorme hein. Ah non mais là il est pas mal. Mais surtout que ça a été remixé là ou pas là. Ouais ouais. Ah ouais donc ça, t'as mis le filtre et tout là, tout est ok. Tout est ok. Putain c'est génial. Tu vas faire cette chanson là en concert vendredi. Ouais je vais la faire. Puis je remercie le guitariste qui l'a fait. Ah bah oui non mais il est bon lui hein. Il s'appelle Patrick Hermer. D'accord. Et il est sur évidemment mon site Facebook, vous pouvez écouter, j'ai mis deux extraits de lui. Attends, mais c'est quoi la page sur le site là, dont tu viens de parler? Bah il est sur Facebook, voilà, sur le site officiel Jean-Pierre Sauzère. Et donc un sur lien, Facebook, voilà. Vous tapez Jean-Pierre Sauzère, c'est ça? Ouais. Très bien. Pour faire écouter à Johnny. Et on ouais, oui. Mais c'est vrai qu'il y a tu t'es un peu inspiré. Bah oui, c'est. Non mais c'est pas. C'est un peu comme Johnny, mais c'est pas Johnny. Jean-Pierre. Johnny pourrait appeler chanter avec moi plus tard, ouais. Passe-nous Johnny. Voilà. Il est là, Johnny? Non, non, non. Mais sinon, il faudrait que t'appelles pour organiser, tu sais, la venue à Fun Radio, là, puis pour... Oui, on va... Il faudrait que t'appelles Vincent. Bien sûr. Mais ça, on va gérer. Ça, on va gérer. Et demain, je passe sur Radio Plus Haleine. D'accord. Jean-Pierre, d'habitude, tu nous passes Johnny au téléphone. Bah ouais, mais je veux pas Johnny, là. Hein Johnny, ouais, j'ai mis tout ça, Johnny. Ah ouais. Fort. Ah vas-y, fais-le pour voir le, tu sais, avec Johnny, tu vois. Bah, j'aimerais dire que, vous savez, les coups de rock, là, j'encourage bien Jean-Pierre Sauzère. Ah, c'est bon. Ah ouais, putain, on en a ouais, talent. Je suis un Walking One Man. Non, mais bien sûr. Attends, mais ça, c'est bon, ça. Et donc, attends. Tu dis je suis un rock'n'roll man, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je ouais. suis un rock'n'roll man. Rock'n'roll. T'es un rock'n'roll man. Un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Non mais c'est bon. Attends, il y a aussi Denis qui est avec nous là. Salut Denis. Oui, bonsoir. Comment ça va Denis? Oh, super. Hey. Je suis un rock'n'roll man. Yeah. Yeah man baby. Okay, one man. Oh, yeah. Jean-Pierre Sauzère, je te kiffe. Sérieux, je te kiffe. Bah oui, il y a du talent. Hein. Ah, ouais, ah bah ça, tu m'étonnes. Tu t'arrives pas, tu vois, ce qui vient. mais oui. Non, mais sérieux, je te kiffe. Hein. Si franchement, ça serait une pompe à talent, la dernière goutte serait la meilleure, quoi, tu vois. Ah ouais. Et ça serait juste énorme. Mais tu le connais déjà un peu, Denis, Jean-Pierre, ou pas? Ouais, je le connais bien, ouais. Comment ça bien, non, mais, et tu le connais, bah, toi, Jean-Pierre? YouTube. Ah, sur YouTube. Et Jean-Pierre? Oui. Tu connais Denis, toi, ou pas? Non, je connais pas, non. Ah bah, c'est apparemment un nouveau fan qui est là. Bah ah, voilà, ouais, super. Non, mais... C'est quoi ton morceau préféré, Denis? Jean-Pierre In Wonderland, Super Disco, Je Cherche un Producteur. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique? Ah, moi, ouais. J'aime bien aussi. Mais on l'a pas, celle-là. Hein. Ouais, mais la fête de la musique, on va la refaire en version rock. Ah, en version rock? Ouais, mais là, vu que j'ai un producteur en vue... Massacre. Attends, on va la retrouver, la fête de la musique. On va essayer de remettre la main dessus pour... Parce que okay. C'est vrai qu'il y en a plein. Moi, j'ai découvert... Ouais, avec une petite intro à la Jean-Michel Jarre et tout. C'est voilà. Énorme, bah, ouais. Non, David Guetta. Voilà, il faut mettre ça avec David Guetta, c'est mieux. Parce que moi, j'avais découvert Jean-Pierre Sauzère il y a très longtemps. À l'époque, c'était chez Max, Star System. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert Jean-Pierre Sauzère avec la fête de la musique. Boire du champagne. Mais voilà, attends, c'est ça la fête de la musique. Pour ceux qui viennent de débarquer, c'était ça. Alors attendez. Enfin, ouais, ça marche pas très bien. Ouais. Attends une seconde. Ça marche pas bien du tout, Toff, là, pour l'instant. Ah, voilà, je suis bleu, là, j'ai envie de le dire, quoi. Ouais, bah attends, parce qu'on essaie de mettre. Ah, voilà. Hey. Ah, écoutez, écoutez, tout le monde se tait. Vous êtes sur Fun Radio, attention, le son dance floor, 1h31. De la culture, abonnez-nous le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, toute la France se met à chanter. C'est trouvé par la Java. Et boire du champagne. Boire du champagne. Attention, refrain. Ah non, pas encore. C'est la fête de la musique. C'est le refrain. On chante plus à voir de voix. Les chansons de plus belles années. C'est la fête de la musique. Cette année, nous les artistes, on enregistre, on fait des mix. Quel bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. Je suis un rock'n'roll. C'est minuit de la culture. Adonnez le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Hey, j'ai enlevé vos rires dans le téléphone parce que celui va nous faire un scandale, Jean-Pierre. Ah, mais elle est pourrie, vous dire la vérité. Ah non, elle est bien. À la fête de la musique. Refrain. C'est la fête de la musique. Ne plus à voir, voir. Et on remet toute la journée, toute la nuit, toute la journée. Ah mais c'est pas possible. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, tu vois. Bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. Je suis un roi qui vous aime. Je ne sens plus la voix, je vois. Ah non, il a connu la musique. Comme nous les artistes, l'enregistre, on fait des vies. Non, elle est énorme. C'est bonheur pour s'éclater. Donc là, il nous entendait pas, mais là, il va nous entendre. Ah non, mais elle était énorme. Elle était énorme. Bravo. C'est Jean-Pierre. Puissant. Quel talent. Oh, quel morceau. Moi, j'ai Sublime. Attendez, le solo. On est sur le solo, là. Là, c'est le solo de guitare. Enfin, guitare qui n'a jamais eu une corde de sa vie, mais qui est solo de guitare. Oh putain, c'est bon ça. Eh c'est ben bon, voilà. Je suis fan de nous. C'est la fête de la musique. On chante plus à voir de voix. Les chansons de plus belles années. C'est la fête de la musique. On arrive à la fin là, malheureusement. On enregistre, on fait des disques. C'est le bonheur pour s'éclater. Chanter les chansons que vous aimez. Et voilà, et après ça termine comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai découvert Jean-Pierre Sauzère avec cette chanson là, c'est dans les années 90. C'est ça, hein, Jean-Pierre, hein? Ah ouais. Voilà, et je confirme. Bon, et donc tu vas devoir nous la refaire celle-là parce que là elle a pris un coup de vieux. Ça fait pas, elle va être refaite bientôt déjà. Non, j'ai non, déjà non, pas celle-là. Avec le musicien, on l'a refait en version rock. Ah bah super. Mais il n'est pas encore enregistré. Bon bah écoute. De toute façon, j'ai un producteur, puis voilà. Bah ouais, bah non, mais j'en c'est ai ça. D'autres producteurs que je salue qui m'ont appelé, qui m'ont dit que j'avais du talent. Non, non, non, non. Et mais non, tu gardes l'exclusivité sur ton prod à toi, commence pas. Ah oui, évidemment, non, mais je salue un producteur. Tant pis, les que autres, je connais, ils ont Martini, les... et voilà. M. Martinez qui me bah, Martinez, voilà. Et bah que, qu'ils aillent tous se faire enculer, ils avaient qu'à te prendre avant. Ouais, parce que les Jay-Z peuvent dédier, c'est bon quoi. C'est ça, qu'ils aillent se faire foutre, il y a un moment, faut quand même pas déconner. Voilà, c'est Echo de Rock, on écoutera, tiens, y'a pas de problème. Bon, bah Jean-Pierre, bah écoute, ouais. Alors à mercredi, hein. Voilà, puis je passe le bonjour à mon producteur, à tous mes fans, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui portent rock, rock'n'roll. Et bah rock, et bah rock'n'roll. Ah, Zigout, il va être heureux avec Echo de Rock, là. De quoi, de quoi? Zigout, il va être heureux avec Echo de Rock, là. Ah bah là, je pense qu'il va aimer, hein. Ah là, j'essaierai de le faire venir mercredi, et puis on va tout mettre en même temps, quoi, d'accord? Il va pouvoir mettre ses bottes de rocker, puis la banane. Bah, il les a, là. Il les a toujours, t'inquiète pas. Bon, salut JP. Ouais, je te remercie bien, hein. Avec plaisir, salut JP. Et Denis, bah écoute, oh putain, ça fait du bien quand il n'y a plus le sifflement, là. Denis, ouais. Bah, écoute, merci en tout cas d'être passé. Hein. Écoute, moi simplement, en conclusion, j'aime bien ce genre de musique qui sont dignes d'un strabisme mental. Mais exactement. Tout à fait. Ouais, complètement, ouais, j'adore ça. Et sinon, également, je pourrais taper une dédicace. Bien sûr. Parce que tu as dit que c'était la seule. Tu perds ton, ça claque. Allez, ça claque. Allez, vas-y. Tu m'as fond. Bah, comme c'est une bonne dédicace, on en a qu'une. One seule, j'ai pas la bonne, j'ai fait une dédicace à moi-même en fait. Ah bah t'as raison mec, t'as raison. Mets-toi en mode Jean-Pierre Sauzère, salue-toi toi-même. Jamais mieux servi par toi-même frère. Exactement, tout à fait. Et quoi qu'il en soit. Je suis un Walkie One Man. Ouais, vas-y, ouais. Et à bientôt dans Confession Intime. Avec plaisir, Denis. Salut à toi, à bientôt. Et ce qui est bien avec Jean-Pierre, c'est que c'est le seul artiste qui connaît tous ses fans. personnes par leur prénom. Exactement. Mais c'est parce qu'il les connaît, il est proche de. Mais grave. Il y a message aussi, il y a Britannique qui dit vous êtes pas sérieux. Attends, j'ai plus rien là sur ma fiche là. Qui m'a fait de la merde encore là? J'ai toutes mes fiches là, il y a plus rien qui marche. Voilà, donc vous êtes pas sérieux en vrai avec votre musique, c'est la fête de la musique, je vous kiffe, c'est Britannique. Ah franchement, mais... la fête de la musique, il a connu là. Ah, moi je suis pour rien, c'est Jean-Pierre qui a fait ça il y a longtemps. Hein, ça passe, mais celle-là. C'est une vieille chanson. Moi, tu sais qu'elle va rester en tête toute la soirée. Hein. Ah non, mais c'est la fête de la musique. C'est chaud. On chante à plus avoir de voix. La musique des plus belles années, c'est la fête de la musique. On a tous fait des mauvais choix, bah celle-ci. Bah voilà, non. Waouh, claquage de barre avec Jean-Pierre. Il y a Pogua sur l'application iPhone de Mickaël No Limit qui dit en fait Mickaël, c'est toi l'agent de Jean-Pierre. Ah non, non, pas du tout. Non. Enfin, il aimerait bien. Johan qui dit j'aurais peut-être été footballeur sans ma fracture de tibia péronée à 16 ans. Donc j'ai fini paysagiste. Oui, c'est pas pareil, effectivement. Mais bon. Et puis plein de messages aussi. Wack and One Man, c'est Lesbi Freaks qui dit ça. Et Aline qui dit Wack and Roll Man. Effectivement, je suis un Rock and Roll Man, je m'en lasse pas. Bah non, attends, eh oh, quand même. Faut quand même pas déconner, évidemment. Je suis un Wacky One Man. J'aime bien le ah, enfin, tu sais quand il reste. Je suis un Wacky One Man. Oh yeah, motherfucker, let's go, come et on. Ici, là. Yeah, WNBC. Oh yeah, c'est bon, hein. Merde, me suffit, j'ai fait de la merde. Oh là là, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde. Je suis un Wacky One Man. Ah, eh ben voilà, ça c'est bon ça. Bon, il y a Sébastien qui est avec nous de Chambéry là. Comment ça va, Sébastien? Bien et toi? Ah bah tranquille, tranquille. Je suis un Wacky One Man. Voilà, nous on est bien là. Qu'est-ce que t'as pensé de Jean-Pierre Sauzer? T'aimes bien ou pas? Ouais, mais ça va, vous moquez bien de lui, j'adore ça tous les matins. C'est faux, on ne fait absolument rien, on n'a absolument rien dit. Nous respectons. Et Polo d'ailleurs a ça dans son iPhone. Il a des chansons de Jean-Pierre Sauzer, il a l'intégrale. C'est sa sonnerie. Hein. L'intégrale, oui, c'est. Oui, quand on l'appelle. Je suis un Wacky Wall Man. Parce que moi j'aime le Wacky Wall. Bah, le Rock and Wall, exactement. Bon, alors Sébastien, toi tu nous avais appelé par rapport au métier. Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui, toi? Chauffeur routier. Chauffeur routier, très bien. Et tu aurais fait quoi si t'avais pas fait chauffeur routier? Bah, rien d'autre parce que je voulais faire que chauffeur routier. Ah d'accord, ok. Bah c'est bien alors, si tu fais ton kiff, tant mieux. Bah ouais, c'est clair. Bah oui, c'est clair. Tu conduis quoi? T'as quoi comme bahut? Bah j'ai les deux permis, mais là actuellement je suis en porteur, je livre les hôpitaux, les hydras des hommes dans les hôpitaux. D'accord, ok. Ah, donc ouais. C'est quoi? C'est des petits camions ou c'est des gros camions? Ouais, c'est des 19 tonnes. Ah oui, c'est déjà une belle bête quand même, c'est hein, 19 tonnes. 19 tonnes? J'arrive pas à voir ce que ça représente. Bah c'est un petit camion qui livre dans le centre-ville quoi. D'accord, ah oui, c'est pas les trucs avec deux remorques là qui sont sur l'autoroute et qui avancent à du 2. Ah non, ça, d'accord. Pas du tout. D'ailleurs, en parlant de camionneurs, désolé, hein, mais il y en a un qui m'a cassé les couilles tout à l'heure et ça arrive souvent, c'est pourquoi les camions attendent toujours, quand t'as des autoroutes à deux voies, ils attendent toujours que ça monte pour dépasser le camion devant pour au final rouler 2 km/h plus vite. Voilà, ils arrivent pas à rouler, surtout parce les Espagnols. Parce que celui devant, il doit être plus lourd que celui qui double et... Autrement, il y a un peu plus de chevaux dans celui qui double. Donc, non mais tu doubles pas. Non mais d'accord. Mais moi j'ai pas de problème. Est-ce que vous dépassiez? C'est pas mon problème. C'est pas un souci. C'est juste que pourquoi est-ce que vous dites pas? Bah je vais attendre que ce soit plat ou que ça aille un peu en descente. Comme ça j'ai plus facile. Non, j'ai l'impression que vous attendez à chaque fois que ça monte pour après vous vous mettre sur la bande d'à côté et essayer de dépasser. Mais du coup le camion, bah lui comme ça monte, il reste à fond de balle pour pas perdre sa vitesse, qui est normal. Et puis bah toi, bah, l'autre camion, il essaye d'accélérer le plus possible, mais finalement il avance quoi, 2 km/h de plus que l'autre. Et au final toi t'es là derrière et t'attends. Voilà, il se rabat. Dans les descentes, on peut pas doubler parce qu'on a l'intarder qui nous retient à 90 km/h. L'intarder quoi? En fait, on a le ralentisseur qui nous maintient à une vitesse de 90 km/h dans les descentes. Mais c'est ce qu'on dit, d'accord. Mais pourquoi faire ça? Mais pourquoi quoi? Faire quoi? Pourquoi dépasser? Ça sert à rien. Puisque tu te remets sur la bande de droite et tu roules à la même allure. À la même vitesse, ouais. On est bien obligé de doubler. Et bah... Avec un camion qui roule moins vite que nous devant. On est bien obligé de rouler. Bah c'est mieux sur une bande droite, enfin sur du plat quoi. Enfin bon après c'était pas le débat, c'était juste un coup de gueule que j'avais envie de passer comme ça, mais bon. Mais bon, faut se dire un truc. Ne crie pas. Ouais, excuse-moi, sans les chauffeurs routiers, il n'y aurait pas de... Non mais j'ai rien, contre, les chauffeurs routiers. Voilà. On va mettre des robots. C'est juste quand ça monte qu'il ne faut pas dépasser. C'est juste, voilà, c'était juste ma question, tout simplement. T'as bien foutu la merde, bravo. Oui, complètement, Mickaël. Oui. Mais je n'ai rien contre les chauffeurs routiers, pas de problème. Bon. Non, parce que nous, dans le département de la Savoie, dans les montées, certaines montées d'école, on est interdit de doubler. Non mais je parle pas en montagne, je parle sur une autoroute où ça monte un petit peu, et du coup ça galère, ça, genre, évidemment. Tu vois, 2%, quoi. Voilà. Dans certains cols sur l'autoroute, nous en Savoie, il est interdit de doubler en montée. Ah oui, oui, oui, ah, non, mais ça vient, bah, encore heureux, c'est normal, parfois ça monte tellement, c'est clair. Bon, bah Sébastien, bah, merci en tout cas, mais bon courage et puis bonne. Et puis attention sur la route, hein. Ouais, il y a moyen de gratter un pack de fun ou pas? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite, Sébastien. Okay. Salut, salut. Merci, à bientôt, on aura Antoine aussi dans quelques minutes. Là, bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit, on est toujours en direct sur Fun Radio. Ça se passe jusqu'à 2h du mat, restez bien là. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Je suis un walkie one man. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Merde, me suis gouré. Oh merde, j'avais prévu mon walkie wallman et il est parti. Oh, quelle machine de merde. Alors attendez, voilà, je disais qu'on était en direct. Je suis un walkie wallman. Avec Jean-Pierre Sauzère évidemment. Et il est 1h42, bientôt la fin de l'émission. Mais on est encore en direct avec Gérard dans quelques minutes qu'on va prendre. Antoine également de Saint-Etienne qui veut nous parler des métiers, hein, évidemment. Et puis on fera encore des appels avec Toff là. Maintenant sur Fun Radio, on s'écoute le son de Asi tout de suite sur Fun. C'est Born Again. Et on salue également tous ceux qui sont connectés. Il y a Megumi qui dit putain Polo, tu pourrais être discret quand tu rigoles. Félicia qui dit cette musique est la meilleure de Jean-Pierre Sauzère. À quand sur iTunes, j'ai hâte. Ah bah nous aussi. Hein. Et encore Megumi qui dit avec ce truc, Mickaël, j'ai trop mal au ventre. Hein. Chivalry is born again. Je suis un walkie wallman. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Je suis un walkie wallman. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Je suis un walkie wallman. Chivalry is born again. Et on est en direct sur Fun Radio là, avec ce nouveau remix de notre ami Jean-Pierre Sauzère. Je suis un walkie wallman. Allô, faire un culé, gros pédé. Voilà. Bon, Meprasa qui dit en plus remix avec les amis de Toff et Jean-Pierre. Ah bah bien sûr, attends, nous, tout le monde est là. Magda qui dit ah mais qu'il est bon le remix là, merci Mickaël. Écoute avec plaisir, j'ai comme ça eu une idée. Excellent remix, c'est Ariel qui avait envoyé le message et Ness qui dit je crois que je suis un walk and wallman. Je vais l'avoir dans la tête toute la semaine. Ah oui, ça surtout qu'on va le taper tous les soirs. Hein. Vous nous connaissez hein, dès qu'on a un os en main, nous. Megumi aussi, enfin on bouge plutôt. Arrête avec ce truc, Mickaël, j'ai trop mal au ventre. Et Félicia qui cette musique est la meilleure de Jean-Pierre Sauzère sur. iTunes, à Caen sur iTunes, exactement. Britannique qui dit on est bien sur Fun Radio. Oui, oui, Brit, t'inquiète. Et Olivier aussi, Jean-Pierre Sauzère au prochain Starfloor. Ça va faire fureur. Ah bah oui. Ah ouais, là, on va, ça va faire fureur. Maga qui dit je suis plié de rire, j'en peux plus. Et Amelour aussi qui dit moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir archéologue. Maintenant, je suis encore dans mes études pour rentrer dans le bac. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Et David aussi sur l'application et Mickaël No Limit qui dit salut Mickaël et toute l'équipe, je suis actuellement agent de sécu, conducteur de chien d'intervention. Si j'avais été plus jeune, j'aurais choisi quelque chose de plus musclé, genre le raid, la brigade Sino également. Et DJ aussi qui dit moi, j'étais mécanicien et maintenant, je travaille dans l'événementiel. Et Benoît également, Asi avec Born Again façon Mickaël, elle est énorme, la version du remix, évidemment. Je suis un walkie wallman. Walk and Wallman, bien sûr. Bon, allez, on va récupérer Fabien avec nous, là. Fabien de Metz, là. Comment va le médecin? Ouais, ça va très bien, bonsoir. En forme? Ah, très bien, comme tous les soirs, je vous écoute. Hein. Eh ben oui, très bien. Et tu connais Jean-Pierre Sauzère, toi? Un petit peu, oui, je l'ai vu à la télé. Puis sur ah oui, pubs, parce quoi. Que, attention, il passait dans Confessions Intimes. Ah, non, mais c'est vrai. Grosse émission. Grosse émission, bien sûr. Bon. Je suis un Walk and Wallman. Voilà, ouais, donc c'est le Walk and Wallman. Bon, alors, il s'appelle l'écho du rock, l'écho de rock, pardon, le titre de la chanson là, que je vous passe depuis tout à l'heure. Bon, alors, Fabien, toi, tu nous appelais par rapport au métier. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pu choisir? À moins que tu puisses encore choisir. Bah oui, non, je peux plus choisir, malheureusement. Ah bon? C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, je voulais faire depuis tout petit un pilote de ligne, comme beaucoup de monde. Ah bah comme moi. Le seul problème, comme j'étais jeune et insouciant, eh ben, j'ai reçu un petit produit dans les yeux. Ah, et au jour d'aujourd'hui, j'ai des lunettes. Ah, pas de chance. Ah, merde. Donc, voilà, ça m'a brûlé un peu la rétine. Donc maintenant, bon, ben, je peux pas faire ce métier. Mais je me suis créé un cockpit. Oh putain, donc, le kiff, monsieur, ouais. J'aimerais bien. Oh, la folie totale. Bon, c'est sûr, c'est un coût entre l'ordinateur, entre les panels. Les palomiers, etc., etc. Voilà, on va rentrer dans le détail, hein, je vous le dis directement, pour ceux qui n'aiment pas l'avion, vous allez pouvoir vous barrer. Non mais oui, oui, donc, attends, voilà. Mais ça c'est mon kiff, hein. Oh là là, une tuerie. Puis après j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans l'aviation, dans une grande entreprise luxembourgeoise aussi. Oui, enfin, c'est quoi la grande entreprise de l'aviation? Luxair? Ah, Cargolux? Non, Cargolux. D'accord, oui, une grande entreprise, oui. Ouais, bon, le problème, c'est qu'ils perdaient le chargement, comme ils ne le voyaient pas. Mais... bon, voilà, le problème, évidemment, c'est qu'il y a plein de 747 qui atterrissent à Luxembourg, mais ils prennent tout le pays. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que dès que l'avion atterrit, si tu veux, tu le vois arriver, il passe tout le pays d'un coup, hein, juste sur la phase finale d'atterrissage. Donc voilà, c'est ça l'avantage avec le pays, c'est que tu as toujours le nez qui est au nord du pays et la queue qui est au sud, et donc tu es à la frontière à chaque fois, c'est ça qui est pratique. Ouais, pas toujours, ça dépend des vents. Hein. Oui, mais c'était une vanne par rapport à la taille du pays. Mais bon, c'est vrai qu'il est tout petit par rapport à un 747, ouais. J'y serai l'autre jour. Ouais, c'est... Putain, Walker Man Man. Mais ouais, de toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis un Walker Man Man. Ouais. Voilà, et ça, c'est tu le peux principal. Pas tout faire, quoi. Mais je ne peux pas tout faire, effectivement. Bon, et donc, du coup, Fabien, donc toi, tu peux pas faire pilote de ligne, alors, évidemment, c'est mort. Voilà, tout à fait. Ouais, et donc, du coup, tu vas faire quoi, alors? Bah là, pendant ce temps-là, je suis agent de sécurité. D'accord. Voilà, bah j'y étais chez Cargolux hein, aussi, c'est ce que je faisais. Ouais. Donc voilà, et puis bah là, l'aviation, c'est un petit peu fini pour moi. J'ai passé mon brevet de base, j'attends mon brevet de pilote, mais de petit coucou, quoi. Ouais, mais ouais, c'est ouais. Toujours la même chose, le prix, quoi. Ouais, mais ouais, vol à vue, tu peux pas, puisque tu vois rien. Mais non, il est pas aveugle non plus, n'abusons pas. Bon, attends, il y a aussi mais Antoine. Si, vois quand même. Attends, Fabien, il y a aussi Antoine qui est avec nous de Saint-Etienne, là. Salut, Antoine. Ouais, salut. Ça va Ça va. Bon, donc, allez. Pour les métiers... Ouais. Vas-y, on t'écoute, t'as l'air passé, ben... t'as un train à prendre, Antoine, ou il se passe quoi? Non, enfin je suis excité de passer dans l'émission, c'est ah, cool. Et comme Jean-Pierre. Je suis un ouais, Walker voilà. Man. Et ouais, oui. C'est la légende du rock'n'roll alternatif français, évidemment. C'est incroyable. C'est le Walk'n'Roll Man, tout à fait. Et quel rock'n'roll alternatif. Bah, complètement. Bon, alors, du coup, oui. Explique-nous, c'est quoi les métiers? Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Dis-nous tout. Alors, moi, à la base, en visitant une chocolaterie, je voulais faire chocolatier. Et puis, à force d'écouter la radio, de voir les guignols de l'info, ben, je me suis dit, ah, c'est cool d'imiter les gens, c'est cool, ça fait rire. C'est sympa. Ah, t'es imitateur ? Oh non. Attends. Et ouais, du coup, je me suis entraîné à imiter pas mal. J'écoute pas mal d'imitations. J'écoute, je réécoute les personnes, que ce soit politique, des chanteurs ou voilà, des personnalités. Ben, moi, c'est mon kiff d'imiter un peu les gens. Ah ouais, et alors ouais. dis-nous, tu fais quoi là comme imitation? Ben là, je suis un peu Virenc, Manœuvre, je sais pas, Hollande, BSK, voilà. Bon, fais-nous Hollande pour voir. Hollande? Mais bonsoir, Michael. Mais, alors je passe en direct sur Fun Radio, très bien. Je vois que vous parlez d'éjaculation faciale, mais c'est immoral, vous vous rendez compte? Ouais, il y a quelque chose. Ouais, non, il y a un petit truc quand même. Il faut travailler, mais il y a un petit truc. Non, non, elle est bien. Un autre. Qui ouais. Se peut faire encore Jean-Pierre Sauvé. Virenc, par exemple. Virenc. On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré. Mais Jean-Pierre Sauvé a dépassé le mur du son. Mais on dirait, non, le mec de... Les Simpsons. Non, de la mafia qu'un fri, là. Comment il s'appelle? Tu vois? Non, ouais, vous croyez, là. C'est pas sympa de se moquer de moi. Quoi, Rinka? Non. Non, l'autre. Merde. Je reviens sur son nom. On déchire sur le rap, que vous avez pas remarqué. C'est qui, mais... Et c'est pas Homer, attention. Ah oui, là, d'accord, là, on reconnaît mieux. Après, Virenc, moi, je connais pas très DSK, bien. DSK, fais DSK. DSK pour voir. DSK. Déjà tout. C'était pas mal, la dernière fois. Sophie Tell. Il y a un peu de François Hollande, hein, dedans. Ouais, c'est un mélange de François Hollande aussi. Et t'arrives en fait, pas à faire on dirait que tu fais l'imitation d'un imitateur. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. T'arrives pas à faire Toff? Toff. Ce sera assez compliqué à faire. Bah, pourtant c'est très simple, hein. Tu fais comme ça. Mais oui, il n'y a pas de problème. Je peux venir te baiser toi. Ce soir. Pas de problème. Non, je peux venir ce soir. Voilà, exact. Et là, tu le tiens bien, tu vois. Là, c'est hop, petit effort comme ça, mais au moins ça tient bien. Mm-hmm. C'est pas mal. Ah oui, Kobe, tu crois? Chercher Polo. Non. Ah ouais, ouais bah, très bien. Il y en a d'autres encore ou pas? Je sais pas, ouais. Et tu fais quoi comme métier maintenant, du coup? Exactement. Comment? Comme métier, tu fais quoi du coup là tout de suite? Là, je suis encore dans les études. Je fais un truc sur le le développement alternatif des villes, voilà, c'est un truc totalement rien à voir. Ah oui, mais garde ça aussi, hein, quand même, on sait jamais. Ouais. Ah ben, je garde, voilà. C'est, c'est mieux, hein. Parce que bon, après, il faut trouver sa place, hein, dans le monde du travail. De l'imitation, oui, aussi, ouais. Ah bon. Oui, de l'imitation, ouais, aussi. Ah, de l'imitation, ouais. Il y a Amelour aussi qui dit, pour rentrer dans la BAC, Mickaël, la brigade anticriminelle de la police. Ah oui, pardon, d'accord. C'est moi qui ai mal lu, autant pour moi. Inès qui dit j'aurais bien aimé faire hôtesse de l'air, mais j'ai trop peur de l'avion. Ah oui, ah, c'est con ça. Inès, ouais. Il arrive quand une code de rock. Bon, l'ami Ariel, là, j'espère que tu t'en es bien rendu compte quand même. Bah, merci en tout cas, vous deux, là, Antoine et Fabien, merci d'être passés. Hein. Ah, merci. Ben, de rien, merci. C'est possible d'avoir un pack fun. Oui, oui, vous allez gérer ça avec Sandro au standard, je vous la repasse tout de suite. Y a pas de souci, merci, bonne merci soirée. Merci à vous, à bientôt. Merci, à ciao. Merci à vous. Mais c'est à vous qu'on doit, c'est vous qu'on doit remercier surtout. Bon, on va se faire encore un petit appel avec Toff là. Allons-y, allons-y. Tout ça pour évidemment. Prévenir les gens, que le sperme est bon pour la santé, en tout cas pour mettre sur le visage si vous ne voulez pas de rides et avoir la peau douce. C'est une vraie étude, hein. Nous on ne fait que relayer cette vraie étude, c'est pas nous qui avons avancé. C'est une information que nous communiquons totalement. Donc on appelle maintenant, c'est parti. Oula, que se passe-t-il avec la sonnerie? Je ne sais pas où nous étions, mais. On y était. Est-ce qu'on appelle encore en Corse? Je ne sais pas. On a appelé deux fois ce soir en Corse quand même. Ce qui n'est pas mal. Bon, allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelais pour savoir si votre femme acceptait l'éjaculation faciale. Comment? Ben, est-ce que votre femme accepte que vous lui éjaculiez au visage? Mais vous êtes malade ou quoi? Mais pas du tout monsieur. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous arrive là? Qu'est-ce que vous dites là? Vous dites des conneries, non? Mais pas du tout, je vous ai posé une question, monsieur. Ah, mais il a raccroché, très bien. Bon, on le rappelle? Bah oui. Allez. On est obligé. Bah oui, c'est ça. On le rappelle maintenant, puis on écoutera aussi Tony Junior juste après. Allô? Oui, excusez-moi monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. Et qui êtes-vous là? Moi je m'appelle Toff monsieur. Comment? Je m'appelle Toff. Eh ben rappelle-toi tout seul, petit couillon là. Non mais, monsieur, pourquoi vous dites ça? Je vous ai posé une question, vous pourriez répondre quand même. Mais quelle question vous avez posée? Ben je vous ai demandé si votre femme acceptait l'éjaculation faciale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben est-ce qu'elle accepte que vous lui éjaculiez au visage monsieur? Est-ce que tu es normal, toi, de parler comme ça? Bah oui, monsieur, tout à fait. Eh ben mets-toi au cul, alors. Mais non, monsieur, c'est ça qui est pas normal. Eh ben, va t'en prendre pas au cul, espèce de pédé, va. Mais non, monsieur, moi, je vous appelle pour vous aider. Parce qu'en fait, c'est bon pour la peau de votre femme. Allô? Ah ben non, il est reparti. Donc, ils sont relous, quand même, ce soir. Bon, mais on appelle encore un autre, ou on fait ça? Ben, on va faire ça après, juste après Tony Junior. On donnera le résultat aussi du top tuto ce soir. Et Tony Junior, on écoute ça maintenant. Twerk on Team, maintenant sur Fun Radio, il est 1h57. On est pépère. Hein? On est pépère? Oui, on est bien là. Dernière ligne droite de l'émission. Tous vos messages que vous balancez maintenant, vous tapez ça sur Mickaël officiel sur Facebook. Vous tapez Mickaël _ officiel pour m'ajouter sur Twitter. Et si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Et puis, le 01 42 48 5000, c'est Tony Junior qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit! Allez, 2h du mat sur Fun Radio. Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h justement. On va pas tarder à se barrer là. Tony Junior avec Track Anthem à l'instant sur Fun Radio. Mais quelle est mauvaise cette musique! C'est la pire merde qu'on connaisse! Mais oui, par rapport à ça. Je suis un walking woman! Sentiac tenant la cadence. Et le monde rentre dans la danse. Et le monde rentre dans la danse. Bon, point trop d'infos, hein. Ouais. Il faut pas abuser. Après, on risquerait d'être lassé. Et ce serait quand même bien malheureux, je trouve. Tiens, il y a Daoud Douida qui dit, moi je suis portier, j'aurais bien voulu faire animateur radio ou physicien. Comme les Bogdanovs sans la tronche. Ah oui, bah c'est mieux, ouais. Il y a Alexandrie aussi qui dit, ça n'est toujours pas une bonne idée de sortir avec son meilleur ami car on est déjà trop attaché. Et le jour où ça casse, ça fait très mal. Et je l'ai fait, ça a duré 1 an et 3 mois. Et ça fait extrêmement mal. Et le prince Nadia qui dit, le sifflement du téléphone de Jean-Pierre, c'est culte. Ah ouais, c'est une horreur, hein, surtout. Hein. Oh putain, c'est une galère d'entendre ça, c'est clair. Bon, top tweet. Non, d'abord encore un petit appel, un petit dernier. Allez, oui, allons-y. Allez, un petit dernier avant de partir. On fera le top tweet juste après. C'est parti, toujours pour annoncer aux gens que le sperme sur le visage, c'est bon pour l'élasticité de la peau. Allez. Oui, allô, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous acceptiez l'éjaculation faciale. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme acceptait l'éjaculation faciale. Et tête de con, qu'est-ce que dis-tu ? D'où tu sors, trou du cul ? Mais je vois pas le rapport, monsieur, pourquoi vous me dites tout ça ? Ouais. C'est facile par téléphone, connard. Mais non, mais monsieur, je vous appelais parce qu'il y a, une bonne nouvelle à tout ça. Allô ? Ah oui, bah, il est raccroché. Non, il est parti. Bah, il a complètement raccroché. On va donc le rappeler. Allez hop, c'est reparti. Retour, je sais pas où, mais on y retourne. Oui, allô, oui, excusez-moi monsieur, mais pourquoi vous le prenez comme ça ? Parce que moi je vous appelle, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle, crétin ? Mais les propriétés du sperme, monsieur, il paraît qu'il y a une protéine dans le sperme qui aide à réduire les rides et à adoucir la peau. Donc du coup, votre femme aura une plus belle peau. Ouais, mais... Bah, c'est bonne nouvelle quand même. Ouais, mais ils s'en foutent. Hein, non, vraiment, il en a rien à foutre. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Moi, je suis déçu, bah, oui, je suis déçu. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je suis un walking woman. Quelle horreur. Bon, top tuto, ouais, ça va repartir. Allons-y. Allez, numéro. Donc, c'est le deuxième qui gagnait, numéro 5 ce soir. Attention, c'est parti. Donc, le numéro 5, c'est Fred S. Fred S. Numéro 4. C'est Magda. Numéro 3. C'est Cédric. Numéro 1. C'est Let's Be Freaks. Et le numéro 2. C'est le prince Nadia. Ah, elle a remonté quand même, le prince Nadia. Oui, elle a remonté un peu. Ah bah, des 5e à 2e, c'est pas mal. Bon, bravo. Sextoy offert par passagedudésir.fr. Que nous remettrons en jeu dès demain, bien sûr, dès 23h. Il y a Mystique qui dit les appels de Toff. Petite info, si vous le saviez pas, il y a certains pays qui ont créé des crèmes visage à base de sperme. Ah, bon. Ah, bah bon, voilà. On garde l'info pour un autre jour alors. Et le prince Nadia qui dit le sperme serait bon pour lutter contre les rides et pour avoir une belle peau. Notez-le. Plus d'excuses, mesdemoiselles, pour refuser les jacques faciales. Et puis Shippers Baby qui dit, moi j'ai entendu que le sperme ferait mincir. C'est les Américains qui le disent. Mais quand tu vois comme ils sont gros, vaut mieux peut-être pas les écouter. Vous êtes des barges, mais je vous aime toute l'équipe de Mickaël. C'est gentil, Mystique. Et puis Frédéric qui dit, bonsoir, merci pour le petit message pour la réunion au tout début de l'émission. Trop fort, la Corse, j'adore. Ah bah avec plaisir, Fred. Et Ico ici qui dit, yeah, hello les tarés, il faut absolument que vous me fassiez rire ce soir. Ah bah l'émission est finie là maintenant, Ico. Hein, mais j'espère en tout cas qu'on a pu faire le maximum. On se retrouve demain dès 23h. Mais avant cela, évidemment, le générique. Allez. Ah, il marche pas le générique. Qu'est-ce qui se passe-t-il Pourtant, pour voilà, la France. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pics, t'as te sucé, toi l'enculé. Un enculeur, t'encule ton oncle. T'encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tout le temps que t'es un enculé. Dormir, manger, toute la journée. Suce ma bite. Ferme ta gueule. Oh, espèce de gros temps que tu es, ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis un Rocky Woman ! Qu'est-ce que je fais ? Que veux-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais te renculer. Tu vas commencer à me casser les couilles longtemps, espèce d'enculé, là ? Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Attention ! Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Je suis un Rocky Woman ! Vous te sucer, toi l'enculé. Enculé, toi ton nom c'est l'enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Merci Lilou. Voilà, eh ben voilà, mais merci Lilou comme d'habitude. Hein. Bon, on se retrouve demain nous à partir de 23h avec encore des GoPro à vous offrir, donc dès 23h sur Fun Radio. Et puis bah, je vous rappelle également que vous pouvez nous rejoindre, hein, nous ajouter sur le Twitter, n'hésitez pas à taper MIKL _ officiel. 23h, 2h. MIKL. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. Oh mais... Et c'est notre ami bon. JB dans la radio. Wow. Yeah. Wow. crame quelque la chose. La France. Pourquoi? Je sais pas. Mais non, t'es beau avec ta chemise rouge là. Et dites-moi ce qui se passe. Il se trame quelque chose. Eh bien, je tiens. Putain, vas-y, j'ai la pression là. Oh là là, mais son cœur. Hey, c'est un truc de. Et son cœur, il va sortir. Je tiens. Je vais mal. On t'a rien dit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Je vais vous dire. La France a besoin de savoir. Parce que là, je vois votre stagiaire depuis 10 minutes. Il regarde Toff. Il lui fait ça va, ça passe. C'est vrai qu'il est bête. J'ai grillé. Et là, Toff qui. Bon, attention, voilà. Il s'excite, c'est vrai qu'il est excité. Ouais. Non, écoute. Non, il n'y a pas de baiser avec Toff. Promis. Tu ne toucheras pas Toff ni ses lèvres. Promis. Ni un autre homme. Ni un autre homme. Il n'y aura pas contact avec un homme. Déjà, je tiens à embrasser Anne qui m'a donné cette idée. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la semaine dernière, on a été à Montpellier il y a une semaine en fait. Hein. Il y a une semaine, on était à Montpellier. Nous avons rencontré une charmante demoiselle qui s'appelle Anne et qui s'occupe notamment de fun partout dans le sud et qui est un peu la mère spirituelle de JB. Je l'aimais voilà, bien. Je l'aime de voilà. moins. Donc elle nous a donné 2-3 doses sur toi et je lui ai dit allez vas-y Anne encore un etc. Et donc elle m'a dit on a fait un pari. Donc quand on va aller à Toulouse, parce qu'on va y aller, on va faire la mission en direct de Toulouse, et puis comme elle habite là-bas, si elle m'a dit ouais mais soyez pas méchant avec JB et tout, je dis attends, Anne, tu me connais. On n'est pas comme ça. Attends, t'es sérieuse là, c'est un gentleman, je suis. Allez, arrête. Voilà, on est l'émission paix et amour. Voilà, exactement. Donc je lui ai dit, si on est méchant, je lui paierai son jet 27, parce qu'elle aime bien picoler aussi. Et si jamais je ne suis pas méchant, elle me paye le mojito. D'accord. Voilà, donc tu vois, je vais tout faire pour me faire payer un mojito, c'est normal. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est bon, je te crois pas. Alors qu'est-ce que c'est le dos? Mais son cœur, il va péter son cœur, les gars. Il fait comme ça. Je boue. Mais c'est fou ça. Voilà, pourtant, écoute, je l'ai un peu briefé. De toute façon, tu écoutes ce que dit Anne. Non, c'est vrai. Vas-y. C'est quand même, c'est un peu ta mère. C'est oui, qui le dit, sûr, tu l'as dit sûr. Également. Oui, enfin bon, la mère, allez, alors. T'aimerais pas qu'elle te tape, parce qu'on l'a vu, elle est balèze quand même. Hein, donc, Non, on va pas se taper avec Anne. Nous-mêmes, on l'a vu la première fois, on l'a vu à l'aéroport, je me suis dit. J'étais un peu terrorisé, et puis bon, elle a l'air gentille, mais en première vue, comme ça, elle fait un peu peur. Quoi, et à la deuxième fois, tu dis, ah, elle est bonne quand même. Oui, mais la première fois, t'as peur. Et donc, du coup, ça t'ennuierait quand on va à Toulouse, comme t'as dit que tu voulais venir avec, qu'elle te mette une patate. Hein? Mais oui, parce qu'elle te mettra pas une patate. Quoi? Non. Attends, elle va venir devant toi, elle te met une patate, elle te met à terre, elle te marche dessus avec ses talons. Elle me mettra pas de patate elle-même, les gars. Alors très bien. Et donc elle a envoyé un message. Donc on discutait. Et donc j'essayais de gratter des infos évidemment sur notre ami Jean-Baptiste. Et à un moment elle a fait: tu l'embrasses pour moi s'il te plaît. Ouais. Voilà. Ou Toff, ça fera l'affaire. Non. Si ça fera l'affaire. Mais si. Bon allez. Attends. Il faut que j'arrive. Bah avec Toff. Parce que en fait. Bon, on va attends. Fermez la porte. Attendez. On va enterrer l'âge de guerre. C'est vrai qu'il y a eu Jean-Baptiste des défis. Non. Il y a eu des défis à la con, etc. Si. Il y a eu des défis à la con que t'as lancé tout seul comme un grand. Et je m'engage, là maintenant, là, 2h09, nous sommes le 17 décembre 2013. Oui. Encore, je m'engage. Hein, Il s'engage. Je m'engage. Devant la France. Devant la France. Nous engageons. Nous engageons. Voilà. Oui. Arrêtez ces conneries. Plus de défis, plus de conneries, tu m'embrasses, machin, la bave, etc. De toute façon, vous avez dit ce soir, pas de bisous, pas de contact avec un homme. Non. Exactement. Pas du tout. Aucun exactement. Homme. Bon, allez, les gars, qu'est-ce qui va se passer? Le seul truc que tu devras faire pour être débarrassé ad vitam aeternam de ces défis, remercie Anne, parce que c'est grâce à elle. Remercie-la. Bah oui, alors qu'est-ce que je fais? Remercie-la. Bah ça dépend. Mais ça dépend si quoi. Je vais pas la remercier avant de savoir ce que je fais. Eh ben, remercie-la. Bah merci Anne. Voilà, très bien. Eh bien. Tu n'as aucun contact avec Toff, mais tu dois faire un peu de théâtre, faire comme si tu l'embrassais. Oui. Ça c'est facile. Ouais. Hein? C'est facile ou c'est pas facile? C'est-à-dire faire une simulation. Voilà, tu fais comme si. À 2 mètres comme ça? Non, à 2 mètres avec. En gros, c'est un peu comme si vous deviez vous embrasser comme là, tu mets ta bouche contre le micro et lui met sa bouche de l'autre côté du micro. Mais pourquoi? C'est facile. Ouais. C'est facile à faire. Ouais. Bon, il faut le faire avec ça. Ah mec, c'est quoi? C'est un gâteau. Non, c'est du Pascal. Jamais. Allez. Alors là, jamais. Non, on ne quitte pas l'antenne. On ne quitte pas le studio. Allez, JB. Je m'en vais du studio. On ne quitte pas le navire. Monsieur JB, on ne quitte pas. C'est un vrai poisson en fait. Je m'en vais du studio. On ne quitte Polo, pas. On ne quitte pas. Polo, tu m'aimes. Polo, tu m'aimes. Polo, tu m'aimes. Polo, c'est JB. Allez, JB. JB, on ne quitte pas l'antenne. Jamais. On s'en fout. Jamais. Jamais. C'est quoi comme poisson? Je sais pas ce que c'est comme poisson, il a l'air gentil le poisson là. Un merlan. Non mais attends, il a l'air gentil là le poisson. Oui. Bon alors. Allez, allez pour la France. Tu lui roules une pelle. Il met contre la bouche et Paul et Toff il est de l'autre côté. Il met contre la bouche et il y a le poisson entre les deux. Mais t'es mal. Non mais on est même pas à côté du micro, on m'entend pas là. Bah venez, venez, bah viens à côté du micro. Oh mec ça pue. Allez. Allez JB. J'y vais. Mais jamais. Mais jamais. J'y vais pour Anne. Mais non. Pour Anne. Il préfère embrasser Tom. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut terminer parce que je vais attends mais ça va, c'est un petit poisson là, il a rien fait pas le oh non. Moi je peux mais casse-toi. Mon portable. Non mais alors. Bon, allez, JB. Mais jamais. Pour mais la France, jamais. Pour Anne, pour Toulouse, mais la ville France, rose. Alors la France, elle dit non. Pour la ville France, rose, non. Pour la ville non, rose. Parce que la dernière fois, vous m'avez pris par surprise. Il y a des trucs que je peux accepter. Mais ça, jamais. Fais gaffe, parce que là, il est derrière toi, il peut te prendre par surprise à tout moment. Mais viens, on le s'embrasse. Alors, je vais vous dire un truc. Tu préfères lui rouler un patin que de mettre un poisson. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que je préfère embrasser Toff sans le poisson. Alors vas-y. Non, alors vas-y. D'accord, après... et tu lui roules une pelle. Et après on les quitte. Non, non, bah, bah, non. Alors le poisson. Ah ouais, avec. Alors juste avec une écaille. Non, non, mais non, mais je ne touche pas le poisson. Jamais. Mais qu'est-ce que c'est quoi ton problème avec le poisson là? Je vous avais dit le prochain défi sympa que vous me sortez un mais poisson. Mais c'est sympa. T'es sérieux? Bon, voilà, allez. Chuchote. Allez, allez, regarde, Toff va le faire. Regarde Toff. Voilà, Toff va le faire. D'abord il embrasse le poisson, puis après vous vous embrassez. Voilà, et maintenant un bisou. Et maintenant on s'embrasse. Voilà, allez JB. Allez JB. Regarde-le. Bon JB. Allez. Alors franchement mais quel... Allez. Putain mais t'es relou. Quel talent JB. Allez JB. Un grand homme de radio ce JB. JB mec. La France. Allez, allez, attendez, on va. JB dans la radio. En plus il est content là. Il est content, bien sûr qu'il est content. Ouais, bien. Ah non. Il m'a embrassé. Ah non, c'est bon, non. C'est bon. Là, non, la France, on a marre. Merci, au revoir. JB, on envoie c'est toi qui devais l'embrasser. Hein. Enlève le poisson. Mais il est là le poisson. T'inquiète pas, on va te le mettre dans le studio toute la nuit. Là, tu vas être bien. Allez, les mains en l'air. Les mains. Polo, tu m'as déçu. Hein. J'ai bon, rien fait, JB. Mais c'est ça, attends. Et d'ailleurs, encore, donc je remercie une énième fois Anne. Merci, j'espère que le défi de demain sera encore mieux. Non, mais c'est terminé. La y a France. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a plus de poisson. Il n'y a plus de trucs qui sentent. Il n'y a plus de bisous avec Mickaël, Toff, Polo, qui vous voulez, le stagiaire, les assistants, les internautes, les skewers. C'est terminé. Maintenant, je veux des masseuses. Je veux embrasser Sandro. À la foutre. Voilà. Mais alors là, c'est terminé. Non, mais je savais. Mais... Franchement, t'es coincé du cul. Hein. Ouais, d'accord, bien sûr. Attends, je suis allé le pêcher ce matin, pourquoi c'est ça. Mais attends, on était sur la scène et tout, avec des calapèches avec Toff, là, avec notre chapeau vert et tout, là. Ouais, bah, j'avais l'air de. Ouais, on était en mode pêcheur. Bon, bonne nuit JB. Hey, JB, non, mais, ouais, je vais vous dire quelque chose. J'ai le ballon dans cette entreprise. J'ai le ballon dans cette entreprise. Tu connais qui? T'as le ballon, j'ai le ballon. Il, ouais, a, il a le ballon, t'as le poisson maintenant aussi. Hein. Je vais dire, je vais aller voir Jérôme. Ouais. Alors, on va lui laisser le poisson dans le bureau et puis il en fera ce qu'il veut. Le président directeur général dans la radio. De la radio. Dans la radio, ouais. C'est comme Bruno dans la radio, lui c'est le président directeur général dans la radio. Maintenant t'es sur mon horaire, y'en a marre. Non mais moi je vais te dire quelque chose ici. Moi je vais vous dire quelque chose, y'en a marre là. 2h15, c'est mon horaire, d'accord. D'ailleurs la France ne se trompe pas. La France, rappelle mon audience Mickaël s'il te plaît. 166% d'audience. Ouais, c'est vrai. Donc là, la numéro 1 la nuit. Numéro 1 la nuit, la France ne se trompe pas monsieur. Ouais. Donc je vais vous dire, 2h15 du matin, c'est mon horaire. Voilà, donc là, vive la France, vive la République. Il n'y a plus de défi. Place à la musique. Au tube. Et pas de Jean-Pierre Sauzard, il n'y a que du tube. Calvin Harris. Merci. Il est bon là JB, t'as vu ça l'a motivé, faut faire ça tous les soirs. Ouais. Il vient bon là. Très bon ouais. Il vient bon là. Il bande Toff. Allez, il est qui bande là. Bon allez on se quitte hein, demain. Ouais, je vais dans le studio. Adieu. Couldn't get better, babe. tout le monde, je m'appelle JB et je vais mal. Fun Radio. Je me remets à peine de ce que m'a fait subir Michael avec un poisson. Je déteste le poisson, on vous mettra la vidéo sur le Facebook. Et Michael officiel, bienvenue en tout cas, on est ensemble jusqu'à 6h, l'heure de retrouver Bruno dans la radio. Avant 6h, on tweet, hashtag on aime les blagues de JB Fun Radio. Elles sont Dancefloor, Flavel et Netto à venir et le tube de Showtech tout de suite. This is Fun Radio. Le son Dancefloor.